mal démarré avec le pénalty. Ben au moins on a un record, le pénalty plus rapide de l'histoire de l'Euro. Et oui, c'est nous qui l'avons pris. Et ouais, ah, super, ça nous a fait record. Ça nous a fait un petit but au bout de deux minutes. Ah, ouais. Ah les boules. Pas, oui, c'était un dimanche après-midi, pas facile. Ah, ouais. Bon, Forza Italia, nous dit Blue Will. L'Italie a gagné, s'est qualifié contre l'Espagne 2-0, je crois. Ouais, c'est ça, 2-0. J'ai pas suivi le match en plus. 2-0, ouais. Plein d'autres choses à faire. Pas suivi le match, mais bravo les Italiens. Il y a un but de Cligny, j'ai vu. Ah, Chiellini. Moi, j'étais dans le train, donc j'ai juste le deuxième, c'est qui a marqué? Dites-nous, parce que premier sur le foot ce soir. Chiellini et Pelé, ouais. Et Pelé. Ouais. Ah, Pelé. Il avait déjà marqué au premier match. Le Brésilien, il est de retour. Ouais, c'est lui, ouais, le Brésilien. Ou le gardien remplaçant de l'OM, comme tu veux. Bon, en tout cas, c'est joué à 18h tout à l'heure. Ce soir, on va suivre les Islandais contre les Anglais. C'est le match qu'on va suivre en direct. Alors, Son est dans les cages. Son est partout dans l'équipe d'Irlande. On a l'impression qu'ils n'ont qu'un joueur. Ils s'appellent tous Son. Il s'appelle Son. Son. On va les suivre ce soir. Angleterre, Islande pour la suite de l'Euro. C'est donc les matchs qu'on suivra tous les soirs en direct sur Skyrock. Et premier mais sur le. Il y en a pas un qui s'appelle pas Son. Ah non, mais ça va être. J'ai regardé. Tout se termine par c'est Son. Drôle. Alors il y en a, c'est deux S-O-N ou il y en a, c'est S-O-N. Ouais, bien. C'est ça, mais c'est Son quand même. Là, ils ont fait la composition de l'équipe, car même les remplaçants. Même dans les 23, s'il y en a un, c'est Sen. C'est tout. Voilà, il y a Christine Son, Johnson, Oxon, Hermanson, Igason. Fun Boga. Boga, c'est de ma famille, lui. Non, Fun Boga Son qui est là aussi. Il y a Gudjensen. Tu l'as bien prononcé, Romano. Il y a des problèmes pour prononcer tous les mots. C'est le seul qui n'est pas en on. C'est ça. C'est le seul qui n'est pas en on, c'est vrai. C'est ça. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, les Islandais, bouvez du rosbif ce soir, nous dit Jules. Oui, on préférait tomber contre l'Islande que contre l'Angleterre. Ouais. Parce qu'en fait, le gagnant de ce match, ce sera celui qui tombera en quart contre les Français. Contre nous. C'est ça, exactement. C'est notre adversaire. Donc, ce soir, on va suivre le match de nos futurs adversaires. Allez, l'Islande. Sur les deux. Ouais, moi, je suis un peu pour l'Islande aussi. Ah, moi, je suis quand même. Ils sont sympas, les supporters, en plus. Ouais, bonjour à Marisson, Romano Son, toute l'équipe, toute l'équipe qui est là ce soir, Karim Son, Sammy Son, bah, va ouvrir et Cédric Son également. Ouais. Oh la blague de merde. Va ouvrir, Son va ouvrir exactement. Hey. Mais elle est drôle. Et vous aussi faites le 01 53 40 32 dans le téléphone, il sonne aussi. Donc, voilà. Et là on est à fond, dans le rôle. Bon, et il y a Sir Thorson qui joue à Nantes, nous informe GG le Nantais. Salut à toi GG le Nantais. Salut d'ailleurs à tous ceux qui sont là. Bonjour à Roman qui vient d'arriver, à Was, au joint du Cendrier qui nous dit bonjour à Jean-Marie Bigarson qui vient d'arriver aussi. Bonjour à toi, Jean-Marie. Eh bien, Jean-Marie Bigarson. Oula, c'est joli ça. Béa de Perros-Guirec qui nous salue. Salut Béa. B2O qui nous dit alors, parlez pas du Portugal. Eh, si, le Portugal s'est qualifié. Bien joué, les Portugais. Ils sont qualifiés à la fin des prolongations. Ça, bien joué, bien joué. C'était samedi. C'est surprise, ça, quand même. Oui, oui, c'est une petite ils surprise. Ils ont éliminé la Croatie, ouais. Les Croates qui étaient au bas, qui avaient biqué. Ils fait un bel euro, mais bon, c'est ils sont pas tes préférés. Vous avez démarré en bas. Ouais, moi, les Croates, c'était mes favoris. Merci pour ça. Eh ben, Samy a déjà plus de favoris. Maintenant, je mise sur l'Allemagne. Ouais, les Allemands, pas de chance. Si vous regardez l'équipe d'Allemagne, il va vous plomber votre euro. Prochain tour, c'est terminé. Ouais, merde. Prochain tour, vous faites baiser. Ça, c'est désolé, les Allemands. Hein. Ah ouais. Bon, le week-end s'est bien passé pour tout le monde. J'espère pour vous aussi. Hein. On vous attend au 01 53 40 30 20 tout au long de cette soirée pour réagir sur tout ce qui se dit à l'antenne, pour venir faire les cons avec nous, pour nous laisser les numéros du double appel aussi, puisqu'on fera les double appels ce soir. Bon, on va commencer dans pas longtemps, puisqu'on était en train de. On était là juste avant l'émission en train de tester les familles du double appel. On va les retrouver d'ici quelques instants sur Sky. D'ailleurs, vous avez des numéros, vous nous envoyez ça. Vous voulez passer à l'antenne, même chose. Skyrock, c'est votre radio. Vous en faites ce que vous voulez tout au long de la soirée au 41 759 sur l'appli Skyrock. Et puis, évidemment, au 01 53 40 30 20. Et il y a même le skyrock.fm pour nous envoyer tout ça tout au long de cette soirée. Je crois qu'on a Mathis au téléphone avec nous pour démarrer ce soir. Bonjour, bonjour Mathis. Salut Mathis. Salut mec. Bonjour. Salut. Salut Mathis, comment va? Mathis. Moyen, ouais, Mathis. Moyen, ça va pas démarrer. Allô Mathis, hein, ça va pas. Ouais. Pas bon. Mets-toi un endroit où on t'entend bien, Mathis. Allô, vous m'entendez? Oui, parce que parfois tu parles, mais on t'entend pas. Ça y est, on t'entend. Vous m'entendez là? Exactement. La connexion avec le 33 est établie, Mathis. Ah. Ah. Par contre, c'est Mathis. C'est Mathis. Ouais, Mathis. Non, Mathis. Ah, tu n'as pas de S, toi. Non, ah, Mathis. Okay. Tu as été privé de ton S, d'accord. Tu n'aimes pas. Il n'y a pas une bijouterie qui s'appelle Mathis? Mathis. Si, ouais. Ah, Mathis. C'est ça, ouais. C'est un truc à l'ancienne. Mathis, ça. Ouais. Mathis. Mais il y a des boutiques et des catalogues. Eh bien, on va t'appeler Mathison ce soir pour soutenir les Islandais, là. Les Islandais qu'on suit ce soir. C'est parti pour le match. Hein. Yes. Trois minutes de jeu. Et pour l'instant. Toujours 0-0. Nous, à ce moment-là du match, on avait déjà pris un but. Il y avait déjà 1-0 pour l'Irlande. On s'était déjà pris un pénalty hier. Bon, alors, Mathis, dis-nous pourquoi tu nous appelles. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Mathis? Ben, j'ai un problème avec ma meuf. Ah, tu as un problème avec ta meuf. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Ce qui tombe bien, c'est quand ça arrive à cette période-là, t'as tout l'été pour en retrouver une autre, si c'est vraiment un problème grave. Parce que c'est vrai, ah, que, voilà, c'est vrai que l'été, bien. L'été pour draguer, c'est bien. Si elle nous écoute, ça va lui faire plaisir. Ouais, c'est sympa. Mais c'est pas faux, t'as raison, il faut le. Mais oui, mais comme d'habitude, Marie, comme eh ben, l'Angleterre fait quasiment comme la France, parce que penalty pour l'Angleterre, je crois. Ah. Ils font pas comme la France. Deux minutes plus tard, quand même. Ils font. Enfin, l'Islande fait comme la France, mais. Oui, c'est l'Islande. Je veux dire si le penalty est confirmé, mais y a, en tout cas, il y a faute dans la surface. Et donc, il devrait y avoir penalty. Je pourrais allumer ma télé, parce que j'ai pas de télé. Oui, Cédric, pourquoi t'allumes pas la télé de Romano? Rien. Parce que c'est une grosse salope. C'est penalty pour l'Angleterre. T'as pas la télécommande pour la nuit. Non, il y a putain. Ah si, tu vois. Voilà. Il y a un mec qui l'a ramené après le week-end. Je sais pas s'il a ramené la télécommande avec disparu. Donc il y aura penalty pour les Anglais au bout de 3 minutes de jeu. Ça va vite les penalties cette année. C'est clair. Wayne Rooney qui tire. Bon, alors explique-nous ton problème avec ta meuf, Mathis, dis-nous. En fait, comment vous dire. En fait, je suis avec elle, mais je l'aime plus trop. Ah, donc c'est plutôt un problème pour elle après qu'on va traiter, je pense. Ah, bah oui. Ouais, voilà. Et aussi, j'en ai mis une autre. But de l'Angleterre. Et but. Et 1-0, allez, 1-0. C'est parti. De Rooney. Ça va être compliqué pour les Islandais. Hein. Je crois. Wayne Rooney qui a marqué. Ouais, le beau. Le magnifique Wayne Rooney avec ses magnifiques cheveux en plastique. Ses belles oreilles aussi. Ouais, il a tout, Wayne Rooney. Il a surtout de super pieds pour marquer le but, là. C'est clair. Voilà, un but pour nos amis, les Anglais. Bravo, les Anglais. 1-0 contre l'Islande. Mais c'est pas fini. On va voir ce qu'il va. On va voir, regardez-nous, hier, on perdait 1-0, on a gagné quand même. C'est vrai, ouais, bah, heureusement, ouais. Et ouais. Pas si on est les bleus. Et voilà, ouais, mais c'est bah ça, ouais, ça, allez, les ça. Bleus, allez. Allez, les bleus, allez. D'ailleurs, on est dans notre studio tout bleu, avec tous les drapeaux de tous les autres pays. Ouais. On respecte quand même les autres pays. Mais d'ailleurs, il faudrait arracher ceux qui sont plus là. Arracher ceux qui sont plus là, les pauvres. Ils ont pas mais à l'eau, oui, tout mais le monde. Bon, c'est... Non, mais on enlève les éliminés, quoi. Bah à la fin il restera pas beaucoup de drapeaux. Il reste qu'un des bleus. Là je vois le drapeau turc par exemple, toi tu vas arracher. Je vois le drapeau suisse aussi, tu vas draquer. Ah bah ouais, c'est arracher le drapeau turc, le drapeau suisse. Bon, alors donc toi tu veux te séparer de ta meuf. Explique-nous tout Mathis, vas-y dis-nous. Après le, bon, après fait, le but de l'Angleterre, passons à l'amour maintenant. L'amour qui a priori en a un coup dans l'aile, mais bon. Ça fait 6 mois que je suis avec elle. Oui. Mais je l'aime plus trop et j'en aime une autre. D'accord. Elle m'a fait une lettre. Qui c'est qui t'a fait la nouvelle? C'est l'Islande! Et les Islandais! Skyrock est en premier sur le foot, bien sûr! Bien sûr! C'est Son, je vous le dis tout de suite, j'ai pas regardé, mais c'est Son. C'est lui. Son a marqué. Et il est blond. L'égalisation. Belle réaction et surprise des Islandais. Vous savez qu'en Islande, ils sont 300 000 personnes. Ouais, c'est ouais, clair. Ouais. Et ouais. Il y a seulement 100 footballeurs professionnels. Il y a pratiquement toute l'île qui est en France. C'est ça, exactement ça. Pour encourager les Islandais. Moi, je les aime bien, moi aussi. Eh bien, but de Son! Et joli en plus. Ouais, super bien. C'est Son qui a fait une passe à Son et qui a marqué dans le but. C'est ça, exactement. Bravo les Islandais. Un partout. Très bien, Romano. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau bruit? Non, c'est ton kit du supporter. Mes trucs de supporter, je les garde. Ah, tu veux dire que ton kit du supporter? Ah, j'ai pas tout, mais. Vas-y. Allez. Bravo l'Islande. Pas mal, bravo. Un partout, donc. Pour les Islandais et les Anglais, yes. Ce soir. Bon, revenons à l'amour. Allez, hop là. On va y arriver, ouais. L'amour qui dit c'est qu'on va garder jusqu'à la fin de l'émission. S'il marque un but toutes les deux minutes, Mathis, t'arriveras jamais à la fin de ta story, en fait. C'est sympa. Ouais, mais, c'est ça. Alors, pour résumer un peu, t'es avec une meuf depuis 6 mois. Cette meuf, elle t'aime. Et toi, tu l'aimes plus parce que t'en aimes une autre. Et celle que tu n'aimes plus parce qu'elle t'en aime une autre, ta meuf de 6 mois, elle t'a écrit une lettre. Non. C'est celle que j'aime maintenant. Qui m'a fait une lettre. Mais elle m'a fait une lettre pour me dire que j'étais son premier amour et tout ça, donc... Ah, ok. Et je précise, j'ai 15 ans. D'accord, et c'est ton... Très bien. Ah, attends, moi j'ai toujours pas compris, c'est quoi? C'est ton officiel qui a fait une lettre ou celle que tu veux serrer? Non, l'officiel. Ah, ok. C'est qui est amoureux. Ouais, c'est celle que tu veux dégager, en gros. Oui, donc c'est ce que je disais. Ah, donc voilà. C'est ça, on avait bien compris. Ouais, on avait bien, okay. Pour une fois, quand même. Ouais, ce qui est quand même étonnant, c'est quand même, on avait bien compris, quand même. Donc, en fait, elle est super amoureuse, elle t'a fait... Qu'est-ce que t'as écrit? Tu peux nous la lire, la lettre d'amour? Ah, la honte. Ah, non. Ah, c'est... Oui. Elle est vraiment très longue. C'est pas grave, lisons des petits bouts. C'est tellement beau, une lettre d'amour. Nia. Envoie-nous les meilleurs moments quand même. Ouais, fais-nous un best-of. Fais un best-of. Bah, je vais vous dire vite fait. Vas-y, dis-nous vite fait ce qu'elle t'a écrit dans sa lettre d'amour. Elle me dit, ça me fait peur parce que je veux pas te perdre. Je me suis tellement attaché à toi et je peux plus me détacher de toi. C'est beau. Ah ouais, c'est mignon. C'est beau. Simplement, t'es un peu dans la merde pour la larguer, quoi. Voilà. Oui, c'est beau quand tu reçois une lettre. Je veux pas la faire. Ouais, tu veux pas lui faire mal, oui, forcément. Elle doit sentir que tu t'éloignes, hein, parce que si elle t'a écrit une lettre à ce moment-là. Elle sent venir le truc. Mais t'en écris souvent des lettres d'amour comme ça ou pas? Non, c'est la première. Je pense que, comme disait Marie, je pense qu'elle sent arriver le truc. Ouais, ouais, t'en avais jamais fait. Mais est-ce que t'as commencé déjà à lui mettre des petits coups d'esquive, tu vois, pour qu'elle sente ça? Pour que c'est fini? Ça fait une semaine que je lui parle plus par message. Ah bah oui, je comprends pas. Ah bah elle le sent, oui. Ouais, là, elle doit le sentir, là, mais fort. C'est logique. Elle doit être mal, la pauvre. Parce que c'est vrai, ouais. Si vous avez vécu déjà, vous, le fait d'être, d'être amoureux ou amoureuse, et elle sans ne vous aime plus. S'éloigne, ah ouais, c'est horrible. Tu, oui. Donc elle a écrit une lettre d'amour, ouais. Et elle sait pas que c'est peut-être la et dernière. Et tu me disais tout à l'heure au standard, genre, elle t'a fait venir à une soirée, enfin, elle avait prévu une soirée, t'étais pas allé, tu l'as esquivé, tout ça? Ouais, ouais. Samedi, elle a fait une soirée, Et t'y parlais? J'ai dit que j'étais parti au gala de ma petite sœur. Ce qui n'était pas vrai, bien sûr. Bah, enfin, si, c'est vrai et pas vrai. Ouais, oui, tu t'en as servi. C'était l'après-midi, genre. Le temps de la petite sœur. Quoi, elle l'a quand même pris dans la gueule le fait que tu viennes pas à sa soirée alors que tu l'avais invité. Ah, ouais, voilà. Oui, ouais. C'est pas sympa. Ah, ouais, quand c'est la soirée de ta meuf et que tu es pas là, ouais, c'est pas sympa du tout. Ouais, ouais, mais là, effectivement, je pense qu'elle est bien au courant que ça se gâte, la soirée, ouais, situation. Ouais, voilà, j'espère que, comme je le disais il y a un instant, elle ne le sent pas aussi fort que Cédric, nous dit Dracwalls sur SMS. Mais je pense quand même qu'elle doit le sentir. C'est mignon quand même ce qu'elle t'a écrit, nous dit Perrine. C'est vrai, c'est joli, c'est mignon. Bah, ouais, c'est mignon. Bah, mais enfin, toi, quand au fond. Quand tu veux larguer la personne et que tu reçois ça, c'est moins mignon. Romano, tu reçois une lettre d'amour de ta gothique, par exemple. Là, maintenant, plein milieu d'émission, elle t'envoie un SMS. Ah, je la lis même pas. Une lettre d'amour. Moi, ça passe à la benne. Je lis même pas la lettre d'amour. À la benne. Ou alors, je vous la lis à l'antenne. Tu es capable de jeter ton téléphone. Tu es capable de jeter ton téléphone à la poubelle parce que tu reçois une lettre de la gothique. Ah, non, mais une lettre, elle va. Enfin, une lettre par SMS. Ouais, si elle m'envoie un SMS, bah, je l'efface, tu vois. Ah, tu jettes pas ton téléphone. Ah, voilà, tu vois. Même la machine, elle se déclenche toute seule, tu vois, on parle de l'autre, là, et ça pèse. C'est dingue, on dit gothique, il y a un bruit de paix, mais en plus, personne n'a appuyé sur un bouton, hein. Direct. La machine vit toute seule. Non, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? Tu sais qu'on a les premiers ordinateurs intelligents sur Skyrock, tu dis gothique, le machin fait. C'est quand même un truc de... Il y a des cerveaux dans nos ordinateurs. Enfin, en parlant de la gothique de Romano, hein, pas tous les gothiques, quand même. Ah, on parlait bien sûr de sa gothique à lui. Ça s'appelle... Bonne précision, Marie. Bah, écoute... Marie, elle vient de créer un petit malaise, là. Voilà. Voilà. Ça aussi, ça se déclenche tout seul. Voilà, non, Marie, tu fais des blagues de merde et je vous dis, on a inventé l'ordinateur. Non, mais j'ai changé de menu, cherchais des autres. Bah, c'est ça, foutu de ma gueule, non, t'es devant mais, moi. Je t'assure, mais attends, non, mais en plus, tu vois, le truc, tu l'as foutu en panne. Voilà, l'ordinateur a un cerveau, il fait la gueule maintenant. Merde. Parce que l'ordinateur ne veut plus parler. Il boude, ah ouais, c'est sa fille. C'est bien plus pratique quand ça réfléchissait pas, ces appareils. Tu veux qu'on fasse quoi pour toi, Mathis, toi? Parce qu'il y a plein de messages que vous nous envoyez là. Dites-nous, si vous voulez réagir à Mathis, si vous avez déjà été dans sa position à lui, ou dans dans la position de ta meuf aussi, vous pouvez nous dire. Qu'est-ce que tu voudrais savoir, toi, Mathis? Bah, je sais pas quoi faire, en fait. Oui, parce que, je comprends. Parce qu'elle part, là, va partir en Grèce, bientôt. Ouais, comme Cédric, il est parti en Grèce, oui. Il est resté. Mais je sais pas s'il le fait maintenant ou après, parce que s'il le fait maintenant, elle va déprimer pendant toutes ses vacances. Oui, mais ça peut. Mais si t'as décidé de plus lui envoyer de message, de plus communiquer avec elle pendant toutes les vacances, vaut mieux qu'elle sache pourquoi, je pense. Parce qu'elle va être en bête de toute façon. Voilà, perso, je préférais me faire larguer avant les vacances qu'après. Tu vois, au moins pendant l'été, tu peux essayer de trouver quelqu'un d'autre. Je pense aussi. Parce que là, en fait, tu vas lui faire passer un été de merde parce qu'elle va pas avoir de nouvelles. Et vraiment, pour l'achever à la rentrée, tu vas la dégager. Donc c'est horrible pour elle. À tes souhaits, Marie. Merci. Merci. Non, mais à tes souhaits. Oui, mais c'est gentil. Moi, perso, ça serait plus avant. Voilà, je vote avant. Non, mais en plus, t'as vraiment décidé ou tu veux encore un peu de temps pour réfléchir ou comment ça se passe? Je réfléchis un peu. Ah, donc t'es pas décidé de la larguer complètement. Mais est-ce que la deuxième, en fait, déjà, t'es sûr de pouvoir la serrer? Parce que bon, tu veux la serrer, c'est bien, mais est-ce qu'elle est d'accord? Mais pour la serrer, c'est avec un couteau, Romano, ou pas? Oui, bah, bien sûr, oui. C'est avec un couteau. Merci. Ou avec une corde. N'importe quoi. Si tu veux, Cédric. Ou avec une pince, tu peux serrer aussi. Oui. Mais l'autre, il y a moyen de la serrer ou pas du tout? C'est presque sûr. À 80%. Attention, méfiant. Ouais, t'es dans les 20%, t'es dans la merde. Ouais. Et t'as déjà pensé à ce que tu vas lui dire, la raison pour laquelle tu la largues? En fait, j'essaye de que ce soit elle qui me largue. Comme ça, j'aurais pas de truc à me reprocher. Ah ouais. Cédric, tu vas pouvoir témoigner dans un instant. Ouais, pas de soucis. Comment se faire larguer par une meuf? Eh bien, apparemment, ça marche j'ai plusieurs bien. Idées, moi. Cédric, ça marche Cédric, très bien. Non, mais pour lui, ça marche bien, parce qu'il lui a envoyé une lettre d'amour. C'est mais pour l'instant, il n'a rien dit, Mathilde. Ouais, pour l'instant, il n'a pas fait. Ouais, mais il n'a pas répondu pendant une semaine. Mais attention, le dégoût humain arrive, Cédric, en personne. Attends, j'ai un message pour toi, Cédric. Moshita qui a écrit: bonsoir, c'est Moshita. Ouais. Salut, Moshita. J'ai jeté toutes les lettres d'amour que Cédric m'a envoyées. Jamais de la vie. Mais tu sais que moi, je ferai jamais de lettres d'amour. Bah écoute, Moshita, les arbres. C'est qui reste. Hein. Non, pas, c'est écrit sur le message. J'ai été envoyé à 21h11, il y a 2 minutes pile, 3 minutes même maintenant. Regarde, Moshita qui nous envoie ça. Merci, Moshita, de ton message. C'est un putain de chien de la casse. Pourquoi tu dis ça, Laura? Laura, 19 ans. C'est un putain de chien de la classe. Il sait pas comment. C'est horrible de lui faire ça. Putain d'enfoiré. Merci Laura. Racontez-nous si on vous a déjà fait ça, Laura. Il semble que t'as déjà vécu ça. Ouais, dans ta vie, ça, ça sent le vécu, ouais. Ouais. Et Flo du 88 qui a 22 ans qui dit, moi mon ex menace sans aucune explication du jour au lendemain au bout de 5 ans. Et le lendemain elle était avec un autre mec. Bah tu l'as la nouvelle l'explication. Ah bah l'explication, ouais. Elle te l'a pas donné, mais tu l'as découvert l'explication. Tu vas être un petit peu cocu avant peut-être. Non, pas ouais. du tout Marie. Non, à peine. Donc on prend les réactions de tout le monde. Ah bah 5 ans tu le prends dans la gueule quand même, ouais. Putain. Oui. Et ben tu bouges pas Mathieu, reste avec nous hein. Ah oui, ne vous inquiétez pas. Eh ben, c'est pas, on s'inquiète pas. Et en tout cas, on s'inquiète plus pour ta meuf, Mathieu. Bah, ouais, clairement. Ouais. Bon, alors, pour te faire larguer, t'en baises une autre et tu lui dis, ouais, ça c'est le message de Johan. Il y a YNK qui dit, tu baises l'autre et tu fais en sorte qu'elle soit au courant. Sois honnête avec elle, porte tes couilles, c'est le message de Kitam. Salut à toi, Kitam. Un grand big up à toi, Kitam. Envoie une photo de toi avec la nouvelle. Ouais, mais ça, je pense que c'est quand même mieux de lui dire plutôt que de lui envoyer quand même une photo avec la nouvelle. En plus, la nouvelle, tu l'as pas encore serrée, Mathieu. Non, mais de toute façon, non. Peu importe comment tu lui diras, elle fera la gueule. Hein. Bon, on s'occupe de ton histoire. Donc, 6 mois avec une meuf, elle vient t'envoyer une lettre, une déclaration d'amour enflammée. Toi, t'en as une autre avec laquelle t'as envie de sortir. Comment on gère? Qu'est-ce qui te fait rire, Marie? C'est Nana qui est un petit peu énervée. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah ouais, le trait, toi, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'elle dit, Nana? Vous avez le droit d'être énervée, nous envoyer vos messages. Hein. C'est fait pour ça, l'émission. Ouais. Elle dit, en fait, le mec n'a pas de couilles. Mm-hmm. Et je suis sûre que s'il n'arrive pas à serrer l'autre, il va retourner en pleurant la voir. Pauvre con. Ah, voilà. Elle est un petit peu énervée. Dans la gueule en passant. Tu vois le beau message de Nana pour toi, Mathie? C'est sympa. C'est le message qui terminait par pauvre con. Voilà, pour se faire larguer, tu lui dis juste que tu l'as trompé. Mais on n'aimerait pas trop la faire souffrir. C'est Steven Perrido qui nous laisse le message et Lina également qui nous laisse le message, qui nous dit la même chose. Ah oui. Encore un pauvre con. Pourquoi tu dis ça au fée qui nous envoie un message là? Bon, tu lui chies dans son kebab. D'accord, merci. D'accord. Vous avez des méthodes, n'importe lesquelles, on prend tout. Allez-y, faites péter tout ça. Et on revient avec toi, Mathie, dans un instant. Il y aura aussi avec nous Soso, là, qui doit être déjà dans le coin. Allô, Soso? Ouais, Soso! Salut tout le monde! Soso de Brest, quoi. Salut! Comment ça va, Soso? Ça va. Bah écoute, bienvenue à toi. Et ça va pas mal ce soir. On s'est qualifié hier. Je veux dire que la semaine aurait été un petit peu. Aurait moins bien démarré si on s'était pas qualifié hier. Et à un moment, moi j'ai cru que ça allait pas le faire. Ah ouais? Ah moi aussi. Ah, pas une seconde. Tu sais que je me suis même endormi, moi. Ah ouais, d'accord, Marie. Mais elle était pétée, là. Non, j'étais pas pétée. Merci, Grizzy. Bah moi j'ai raté le pénalty du début. Grizzy, ah bah ouais, je dormais aussi. Je me suis réveillé. Oui. Et après, en fait, j'ai raté un autre but parce qu'à ce moment-là, je suis allé dans ma cuisine et ils ont marqué. C'est quoi? Moi j'ai raté le match. Ils auraient pas pu m'attendre. Cédric, il a regardé le match, mais hier à 21h. Mais ils sont où les Français? Là, c'est la Belgique qui joue. Je les vois pas, où c'est qu'ils sont les Français? Mais les Belges ont fait un beau match, hein. Ouais, bien joué, les Belges. Putain, ils ont assuré, ouais. Bravo, quoi. Oui, c'est bien les Belges. Je pense qu'on va bien. On est bon, nous. C'est possible, ça prend forme. On est à la finale. 4-0, ouais. Bah, en tout cas, les qualifiés pour l'instant sont le Portugal, la Belgique, l'Allemagne, la France, la Pologne. Pays de Galles. Les Gallois. Eh ouais. Ils ont battu l'Irlande du Nord. Les Gallois, mais oui. Et voilà, et l'Italie. Et l'Italie, Kéké, qui s'est qualifié ce soir. Romano, d'ailleurs, je l'ai su parce qu'il criait dans les couloirs de la radio tout à l'heure comme un fou furieux. Mais comme un foufou. Oui, comme un foufou qui criait. L'Italie, Kéké. Eh oui, c'était magnifique. Oui. L'Italie, Kéké. Voilà, l'Italie qualifiée pour la suite. Italia. Pam, pam, pam. Italia. Pam, pam, pam. Bon, Soso, on va te retrouver dans un instant. Problème avec les voisins, tiens. Ça, c'est ça. J'adore les problèmes avec les voisins parce qu'on peut avoir des millions de problèmes avec les voisins. Ce qui est bien avec les voisins, c'est que c'est jamais pareil. Donc, vous avez. Romain, n'as-tu pas un problème avec des voisins, dis donc. À début, d'après ce que j'ai entendu à dire. Début, sans doute. Parce que j'espionne ce qui se passe dans ton immeuble, Romain. Non, mais je sais. Je sais absolument tout ce qui se passe. Non, mais je sais que c'est Cariole qui te l'a dit. Et j'ai appris que ce matin, ouais, parce que moi ce matin, je t'ai écouté très tôt pour écouter le morning best, les meilleurs moments du morning. C'était super, ça. Et donc. J'envoie un message à Cariole et qui était en crise de nerfs. Je lui dis, mais pourquoi tu es en crise de nerfs? Écoute la radio, tu verras, c'est super, ça va te détendre. Fait non, c'est à cause de mes voisins. Des problèmes de voisinage. Donc, tu as des problèmes de voisinage, Soso. Romano, il a des problèmes de voisinage. Ouais, mais je peux, moi, c'est déjà en cours de règlement parce que moi, s'ils vont pas me faire chier longtemps, je te garantis. Déjà, ce matin, je suis monté, mais ils ont pas ouvert la porte. Tu vas nous raconter. Alors, s'ils veulent la guerre, ils vont la voir. La guerre. Ouais. Si vous avez des problèmes de voisinage, vous nous faites signe, on y revient dans un instant, on va en parler avec toi, Soso. Le problème de Mathie, on le gère, le double appel avec les familles, on va s'en occuper, et vous tous et vous toutes de toute la France, évidemment, en priorité au 01 53 40 30 20, et puis sur le 41 759, l'appli Skyrock, bonjour à Snoop qui vient de nous voir, qui te donne un conseil pour Mathie en tout cas, le conseil de ne pas la larguer par SMS, ça fait trop de mal. Salut Snoop, 19 ans dans le 37, big up à toi. Donc on s'occupe de Mathie, on s'occupe des voisins de Soso, des familles du double appel, et on écoute Drake tout de suite, c'est parti pour One Dance sur Sky. Concert. Skyrock. À

One Dance sur Skyrock, on écoutait le son de Drake. Drake sur Sky, le grand Drake. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et ouais, c'est nous en direct au 01 53 40 30 20. Préparez les familles du double appel, on va aller faire un petit double appel quelque part en France. Là, c'est parti. Ah ouais, on est chaud, chaud, chaud ce soir. Tiens, si vous avez envie d'écouter un son, vous nous faites signe. On a prévu, deux, trois trucs quand même. Après, il y a de la place, si vous avez envie d'écouter un truc. Faites-nous signe. On a quoi ce soir? Ah, mais oui, on a du Jules. Jules, il était avec nous la semaine dernière sur nos scooters. Jules Emotion. Venisons la mort. Je me vois partir. La mort. Jules se nager dans l'eau. Jules avec Emotion. Je veux trop mano. Ah, il va trop mano. Je suis pas sûr ça. Je veux trop mano. Ah non, non, non. Ah si, c'est dans les paroles. T'entends Cédric? Ah non, mais c'est pas lui. Hein. Je veux trop mano. Ah, il dit rien. C'est pas bien de mentir comme ça, tu sais. Je veux trop mano. Ne me laissez pas. Bon, il y aura du SCH aussi. On va se mettre. Je la connais ce soir. Le son de SCH. Bah tiens, Jules, on l'avait mis sur un scoot. Et SCH, on l'a mis dans une Ferrari. Eh. Oh oh oh. Et puis on sera du. Peut-être un petit Nekfeu aussi d'ici la fin de la soirée, là, avec J'aurais pas dû. Je déconne, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Bon, bah, sûrement alors un Nekfeu. Hein. Nekfeu, escrew, j'aurais pas dû sur Skyrock. On voit un album que vous avez découvert sur Sky. Pareil pour Jules. Pareil pour SCH. Et Nekfeu qui était venu dans l'émission lui prendre feu. C'est ouais, vrai. Il se passe des trucs dans l'émission. Des Ferrari, des scouts et. et des incinérations. Non, mais arrête, wow. Nekfeu. Il est con. On écoutera Nekfeu tout à l'heure. On vous mettra peut-être la vidéo quand Nekfeu avait pris feu. Tiens. On va s'occuper de tout ça. On va s'occuper de Mathy aussi. Vous êtes prêts pour le double appel? On y va? Allez, on va prendre. Ouh là, les réactions pour Mathy. J'ai vu que vous étiez énervé, les filles. Là, c'est dingue quand même. Alors, j'ai vu les messages pour toi, Mathy. Ça arrive. Hein. Alors, et bien, Marie, j'allais vous le dire. C'est surtout les filles qui sont énervées contre toi, Mathy. Je sais pas si t'as. Je sais pas si t'as maté les messages. Vous pouvez les voir. Enfin, vous voyez une partie des messages chez vous. Les voyez pas tous. Mais sur les messages, il y avait l'Algérienne qui me disait. Il est où le message? Ma merde, il est passé. J'avais arrêté le bordel. Ah. C'est arrêté. L'Algérienne. Attends, faut que je te le trouve gros, le message. Elle était pas contente, quoi. Non, elle était pas contente. Ah. Je peux lire le message de Sam si tu veux. Elle a 19 ans. Le gras, c'est un gros connard. Genre, tu craches dans la soupe. Va pleurer après. Donc, j'explique, Mathis. Tu me dis si je me plante. Depuis 6 mois, t'es avec une meuf. Bon, tu l'aimes plus. Moyen. Enfin, bon, t'as plus d'amour pour elle. Et t'as une vue sur une autre. Et tu voudrais te débarrasser de la première, mais malheureusement, elle vient de t'envoyer une lettre de déclaration d'amour. Et tu sais pas comment faire. Une longue lettre. Ouais. Il y a Oui. Elle fait une page de lettres. Une pagette, tu nous as fait un petit résumé, tout ça, enfin des trucs mignons, jolis comme tout là. Oui, joli comme tout quand t'es super amoureux. Quand t'es moins amoureux, c'est moins mignon, c'est moins joli comme tout. Gros crasseux. Ah, l'Algérienne. C'est moi. Non, c'est vrai. Ah, dommage. Pas dommage. Ah, non, pas L'Algérienne qui nous dit gros crasseux, tu vas finir tout seul. Tu mérites de finir tout seul. Va sans tes couilles. Voilà. Tu es un sans couilles. T'as sans couilles. Après, c'est ça. Après, j'essaie quand même de régler la situation. Non, je veux pas la faire souffrir. L'Algérienne, ça peut. Tu dis ça aujourd'hui, mais toi, ça peut arriver. Hein. Tu peux avoir un mec qui est super amoureux de toi. Toi, tu l'aimes plus, et après, tu sais pas trop quoi faire. Donc, Mathy, moi, je suis pas d'accord. Moi, avec je suis toi. D'avis de se séparer, moi. C'est bon, on a qu'une vie, merde. Il faut savoir en profiter. Voilà. Oui. Non, mais c'est vrai. T'es pas avec elle pour qu'elle te prenne la tête. Donc, ouais. Non, mais si c'est de la merde de l'histoire et que tu l'aimes plus, tu vas pas te forcer à rester avec elle, sachant que ça va lui faire de la peine. Bon, de toute façon, ça va lui en faire. Oui. Mais bon, ça passera. Il y a Tim SCH, fille qui nous dit Inch'Allah que l'autre meuf ne veuille pas de lui. Ah, celle sur laquelle tu es aujourd'hui. Tu te retrouves tout seul. Te souhaite du malheur, c'est pas gentil. Ah, bah, c'est sympa. Tiens. Bruno du 7-5, 14 ans, qui te dit sois polygame et comme ça, tu baises les deux. Et comme ça, c'est tranquille. Bon, après, Dorian dit. Bah, après, j'ai que 15 ans aussi. Porte tes couilles. Oui. Et puis bon, ce genre de truc, c'est que ça peut t'arriver. Ça arrive. Ça peut t'arriver. Hein. Non, mais puis même si l'autre, elle veut pas, il y a d'autres meufs sur Terre. Marie, ça lui arrive tous les 3 mois. Tous les mois même. En moyenne, à peu près. Non, mais jamais de la vie. Voilà, tous les 3 mois, le mec commence à tomber amoureux, Marie, elle, c'est fini, tu vois. Et tu pars en vacances, Mathy? Ouais, mais pour qu'en août. Ouais, mais tu sais, pour un peu en vacances, t'auras envie de serrer une autre meuf. Oui. Non, mais vaut mieux lui dire avant, par contre, là, sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand même mieux de la prévenir avant. Oui, plutôt que de lui pourrir son été. La pauvre. Tiens, avant de nous occuper du double appel, on a Quentin qui est au téléphone avec nous. Quentin en direct du 84. Salut, Quentin. Ouais, Quentin. Salut. Comment ça va, Quentin? Ça va et vous? Ça va bien, sois le bienvenu sur Sky. Donc toi t'as 16 ans, Quentin, et donc t'es à Avignon, ouais. Enfin à côté d'Avignon, t'es où? À Monteux. Monteux? Ouais. Eh bien bonjour à tous les habitants de Monteux. Ouais. C'est pas très loin d'Avignon, Monteux. C'est ça. Bon, alors, c'est plus proche, Carpentras. Commandeur? Carpentras plutôt. Très bien, bon, c'est dans la zone. Ouais, c'est par là. Voilà. Ouais. Et donc toi, t'appelais parce que t'avais exactement connu la même chose que Mati? C'est ça. T'étais dans la même situation que lui, vas-y explique-nous, Quentin. Ben en fait, ça faisait 2 mois que j'étais avec une fille et en fait, j'avais plus vraiment de sentiments pour elle depuis un petit moment déjà. Mmh. Et avec une fille de mon lycée, ça faisait un moment qu'on se tournait autour. Oui. Et un petit peu avant qu'on comme se fasse ensemble. Comme on dit chez nous, que lui sentait le cul. C'est ça. Exactement. Comme les chiens, tu sais. Oui, c'est comme les chiens. C'est la bonne expression. C'est vrai. On ne sent pas le cul. Non. Et alors? Oui, alors? Et en fait, au bout d'un moment, ben j'ai dit à ma copine qu'en fait j'avais plus de sentiments pour elle. Je lui ai fait un petit message limite mignon pour pas qu'elle le prenne trop mal ou pour que ça lui fasse trop mal. Ah bah ça devait être mignon, ouais, pour la larguer, c'est pas mal. Je suis pas sûr qu'elle l'ait trouvé super mignon, mais. Mais tu lui as dit, tu lui as laissé le message ou tu lui as juste laissé un message sans rien lui dire? Mais ça, t'as fait quoi, genre par SMS? Ouais, bah c'était par SMS. Ah mais t'as l'enculé quand même. Bah SMS. Mais il a quand un site à l'enculé. À l'enculé. Elle est loin de chez lui. Ah mais attends, elle est bien à un kilomètre. Non, 20, ouais. Non mais bon, t'aurais quand même pu trouver le moyen de l'avoir en face pour lui dire quoi. Non mais on bloque sur l'histoire des SMS parce qu'il y en a plein qui nous ont dit, surtout des filles, mais enfin bon les gars aussi, ne pas la larguer par SMS, lui la larguer en face. Il y a plein de messages que vous avez laissés depuis tout à l'heure. Non mais c'est vrai que c'est plus simple si t'as pas trop de courage. C'est vrai que c'est quand même pratique. C'est une facilité. Non, en vrai, c'est mieux quand même. Je suis pas sûr parce que regarde le message, juste le message qu'on avait reçu juste avant que tu passes à l'antenne, c'est avant que tu nous dises tu l'as largué par SMS, c'est le skater qui nous dit surtout largue-la en face, largue-la pas par SMS parce que 6 mois c'est quand même important. Non mais c'est peut-être mieux pour celui qui largue parce que t'évites les pleurs et tout ça et la crise machin. Mais alors pour celui ou celle qui reçoit le message, c'est horrible. Et t'as marqué quoi dans ton SMS juste pour donner une petite idée à Mati? Dans mon SMS en fait je lui disais qu'elle était super sympa et tout, mais qu'en fait moi j'avais pas de sentiment pour elle quoi. Ah oui, carrément, ouais. Bam, prends ça dans la gueule. Et elle, t'a répondu quoi? Parce que j'imagine qu'elle a répondu quelque chose. Elle a réussi à répondre. Elle t'a envoyé un petit smiley qui pleure? Ben, ouais, bah, elle était triste quand même, ouais, parce qu'elle était hyper attachée à moi, mais bon, après. Normal. Mais elle t'a pas appelé voilà, direct. Comment? Elle t'a pas appelé derrière, moi je te. Non. Donc tu veux reprendre l'exemple de la gothique, Romano? Alors reprenons l'exemple de la gothique, puisque tu insistes. Toi, tu reçois un message de la gothique qui te dit je te largue. Ah, mais je m'en branle, l'autre je lui dis, mais t'es une débile mentale. Pourquoi tu lui dis t'es une débile mentale de manière aussi agressive comme ça? Ça fait je sais pas combien d'années qu'on est plus ensemble, espèce de cinglé. Si je lui rajoute peut-être. Ah bah ça s'arrange pas ton état, ça doit être... t'es comme ta mère. Oh non! Va bien. Non mais moi, va prendre les cachets de ta mère, tu peux lui. Non mais moi, je lui disais moi ça. PS, va prendre les cachets de ta mère. C'est quoi, je lui disais ouais, vous allez finir à l'asile toutes les deux avec ta mère, vous serez bien. Oh l'enfoiré. Bah non mais bon, en même temps elle me cherchait, je lui répondais, écoute, j'avais pas. Ouais bah c'est une bonne guerre à la limite. Je disais ouais, t'es une cinglée, tu tiens de ta mère. Tu tiens de ta mère. Voilà. Et là ça parce que j'aimais bien, c'est faisait péter une durite. Cédric, admettons, tu sais, moi j'aime bien faire des. Et ce soir je vais faire plein de suppositions parce que quand vous écoutez l'émission, faut toujours que je me mette à la place de celui ou celle qui passe. Ouais. Ou alors de celui ou de celle dont il nous parle. Si on va parler de problèmes de voisinage dans un instant. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui a des problèmes de voisinage. En général, c'est pas difficile parce que je crois qu'on a tous eu. Ou alors, ouais. Mettez-vous à la place des voisins pour essayer de résoudre le problème. Ouais. Cédric, admettons. Ouais. Tu sors avec Romano. Ouais. Et à un moment, il t'aime plus, il t'envoie un message, et puis toi, tu le prends mal, tu te mets à pleurer avec tes gros yeux, tu inondes la pièce parce que tu es. Tellement, je suis content. Il y a des très gros yeux. Et là, il te dit à la fin du message, ouais, t'es comme ta mère, va prendre des cachets. Ah, comment est-ce que tu réagis? En l'occurrence, moi l'autre, sa mère, elle était frappadingue. Pourquoi? Elle était ravagée. Bah, elle balançait les meubles par la fenêtre, les bijoux. Donc, elle n'ouvrait pas la porte. Qui était forte en plus. Elle te traitait de connard. Ouais, c'est arrivé quelques fois. Connard. Elle se prenait la tête avec son mari devant moi. Il fallait que je prenne parti pour l'un ou pour l'autre. Oh. J'imagine, j'ose espérer que c'est de l'ambiance. Et pour l'avoir rencontré, ta mère n'est pas dans cet état. Non. Heureusement pas cacher, pour toi d'ailleurs. Mais admettons quand même. Alors. Bah si c'est une meuf, je l'insulte. Ouais. Si c'est Romano. Et si c'est un mec, je pense que je. Mais il y avait une meuf qui avait parlé de ta mère. Ah, je peux dire que je l'ai insulté, gros. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Ah, j'ai failli craquer. Elle avait traité ma mère. Elle avait dit quoi? Ah, je sais plus ce qu'elle avait dit, gros, mais ça m'est mis. J'avais pété un câble, gros. J'étais en vacances avec elle, j'ai failli l'étrangler, gros. Tu t'es barré, d'ailleurs. Non, mais Cédric, il faut pas ça. Ah, mais j'ai pas fait, non. Faut se retenir, je vous le dis. Ah, non, mais je me suis barré. Je me suis retenu. Dans ma tête, j'imaginais. C'est retenu, Cédric. Non, mais dans ma tête, j'ai vu. Attention, t'as ouf de te retenir comme ça. Oui. Non, mais dans ma tête, j'ai vu des scénarios de ouf. Et face à elle, en fait, je l'ai insulté, je me suis barré, en fait. Pour une fois que tu vois quelque chose. Ah ouais, parce que franchement, je voulais. Ce que Cédric ne vous dit pas, c'est derrière, vu que c'était au fin fond de la Corse, Cédric a passé 2-3 jours à dormir dans sa voiture. Non. Ne trouvant pas de logement. Casse-toi, trouve un hôtel. Je trouve un petit hôtel pas cher, je me suis dit, voilà, l'hôtel de passe. Ah, t'es fou, la meuf, elle traite ma mère, c'est mort, gros. Donc toi, ta méthode, c'est le SMS et le SMS. Bon. On l'apprend, hein, quand on a dit qu'on prenait. Ah ouais, écoute, toutes ça les, arrive souvent. Toutes les méthodes. Alors, qu'est-ce que vous nous avez proposé comme méthode qui déchire? Steven, qui nous dit, tu lui dis juste que c'est trop dur de l'aimer, puis tu lui dis ciao. Ah ouais, ça c'est le truc pourri du style je t'aime trop. Ouais, mais ça, c'est trop classique. Trop bien pour moi. C'est grillé. T'es trop bien pour moi. Oui, ça, c'est vrai. Ouais, moi, c'est ça. Moi, je pourrais avoir des accès de violence si on m'envoyait ça. C'était trop bien pour moi? Non, mais pour moi, c'est du foutage de gueule. Ouais, mettons. Ta gueule, quoi. Je vais prendre une autre proposition, parce que c'est vrai que j'ai mis plein de gars de l'équipe, là-dedans, mais je peux me mettre aussi. Admettons, Cédric, on sort. Oh. Ah, non. Non, tu vas venir. Bon, on sort ensemble. C'est bizarre, j'ai ma tendinite qui se réveille, là. T'as pas loupé? Ah, bah, je peux comprendre. On sort ensemble, Cédric. Ouais. Et, voilà, je t'en coule. Tu m'en coules. Ah bah non, recule, ouais. Ah bah si tu prends. Ah non, c'est moi qui t'en coule. Ah non, tu prends. Ah bah, je t'en coule. Ah tu prends dans les fesses. Bon, attends. Ça, vous faites les deux. Je m'en coule, mais je mets une boîte de capote quand même. Tu mange l'oreille. Je mets pas une capote, j'en mets 20 des capotes. Je vais faire déguster. Tiens. Et tu m'envoies un message, genre le message qu'on a dit là, t'es trop bien pour moi. Alors envoie-moi le message. Ouais, t'es trop bien pour moi. Faut que je te largue. Ah bah oui, ça c'est vrai. Je m'en étais bien rendu compte. En effet, mais je suis largement beaucoup trop bien pour toi. C'est pas à toi qu'elle fait. Je me demande d'ailleurs ce qu'on faisait ensemble. Ça c'est quand même un truc de fou. C'était la belle et la bête, quoi. La bête, surtout, oui. Est-ce que vous nous dites sur les réseaux? Tiens, un petit œil sur les réseaux. Pente tes couilles. Alors, ça, c'est pour toi, Mathie. Écoute bien, Mathie. Hein. Et tu lui dis que tu veux la quitter plutôt que de faire semblant. Genre, de l'honnêteté, c'est Laura qui te dit ça. Il y a Sandra qui dit. Ouais, pareil. On n'avance pas dans la vie avec des faux semblants. S'il n'est pas heureux dans cette relation, il faut partir, la rendre malheureuse. Il le fera déjà s'il reste. Donc, ça, tu peux lui dire. Si je reste avec toi, je vais te rendre malheureuse. C'est Sandra de Skyrock qui l'a dit. Mais tu vois, il y a juste en dessous, il y a Isel BNG. Qu'est-ce qu'ils disent? Montre-lui. Ah bah écoute, tu lui dis ça, montre-lui petit à petit que tu veux plus être avec elle. Mais moi perso, je préfère qu'on soit cash avec moi, qu'on me dise la vérité et que je pleure au lieu de sourire à un hypocrite. C'est vrai. Ouais, c'est pas fou. Bah moi, pareil, tu vois, au bout d'un moment, voilà, bon, ça fait chier, mais c'est la vie. Bah oui, c'est la vie, c'est triste. J'ai reçu un message de ma copine Cécile, pareil, elle est d'accord avec ton message, je sais plus. C'est pas tête de Gorel. Non, c'est pas tête de Gorel, c'est d'ailleurs je l'embrasse, elle est dans un Uber avec Hamza qui nous écoute. Bonjour Hamza, bonjour Cécile. Bonjour. Et ouais, on préfère. Bonjour en fait... Uber aussi. Ouais, Uber. Ouais. Bonjour les taxis, comme ça ils font pas la gueule non plus. Voilà, bonjour les taxis. Attends, tout le monde. Je dirais même d'ailleurs bonjour aux chauffeurs de bus. Ouais, voilà. Et aux chauffeurs de métro et de tramway. De tram aussi. Et de Hitch. Ouais, Hitch et Uber moins cher. Voilà. Ouais, c'est bah, les VTC, quoi, on va dire. Allez hop, comme tout ça monde. C'est fait. Tout le monde. Mais elle est d'accord avec ça, je suis assez d'accord aussi, moi. De quoi? Bah d'être honnête. Ah oui, au bout d'un moment. C'est ce que disait Inab, hein, quitte-la si tu ressens le besoin de la quitter, elle finira par s'en remettre. Mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait souffrir. Ça, c'est beau. Puis de toute façon, elle va souffrir. Donc, Oui, tu disais. J'ai oublié de vous préciser, mais comment vous dire, elle est un peu suicidaire aussi. Ah merde. Elle a déjà essayé. Ah oui. Ah, mon ex, c'est pareil. Ah ouais, merde. Ah ouais. Ah, faire gaffe. Hein. Ah, et vous avez pas. Parce que ça, c'est une autre méthode qui venait. Il y a Mix qui nous l'a dit, Mehdi qui nous a dit exactement la même chose. Vous êtes plusieurs à nous l'avoir dit là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mec qui serait intéressé par elle et qui pourrait l'intéresser aussi, ouais, je sais pas. Tu la colles dans les pattes du mec, quoi. Un pote qui galère, t'en as pas des potes qui galèrent. C'est la meilleure solution, ça. Bah, je peux essayer. Ah, Pour l'instant, non. Mais si elle est amoureuse de toi, un pote qui galère, n'importe qui. Oui, bah écoute, qu'elle fasse pas chier au bout d'un moment, tu lui trouves déjà quelqu'un, t'es pas obligé. Et c'est déjà pas mal, c'est vrai, ouais. Cédric, alors voici donc maintenant le clou de ce débat sur comment larguer sans faire trop de mal parce qu'on a plus d'amour. Voici donc maintenant le clou de ce grand débat, le voici. Le clou quoi? Cédric, comment faire pour faire fuir une meuf? Puisque tu es capable d'en faire fuir plusieurs à la fois. Ah, il y a plusieurs solutions. Oui, et ben ça je peux te dire. Et tu notes bien Mathieu, écoute bien. Écoute bien Quentin aussi. Oui, j'écoute. Bah déjà t'essaies de te faire cramer avec une autre meuf. Déjà t'essaies d'avoir ma gueule. Je te conseille d'acheter un masque. Un masque de moi. Romano te le vend pour la modique somme. Combien Romano? Oh, je vais le faire pas cher. C'est un auditeur, je vais le faire à 50 euros. Ouais, tu l'as. Oh bah putain. Pas cher. Moi j'en achète un LV à 500. Bah y'a pas de problème Cédric, je vais te marquer. Un visage de moi-même. Un masque de moi-même. Ah ouais, magnifique. Bon bref, je disais. Mais il y a écrit LV dessus. Ah, tu vas te la fermer toi. Louis Vuitton. Bah alors, tu balances ces techniques. Bah il parle depuis tout à l'heure. De dégoût. Non, parce que tu peux faire, c'est demander à une copine à toi de de jouer le jeu en fait. Et donc, quand tu vas la croiser, elle, genre elle jette dans tes bras, comme si genre t'étais ta nouvelle meuf. Donc comme ça, elle va être vénère, elle va te la, vouloir te larguer elle-même. Ah, mais ça va la faire souffrir, ça. C'est tout ce qu'on voulait pas faire, Cédric. Ouais, mais c'est un truc de lâche, ça. Non, mais c'est un gros, c'est un gros lâche, votez Romano. Ah, mais qu'on se pose là, toi. Non, mais de toute façon, quand. Putain, l'autre, c'est vraiment une balle. De toute façon, quoi qu'il se passe, quand tu vas larguer une meuf, tu vas la faire souffrir. Mais non, mais quand tu la dégoûtes en rotant, là, tout ça. Ah oui, mais attends, ça c'est après, ça. Ouais, mais non, mais on va zapper le début, on va passer directement à ça. Comme on le dit à Marseille, on va droit au but. Allez, bah, droit au but, tu fais tout pour la dégoûter. Donc, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que, je sais pas, tu. Quand t'es avec elle. De ma gueule. Non, mais non, déjà, c'est vrai qu'on a déjà tu lâches une bonne grosse caisse, c'est plusieurs fois, quoi. Qui pue bien, histoire de la dégoûter un petit peu. Voilà. De temps en temps, tu lâches un petit rot. Voilà. Un toto. Ou bien tu peux aussi te décrotter le nez. Oui. Tout ça, ça dégoûte bien. Voilà. Merci, Cédric. Tous ces bruits ont été faits par Cédric lui-même, hein. Je veux quand même. Après, il y a quoi d'autre? C'est sympa de sortir avec Cédric. Oui. Non, par exemple, si un jour t'as rendez-vous avec elle, je sais pas, vers 15-16 heures, juste avant, tu vas au grec, tu bouffes un grec complet oignon. Ah, genre, tu pues de la gueule. Non, sans la tomate, sans la salade, comme ça, l'oignon sort plus. Cédric, juste une question. Tu as envie de larguer quelqu'un? Non, parce que c'était au niveau de l'odeur de la bouche. Donc non, mais j'ai pas mangé d'oignon. Je vérifiais. Ah, bah c'est, ouais. Tu t'es baigné dedans. Non, c'est naturel. Ouais, ok. Et puis, et puis. Bah c'est bon, là, ça y est. Ah, c'est bon, on a toutes les méthodes. Ah, bah ouais, c'est déjà pas mal. Bon, voilà, Mathie, c'était les méthodes de Cédric. Je pense qu'elles te seront bien utiles. Tu as donné 4 méthodes déjà. Si avec ça, elle vomit pas. Et tu les as utilisées ou pas, Cédric? Ouais, une fois, ouais. Laquelle de celle de péter de roter. Ah non. J'ai vécu. Comment elle a réagi? Elle est partie au courant. Bah, je dis petit à petit, en fait, ça l'a dégoûtée. Tu sais, elle avait une image de moi, tu sais, moins glamour. Et du coup. Ah, bah, ça, c'est moins glamour. Oui. Elle a préféré me larguer. Mais parce quoi. Qu'à un moment donné, elle t'a trouvé glamour. Ah ouais, elle est amoureuse, gros. Cédric. Bah, t'as bien une meuf, gros, elle trouve bien moi, elle trouve bien moi. Ouais. Non, mais non, elle ne dit pas que je suis glamour. Elle est amoureuse de toi, gros. Bah, oui, elle est amoureuse de moi. Bah, sois pas jaloux, Cédric. Ah, putain. Mais nous, avec Ariel, on aime bien les mecs qui ont du charme. Voilà, j'en ai beaucoup. Tu dirais où il est son charme? Bah, il est caché, hein. Il est pas en surface, tu vois. Il est non, à l'intérieur, j'ai du charme, mais t'imagines même ah, c'est pas. C'est profond, ça. Je dégueule de charme. Voilà, il est dans mon cul, moi, mon charme. Ah ouais, ouais, ouais. À l'intérieur. Bon, bah, ah, voilà. C'est déjà pas mal. Voilà ce qu'on peut faire. Si vous avez d'autres méthodes, vous pouvez nous dire, hein, 41759, skyrock.fm, et 01 53 40 30 20, la méthode soft de Liberté Fox, parce qu'il y a aussi ah, un message. Ah, j'ai une autre méthode. Ah, attends. Qu'ils prennent un petit peu ses distances, petit à petit, pour une rupture en douceur. Pour faire gaffe, une mauvaise rupture peut être traumatique, surtout si elle est suicidaire. Liberté Fox, qui est sur Twitter, et qui nous envoie son message. Ah, mais Mathilde, là, quand tu dis méthode. Qu'elle a essayé de se suicider, mais, genre, c'était pour avec quelle raison? Ouais. Ben comment vous dire, en fait, elle a des problèmes avec son père ah. Et elle s'est ouvert les veines. Ah ouais. Ah oui. Mais c'était, elle était à l'hosto et tout. Ah oui, elle était à l'hosto. Ah ouais, quand c'était même. Il y a longtemps. C'était il y a 2 mois. Non mais ouais, ouais, ouais, c'est vrai que. Bon, ouais. Donc faut vraiment le mais faire. Après, à ce moment-là, j'étais seul pour l'aider, donc aussi ça. C'est pour ça qu'elle est tout. Ouais. Après, elle était plus amoureuse moi. Bah ouais, parce que j'ai rendu compte que t'es quelqu'un sur lequel elle pouvait bon, compter. Non, mais bon, c'est normal aussi que tu sois proche d'elle quand lui arrive ça, quoi. Ouais. Après, tu peux lui dire aussi, t'as envie de rester copain avec elle. Bah, c'est une bonne pote, hein. Bon, bah, donc tu peux lui dire. Ça je déteste ouais, qu'on me le dise, mais bon, ouais. On peut rester amis après. Ah, ça s'appelle. Ah, non, non. Mais au moins, tu peux lui dire à la limite. Non, moi, j'ai une autre idée sinon. Ah, oui. Alors, attention. Ah, écoute, le truc que tu peux faire pour lui faire péter un câble, pour qu'elle te largue, c'est que tu l'étouffes. Tu fais le mec super voilà, jaloux. Tu l'étouffes et comme ça, elle décède. Ah, plus besoin de se couper les veines, plus besoin de rien. Voilà, tu l'étouffes avec un coussin. Non, moi je me mets sur elle. Ah ouais, carrément. Voilà. Ah bah non, lui. Sinon, il y a la strangulation. Mais quand je dis ça, c'est que tu fais le mec super jaloux. Voilà, sinon, bah tu l'enterres vivant. Tu fais le mec super jaloux, tu l'appelles tout le temps quand elle va avoir des copines. Bon, tu sais qu'elle va passer une après-midi avec des copines, tu l'appelles toutes les 5 minutes. Dès qu'elle sort, tu dis ouais, t'es où, t'es avec qui, c'est qui, quand tu vois un message d'un mec, je fais c'est qui ce mec là, qu'est-ce qu'il veut, tu sais, tu lui casses les couilles tout le temps, elle va te trouver super jaloux. Ou alors elle va adorer ça, tu sais, il y a des. Ah bah oui, si elle est, si, ouais, ouais. Ah, ouais, mais faut que ce soit trop, tu vois, faut que ce soit vraiment trop. Elle est très possessive, donc ça marche pas, ça. Ouais, elle est capable d'adorer, ouais. Donc Mathie, disons-le, Cédric est encore une idée de merde. Bah vas-y, propose une idée, toi, du coup. Bah moi j'ai dit d'être franc, tu vois, d'être franc, d'être porté. Ah, mais là, parce que tu vas la faire souffrir. Mais de toute façon, elle le but c'est pas de la faire souffrir. De toute façon, elle souffrira quoi, comment? Bah non. Bah si, mais bien sûr que si. Bah non, si tu aurais été tupette, tu vas pas la faire souffrir, tu vas la dégoûter. Non, mais si la meuf elle est folle amoureuse, elle va péter un plomb, mais elle va toujours rester amoureuse. Bah moi pendant ce temps-là, je pète. Ouais, non mais oui. Bah là, mais on cherche je pète un plomb, moi je pète au cours. Non, mais je te dis, la meuf, de toute façon, moi je pars d'un principe, à partir du moment où la meuf elle est folle amoureuse de toi, que tu lui dis n'importe comment, que tu fasses n'importe comment, la meuf elle sera triste. Mais elle va morfler quoi qu'il arrive. Et inversement, d'ailleurs, même si c'est un mec, tu vois. Attendez, j'ai des dizaines de messages que j'avais pas vu. Dites donc là que vous avez posé des questions que vous avez posées super intéressantes. Et toi Romano, tu l'as largué comment ta gothique? Comment tu t'es par téléphone gothique, mais moi Romano en fait, c'était un moyen technique parce que En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis barré en vacances avec Cariole, donc. Ouais. Et la Gothique, elle travaillait. Alors que la Gothique était l'officielle. Hein. Ouais, c'est ça. Donc elle. Il avait écrit Madame Romano sur le passeport de la Gothique. Non, il y a pas. Non, mais on n'était jamais été mariés. C'est un Madame cas, Romano. Elle a jamais porté mon oh, nom. Oh putain, ça y est. Madame Romano. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis barré un peu plus d'un mois en vacances avec Cariole et j'avais pas donné de nouvelles à la Gothique, quoi. Oui. Parce que j'en pouvais vraiment. Elle s'en est pas douté pendant un mois, quoi. Et au bout d'un mois, elle m'appelle, elle me fait, tu rentres quand? Je fais, bah, je vais rentrer, là. Je fais, mais, Toi, tu pars. Toi, tu pars. Je sais plus comment j'avais amené le truc. Je fais, écoute, moi, j'ai rencontré quelqu'un et j'aimerais bien, en gros, quand je revienne, que tu sois plus là, quoi. Donc là, bon, j'ai eu droit à, bon, on pleure, normal. Toi, t'as un vrai lâche, toi. Ben, pourquoi? Bah parce que attaque de Cédric. Romano, qu'est-ce que tu réponds? Ah ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que t'as un lâche avec les meufs, toi. C'est-à-dire que t'as serré une autre meuf, l'autre tu l'as laissé galérer pendant un mois pendant que t'étais en vacances avec ta nouvelle meuf, et tu l'appelles au téléphone, tu dis bon bah voilà, je suis avec ta nouvelle meuf, faut dégager. Votez Cédric ce soir, c'est un lâche. Non mais c'est quoi cette vieille déclaration? Ah ouais, le clash arrive, c'est normal. Aussi. Non mais tu parles de lâche, c'est quoi ta méthode de merde? Mais t'as un lâche. Non mais moi j'ai pas été un lâche. C'est-à-dire que une embrouille. Non mais un lâche. Mais c'est un truc de lâche que tu fais. Non, j'ai pas fait un truc de lâche parce qu'en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis putain, dit lâche. Et si je la préviens pas avant que je rentre, quand je vais rentrer, elle sera toujours là. Voilà. Et là, il va y avoir embrouille parce que embrouille. Tu sais, c'était encore crise de nerfs, est-ce que des trucs volent par la fenêtre. Donc j'ai préféré, j'avais qu'une peur, c'est qu'elle me ravage l'appartement, ce qu'elle n'a pas fait. Et ça, je lui putain, dois. Ça aurait été fort. Je lui dois mon respect. Ça fort, enfoiré. Hey, vous entendez, respect à la Gothique. Vous l'avez entendu, hein, 21h45. Non, sur ce truc-là, je la respecte. Respect à la Gothique. Parce que franchement, elle j'étais persuadé que cette connasse allait me bousiller l'appart. Et franchement, elle l'a pas fait. Et ça, là-dessus, j'allais dire rest in peace, non, parce qu'elle est encore vivante. Respect la Gothique. Respect à toi. À la Gothique, il m'a dit. Non, mais ça va, chapeau. Il l'a dit, ouais. Putain, 21h45, il se passe des choses surnaturelles dans l'émission. L'Islande mène 2-1 contre l'Angleterre. Qui attendait l'Islande en quart de finale? Eh ben, pour l'instant, si le match s'arrête maintenant, bon, c'est pas fini, hein, on est presque à la fin de la première mi-temps. Mais si le match s'arrête maintenant, c'est l'Islande qu'on rencontrerait en quart. Ouais, ça serait beau. Pour l'instant, ouais. Parce que, personnellement, D'ailleurs, juste pour répondre à Cédric, en parlant de lâche, c'est pas toi qui as abandonné un chien dehors, nous dit Colonel Charlie. Non, j'ai pas abandonné dehors, non. Vous retenez tous qu'il dit non, il a pas abandonné dehors. Il a envoyé en Algérie. Non, il l'a envoyé. T'as jamais eu de nouvelles, tu l'as abandonné. Oui, on m'a ramené des photos une fois. C'était mignon. Mythomanie. C'est une chienne. C'est une chienne, ouais. C'est une chienne, Marie, c'était pas c'est bien, c'est bien la première fois qu'une chienne reste avec ses deux. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle habite dans un appartement, c'est trop petit pour elle. Ah ouais, bah t'aurais pas pu, est-ce que j'ai t'aurais fait, pas pu réfléchir avant de le parler, prendre. Non, tu peux pas finir. Bah, si, moi, ça me révolte. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai. Je vais appeler la SPA. À l'époque, j'étais avec une meuf et son père, en fait, il partait vivre en Algérie. Ouais, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le chien. On lui a payé tout, on l'a tout payé, tu sais, le vol, machin, les trucs. Et le chien, il est parti vivre là-bas, il était heureux. Voilà de quoi il se plaint, chien. Il a eu un vol gratuit, saloperie d'animal. Son père. Il a jamais pris. Ouais, si, j'ai appelé son père. T'inquiète pas, gros, j'ai appelé. De toute façon, ta gueule est. T'as la gueule du mytho. Ouais, non, c'est vrai, ta gueule. T'as la gueule de l'escroc, toi. Mati, j'espère qu'on t'aura aidé un petit peu, mais en tout cas, évite de la faire souffrir. Les cheveux de Romano, tiens, qui sont là ce soir. Mais il y en a plusieurs, vous êtes plusieurs avant le pseudo. Salut aux cheveux de Romano, 20 ans. Parce qu'il y a des cheveux de Romano qui en ont 16. Il y a des cheveux de Romano. Bon, après 21, ils peuvent plus en avoir parce qu'ils étaient tombés. Largue-la par SMS, la lourdeur. Et offre-lui une corde tant que t'y es, comme dernier cadeau. Ça, c'est le message. Super, quelle bonne idée. Les cheveux de Romano et mi-temps. C'est la mi-temps. Entre l'Islande et l'Angleterre, et les Anglais partent. On pose avec un match pour l'instant qui bon, c'est loin d'être fini. Est difficile. 2-1 pour l'Islande face à l'Angleterre ce soir. Skyrock est premier sur foot, bien sûr. Bon, merci Quentin, merci du témoignage Quentin, en tout cas d'avoir appelé, c'est sympa. Je peux faire une petite dédicace? C'est dur à dire, mais tu peux y aller quand même. Essaye, vas-y, tente le coup Quentin. Je voulais juste faire une dédicace à ma copine Léa. Oui. À ma meilleure amie Alexia et à mes potes de Monteux en 50. Eh ben salut à tous tes potes, salut à tout le monde, à ta copine aussi. Hein. Et préserve-la. Merci Quentin du coup de fil. On t'envoie un t-shirt Skyrock à la maison, hein, tu quittes pas. Salut Quentin. Tu pars quand en vacances Quentin toi? Ben je suis chez ma mère dans le Jura là. Très bien. Et on reçoit Skyrock bien dans le Jura, tout roule. Ça marche. Mais tu restes à bas tout l'été. Internet, ça marche bien. Ouais, tu restes à bas tout l'été? Comment? Tu restes dans le Jura tout l'été? Parce qu'après Romano va te dire rester. Non, je rentre bientôt. Ah ouais, bon courage. Voilà, parce que Romano connaît très bien le Jura, la Franche-Comté, c'est à côté de chez lui. Bah ouais, d'accord. C'est vrai que c'est pas trop. Bah Bourgogne-Franche-Comté, c'est une c'est région. Ça, ouais. Bourgogne-Franche-Comté. Bah écoute, Quentin, bon courage à toi. Et puis téléchargez l'appli Skyrock si vous voulez nous suivre pendant les vacances, parce qu'il y a Skyrock dans presque toute la France, mais pas partout. Ouais, c'est bien pratique. Et elle est gratuite. Donc, non, dans le Jura, il n'y a pas, par exemple. Bah ouais, je sais, ouais. On sait. Même à l'étranger, donc, ouais. Bien pratique, l'appli Skyrock, le net aussi pour nous écouter. Vous nous écoutez partout. Salut Bis, Quentin, merci à toi. Et Mathy, écoute, vas-y avec avec tact, ouais, comme on dit là. Mais soit, ouais, enfin, soit réglo, quoi. Ouais. Bah, que... je vais la voir d'ici deux jours normalement, donc. Ah bah tiens, elle va être contente. Oui, puis ça te permet aussi de faire un petit point toi aussi, parce que tu nous as dit que t'étais à 80% sûr. Peut-être que les 20% vont refaire le. Ah, ça va peut-être remonter, on sait jamais. Et il y a Superman, mais toi t'es un bon comédien, parce qu'il faut être bon comédien pour faire ça. Superman, moi je pleurerai avec elle pour l'adoucir, et je lui dirai que je suis désolé de la quitter. Ouais. Voilà. Superman, lui, il arrivera à pleurer. T'amènes des oignons? Non, de l'ail, c'est quoi? C'est les oignons? Non, les oignons, c'est les oignons, ouais. Non, l'ail, c'est dans la bouche. Les deux, d'ailleurs, dans ta bouche. C'est vrai. Ouais, les deux, ouais. Bon, très bien. Bon, ben, bon courage à elle, Mathy, et puis merci du coup de fil, en tout cas. Bah, de rien. Et puis tu reviens quand tu veux, Mathy. Hein. Donne-nous des nouvelles, surtout. Si tu la vois dans deux jours, à la limite, on prend rendez-vous pendant deux jours et tu nous dis comment c'est passé. On te rappelle mercredi soir. Ou jeudi soir. Comme tu veux. D'accord. Mercredi soir. Au pire, si vous voulez. Alors, par contre, c'est ma soeur qui me saoule pour avoir une dédicace. Donc, Bon, alors, passe-nous ta soeur. C'est toujours du bien d'avoir une soeur à côté de soi. Hein. Ouais, puis en plus. Tiens, parle maintenant. Allez, parle maintenant, parle. Tu m'as fait chier pendant tout le temps que j'étais en ligne avec Skyrock. Vas-y, maintenant, parle. Je la passe. Ah, très bien. Comment s'appelle ta soeur? Elle s'appelle Lila. Lila, vas-y, passe-nous Lila. Ouais, Lila. Oh, Lila. Oui. Bonjour, Lila. Mais tu as quel âge, Lila? J'ai 10 ans. 10 ans. Il est gentil, ton grand frère? Hein? Il est gentil avec toi, ton grand frère? Oui. Bon, très bien. S'il est pas gentil, tu me dis, hein. Oui. Lila, faut défendre. Faut voter Romano, Lila. Hein. Non, faut voter. Okay. C'est une recrute très, très jeune, Romano. Ouais, tout le monde peut adhérer à la team Romano. Tout le monde. Il prend au plus jeune âge. De 7 à 77 ans. Ah bah ouais. Bon, alors moi, je prends de 3 à 7 ans. Ouais, oui, c'est ça. Je prends celui-là, moi. Voilà, marrant, ça. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire, Lila? Tu voulais faire des dédicaces? À mes copines, Zélie et Floriane et Romane. Et Romane? Oh! Eh bien, on salue. C'est tout. Eh bien, c'est déjà pas mal. Un gros bisou. On embrasse tes copines, Lila. Et tu dis à Mathieu qu'on lui envoie le t-shirt Skyrock. Il va être content. Ouais. Tu pourras lui piquer. Tu lui souhaites bon courage avec sa copine. Bon courage, on le rappelle dans la semaine. Tu quittes pas Mathy d'ailleurs, on te reprend tout de suite là. Allez, double appel, c'est parti, on a le temps d'en faire un petit. Allez, double appel, c'est parti, mon kiki. C'est pas nous qui appelons ou qui vont. Aucun des deux n'a appelé l'autre. C'est qui appelle là? J'ai une bonne bite là. Le double appel de Default sur Skyrock. Qui c'est qui dit j'ai une bonne bite? Bah, c'est Patrick. Eh oui, il suffit de demander. Ouais, c'est Patrick qui parle. C'est Patrick. Absolument, ouais. Qui peut intervenir à n'importe quel moment du double appel. Patrick. Oui, Patrick. Salut Patrick, ça va? Ouais, absolument. Il va bien, Patrick. Il est comme nous. Il va bien. Il a quelque chose à dire à la Marie. T'es comment, Tacha? T'es comment là? Écoute, elle va très bien, merci. Ouais, elle bave. Non. Ouais. Non, elle ne bave pas. Elle sort de ses trucs. Elle est collante. Tout va bien. Très bien, très bien. Ouais. Absolument, ouais. Oh, absolument. Je crois que Patrick la connaît. Là, salut les filles. Oh, Cédric aussi. Allez, on appelle les familles. Donc vous savez comment ça marche. Des numéros que vous nous filez sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. Vous nous filez les numéros. Nous, on les met en contact et on voit qu'est-ce qui se passe. Chez Christophe et Jean-Claude. Allez. Pour l'instant, ça sonne chez les deux. J'ai l'écran en face. Je vois que les deux, pour l'instant, sonnent, mais ne répondent pas. Absolument, oui. Oui, tu vois pareil que moi, Patrick. Oui. Absolument. Allô? Allô? Allô? Ils sont pas coordonnés. Bonjour. Et non, ils sont pas coordonnés. Mais non, mais Cédric, 41. C'est pas la peine maintenant, c'est bon. Allô? Bah alors, Cédric, ça a raccroché, c'est pas la peine. Ah oui, j'ai où? Je rien. Mais c'est Samy qui fait les numéros là. T'es complètement con, bah oui, de dire allô comme ça. Ah, t'es abonné. Alors. Ah, mais toi, je vais te gifler, soir. Pas de violence. J'ai reconnu la rose clash. Porte plainte. Histoire de te réveiller un petit peu. Je porte plainte. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Ben, je vous écoute, oui. C'est vous. Pardon? C'est vous qui venez d'appeler, non? Ah, pas du tout. Moi, j'entends il y a un téléphone qui sonne, là, derrière, j'entends. Ben oui. Ben, c'est vous qui avez dû appeler, alors? Ouais, je comprends rien du tout. Ah, bah, ben, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que ça appelle chez vous, comme ça? Hein? Ça fait longtemps que vous avez des coups de fil, comme ça? Ben, non, c'est le premier. Ah, ben, c'est le premier, ben, c'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe, hein, dites donc. Salut, les filles! Hello. Ah, vous avez entendu? Ouais. Allô? Oui. Allô? C'est Gérard. Salut Gérard. Ah GG. Pourquoi vous m'appelez Gérard? Moi, c'est pas moi qui appelé. Hein. Bah, le téléphone sonne, je suis avec ma femme, hein, ma chérie. Ah bah effectivement, hein, c'est Gérard, mais je pense que Gérard est ivre. Gérard, vous êtes ivre? Non, sur moi pas. Ah, Gérard est dans la picole. Ça boit Gérard chez vous? Gérard est alcoolique. Ah, c'est possible. Et je me suis rendu compte. Ah Gérard. Non, c'est des conneries. Non, c'est pas des conneries, parce que nous, on vient de recevoir un coup de fil, et un monsieur qui s'est appelé Patrick, et qui nous a passé un petit coup de fil, on savait pas qui c'était, et donc là, maintenant, c'est vous qui nous appelez, on tombe sur vous, c'est bizarre. Ah bon? Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Ah oui, bah, allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Bah, moi, je sais pas, c'est vous qui appelez. C'est pas moi qui ai appelé. Hein. Bah, attendez, je suis pas débile. Si. Si, si. Ah, si, si, parce que moi je témoigne, le monsieur que je viens d'avoir en ligne, on doit être trois en ligne. Hein. Moi, je non, suis... mais vous, c'est une plaisanterie, ou ah, quoi? Pas du tout, madame. Monsieur, vous témoignez, hein? Gérard. Oui. Gérard. Oui. On était déjà en ligne avant, hein? Ah oui. Bah, oui, eh oui, oui. Parce que là, on est toujours en ligne, là, Gérard. Je pense que cette dame est folle, hein, Gérard. C'est peut-être elle qui nous fait une blague, non? Peut-être, je pense. C'est peut-être elle qui boit et pas toi. Ouais. Eh oui, peut-être. Mais oui. Tu bois un peu, Gérard, rassure-nous. Bon, alors c'est pourquoi là? Parce bah, écoutez, je sais... bah, écoutez, nous on était tranquille à la maison, on était en train de faire l'amour pendant la mi-temps du match. Ouais, bah moi je regarde pas le match. Oui, alors, allô? Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Oui, mais je regarde pas le match, ça m'intéresse pas le football. Oui, mais. Je trouve qu'il y a déjà assez de couillons comme ça qui foutent des ronds en l'air, sans payer des gens avec extravagance pour regarder la politique. Allez, bonsoir. Bien le bonsoir, bonsoir. Allô? Il comprend rien. Il y a Gwenou qui nous dit, Gwenou 15 ans, Difool, tu es un trop mauvais comédien. Mais pourquoi? Parce que je dis que Romano était ma femme et qu'il a pas une voix de femme. Mais je peux faire la femme. Oui, mais bon, c'est passé. Non, mais c'est passé. Non, mais de toute façon, Gérard boit, donc. Ah, Gérard, tu peux lui faire ce que tu veux. Oui, je suis avec ma femme, là derrière, t'as Romano qui te beuillant, tout va bien. Est-ce qu'on a le temps d'en faire un autre? On met la pub en speed et puis on. Allez, on y retourne après. On en fait peut-être un petit d'ici quelques instants. Il y a Jules aussi que je vous avais promis qu'on va écouter tout de suite. Jules qui était avec nous sur le scooter. Jules et Emotion. Oui, jeudi soir. Et ouais, l'album est sorti vendredi et il cartonne. Et Jules, on écoute tout de suite avec Emotion. On aura du SCH, du Escrew aussi à écouter tout à l'heure avec Nekfeu. Tout ça pour vous avant minuit. Puis évidemment, vous en direct. Et puis on n'a pas oublié Soso qui nous attend toujours avec ses voisins. T'es toujours là, Soso? Allô? Oui, hello. Promis, juré, Soso. Hello, hello, on arrive. Hello, il est Ulu, ouais. Attends, mais hello, il est Ulu, d'accord, mais également. Oui, non. Allô? Je parle en crypté, c'est pour Romano. Il... Ouais, non, mais je comprends tout, là. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Bon, Soso, tu bouges pas, je te reprends suite. Romano s'occupe également de toi parce que les problèmes de voisinage, j'y connais, hein. Ah mais tu veux me foutre à bout avec oui, ce truc. Oui, parce que mais je te dis t'es dans un instant la guerre et restez là. Ils vont la voir. Restez là, on le fout à bout. Il est déjà hein, à je veux dire. De nerf. Non, ça va, je suis j'attends puis, la prochaine étape. Et ben la prochaine étape c'est aussi la deuxième mi-temps de Islande Angleterre, on suit le match en direct et pour l'instant on déclare Islande, bah c'est l'Islande qui mène 2-1. Oui. Allez, radio libre. Un iPad mini à gagner tous les matins dans Morning Best. Morning Best. Le meilleur du morning de Default sur Skyrock. Qu'est-ce qui lui arrive? Pour la sortie de Conjuring 2, le Cainfield. Au ciné avec Skyrock. Vous êtes dans ma maison. Écoute Morning Best de 6h à 9h et gagne ton tout nouvel iPad mini. Tout va bien, Janet? Conjuring 2, par le réalisateur d'Insidious et Conjuring. Je n'appuie pas, Janet. D'après les véritables dossiers des Warren. Maintenant, dites-moi quel est votre nom. Le 29 juin au ciné avec Skyrock. Skyrock. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres exceptionnelles. En direct du match des bonnes affaires chez Micromania avec Fallout 4 à moins 15 euros qui passe à The Division à moins 20 euros. Beau tacle glissé de moins 30 euros sur Call of Duty Black Ops 3. Relance de moins 20 euros sur Dark Souls 3. Belle remise de moins 35 euros sur Naruto Storm 4 qui centre. But de moins 20 euros sur FIFA 16. Quelles offres, c'est magnifique! Les bonnes affaires, c'est maintenant et en exclusivité chez Micromania. Du 20 juin au 11 juillet dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr. Bienvenue sur Smax. Tu as créé ton profil avec une belle photo de toi. Niveau 1, franchi. Tu as reçu un Smax. Smax à ton tour. Vite. Niveau 2, franchi. Tu viens d'obtenir un double Smax. Niveau 3, franchi. Délivre la princesse de son célibat. Envoie-lui un message. PS, sois original si tu veux avoir une réponse. Sur Smax, c'est toujours toi le winner. Télécharge Smax. S-M-A-X. Y'all know the name. Concert. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice, le 19 au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les premières places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais ? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves ? C'est quoi vos sources ? Lucas ? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Diffoul Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. C'est Tchoul sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Tchoul sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Faut que je les résonne. C'est reparti pour le match de foot des Anglais contre les Islandais, deuxième mi-temps. Ouais. Et 2-1 pour l'Angleterre face à l'Islande. Match à suivre en direct sur ça. Bah, attention les Islandais, Marie, hein, parce qu'au final. Attention les Islandais. Attention l'Islande, on le dit depuis le début de l'Euro. Attention l'Islande. Mais tu sais, l'Islande, c'est pas connu du grand public, mais c'est la meilleure équipe dans les qualificatifs. Hein. Bah, ils avaient sorti les Pays-Bas là. Mais en fait, ils ont fini premier de leur groupe et invaincus. Donc, si tu veux, c'est pas arrivé pour les autres équipes. Hein. Donc, attention l'Islande. Attention. Vous les connaissez pas, mais on vous en a prévenu. Bah, les Anglais s'en rendent compte actuellement. C'est donc, clair. 2-1 pour l'Islande face à l'Angleterre. Et donc, c'est reparti. On est à la première minute de la deuxième mi-temps. Et on va suivre ça jusqu'au bout en live sur Sky, évidemment. Et puis, vous aussi, vous pouvez passer en live sur Sky. C'est au 01 53 40 30 20. Vous nous passez un petit coup de fil. Vous tombez sur l'équipe. On a Soso là qui est avec nous. J'ai prévu qu'on s'occuperait de Soso. Allez, on va prendre Soso. Salut à tous ceux qui sont là d'ailleurs, à Sania, bonjour à Poto du 95, fidèle, salut Poto du 95, Bruno du 63, Bruno du 75, salut à vous, bonjour à Steven, à Jacari aussi qui vient d'arriver, bonjour Jacari, à Bogosita, les plus belles Bogosita sont là, salut belle gosse. Yeah. Oh l'autre. Et ils sont tous là pour t'écouter, Soso. Oui, avec ton problème de voisin. Soso de Brest, avec ton problème de voisin, alors dis-nous qu'est-ce qui se passe Soso? Bah déjà avant de commencer, les gars, ça fait 6-7 ans que je vous écoute, vous êtes énorme. Et ah, tu as vu que Cédric avait pris du poids. C'est ça. Ah, tu vois Cédric, ça s'est vu depuis 6-7 ans. Ah ouais, ah, il faut faire quelque chose. Hein, ah ouais le belge. Ouais, je vais me mettre au sport je crois cet été. Mais tu vas faire quoi comme belge, sport gars. Je vais aller à la piscine. Tu vas aller à la piscine, mais tu plonges pas. Hein. Bah la, si. La dernière fois qu'il a plongé dans une piscine, c'était que la piscine s'est vidée, vous êtes au courant? Non, mais là je me il a cassé le carrelage. Ah ça j'avais pas. Il a cassé le carrelage. Au fond. Non, mais la fois que je m'étais inscrit, ces connards, ils avaient fermé 3 mois à la piscine. Ouais, c'est-à-dire que Cédric s'inscrit bizarrement la semaine suivante, la piscine fermée. Pour raison d'hygiène, c'était pour raison d'hygiène. Non, mais ils avaient refait le bassin. Non, mais tu t'es pas dit que tu t'étais bien fait couiller quand même? Bah si, j'ai demandé à ce qu'ils me remboursent. Et t'ont pas remboursé? Non. Et bah voilà. T'es bien fait couiller, il a raison. Ah j'avais la haine, putain. Ah non, mais il y a de quoi l'avoir, ouais. Ah ouais. C'est comme, je sais pas, ouais, tu prends un abonnement dans un truc et le truc fait faillite 2 jours après, tu vois. Oui. Moi cette année, je me suis bien fait baiser au stade Vélodrome. J'ai pris un abonnement pour le match de l'OM et puis j'ai vu une victoire quoi. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu t'es fait carnage. Non, mais moi, des matchs, ils étaient à huis clos aussi, donc je pouvais pas y aller. Mais t'as déjà eu de la chance de voir une victoire. Ouais, bah, j'ai vu une victoire, j'étais content. T'y allais en début d'année alors. Voilà, bah, j'ai vu la première, ouais, le deuxième match, on avait gagné, puis c'est tout. Ouais. Les Anglais étaient aussi invaincus en qualif, c'est pas vrai, Samy, ce que c'est tu vrai. Dis. Non, c'est vrai ce que tu Black dis. Crystal qui vient de corriger une erreur footballistique, bien sûr. Je sais pas si j'ai dit les seuls, mais en tout cas, les Islandais étaient invaincus. Aussi. Si, il a dit les seuls. Je sais pas si j'ai dit les seuls. Bah, bien entendu, si j'ai dit les seuls, est-ce que t'as dit les seuls? Bah, excuse-moi. Je voulais dire qu'ils ont fini premier, que c'était un vestiaire. Et toi, genoux, tiens. Comme les Anglais, comme et su Cédric, c'est ça. Ah, châtiment. Et on va peut-être taffer ça. On va peut-être pas pousser la sanction. Il y a Auré qui dit, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Auré, qui est un des rares à attendre la rentrée, qui dit, vivement la rentrée, Cédric, il arrivera aux 100 kilos. Non, je pense pas. Non, pour faire la pesée, je pense que j'ai perdu un petit peu. Il attend avec impatience qu'on rentre. Bah, attendez déjà qu'on parte. Hein. Pour l'instant, on est en direct, profitez-en. Il y a des auditeurs qui ont vu des photos de toi il y a quelques années, ils hallucinent quoi. De qui? Bah, sur Cédric. Ouais, je me suis un peu transformé. En disant, quoi. Il était maigre. Et ouais. J'ai pris un petit peu. Comme tu le disais, Soso. Mais déjà moche. On est énorme. Il y a pas si longtemps, t'étais maigre. Énorme, ce qu'il y a. Mais déjà laid. Non, mais c'est possible, Cédric. Non, mais je vais maigrir, la photo, t'inquiète pas. Tout est possible avec Cédric. Ouais, faut reprendre en main, frère. Moi, j'ai fait pareil, je me suis repris en main. Ah, toi aussi, t'avais trop grossi? Non, bah, j'étais pas énorme non plus comme Cédric, mais. Ouais. Je suis pas énorme, un poteau, il y a pire. Hein. Tu dis une référence? Ah non, il y a pire large. Non, mais ça te va bien. Une référence dans les régimes. Ouais, mais à ce moment-là, il y a toujours pire, tu vois. Je t'explique, quand je rentre mon ventre, ça se voit pas trop, hein, tu sais. Un peu quand même. Ouais, comme mais t'arrives plus à l'entrée, c'est ça. Je fais ça et je me penche un peu. Attends, parce que j'arrive plus à l'entrée. Ah, mais tu parles comme ça après. Il arrive plus à l'entrée. Mais quand tu parles? Ah, ben regarde, comme ça. Voilà. Il s'étouffe avec ses mentons. Regarde, là, comme ça. Vas-y, sors-le, ton ventre, on est à la radio, on le voit pas. Ah, c'était dur, hein. Oh, j'ai envie de péter. Ah non, retiens-toi. J'ai plein d'air. Non, mais à l'époque, j'arrivais à rentrer mon ventre bien, tu vois. Non, mais là, t'y arrives plus, là. Maintenant, tes t-shirts, on dirait des brassières, quoi. Des brassières. Bah, t'as quand même acheté de nouveau, Marie, tu vois. Ouais, bah, c'est ça, t'as raison, ouais. Ah, c'est vrai, tu payes des fringues. Ah ouais, cool. Vas-y, régale. Ah, t'as raison. C'est les soldes, Marie. Vas-y. Ah, c'est cool, sûr, bah, vas-y, demain, on se retrouve à quelle heure? Je viens avec vous, bien moi sûr. Aussi. Tiens. On va faire les courses avant l'émission. Bon alors, donc Soso, toi t'as 18 ans, t'es à Brest, je te présente pour ceux qui viennent juste d'arriver, et t'as un problème de voisinage, attention, place aux voisins maintenant, c'est parti. Ouais bah alors, en fait moi tu vois, ça fait maintenant un an que je suis en études supérieures, wow. Et voilà, je suis en appart maintenant. Ouais donc t'as, ouais, ça y est, c'est bien, t'es tout seul en appart? Ouais, enfin non, j'avais une coloc. Ah ouais, donc vous étiez deux dans votre appart, ouais. C'était un tout petit appart j'imagine. Ouais, enfin ça allait, 50 mètres carrés, ça allait, franchement ça allait. Oui ça va, oui. À deux, chacun sa petite pièce, ou alors tu dormais dans ta coloc? Non, c'était pas possible ça. Inimaginable. Ah, ouais, t'es trop moche. Ah ouais, de ouf. Sympa, mais moche. Voilà. J'ai dit qu'à ça aide d'ailleurs, qui est en Allemagne. Eh bien, je pense que ça lui fera plaisir. Je pense qu'elle doit être très contente de nous. Elle va être salut, la coloc moche. Non, mais c'est vrai, des fois, t'as des gens très laids, mais bon, qui sont très sympas. Elle était brave. Rien dire. Salut les filles. Voilà, par exemple. Par exemple, toi, Cédric. C'est toujours le moche de quelqu'un. Exactement, Marie. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien dit. C'est relatif, la beauté. Voilà, bah, moi, je suis le moche de tout le monde. Quelqu'un, tout le monde, c'est quelqu'un aussi. C'est pareil. Donc t'as ton petit appart et un problème avec des voisins, c'est quoi, les voisins du dessus, du dessous, d'à côté, de partout? Bah en fait du dessus, depuis quelques temps là, c'est un truc de fou. Mm-hmm. Bah je sais pas ce qu'ils font, mais enfin si, je sais ce qu'ils font, ils baisent, voilà. Ah ils baisent? Ils baisent. Ah bah écoute. Non mais enfin c'est acceptable. Mais le truc, c'est que c'est devenu hardcore, quoi. Mais c'est un vrai exemple. T'entends quoi? Ah, mais des phrases. Non, mais franchement, des phrases. La dernière fois, c'était il y a 2-3 semaines. Je suis en train de réviser parce que j'avais des examens. Donc, il y avait gros silence dans mon appart et tout. Donc là, j'entends des bruits et tout. Puis je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Je regarde sur mon ordi, c'était pas moi. C'était pas un film que j'avais actionné sur. T'étais pas sur YouPorn, quoi. Non, c'était eux. Mon ordi se met en marche tout seul. C'est comme les ordis de Skyrock tout à l'heure. Ouais, c'est ça. J'avais une envie de baise, mon ordi. L'ordi, envie de vendre un truc de cul. Oui, allez, regardez YouPorn. Et en fait, c'était eux. Mais c'était impressionnant, genre c'était des phrases mais là moi ça s'arrêtait pas quoi. Ah mais t'entends là moi. Ah mais oui, comme c'est ça impressionnant. Et c'est tu impressionnant. Peux, si t'enregistres si t'enregistres on rentrera peut-être pas bien au téléphone. Ouais. Mais si ce serait bien que tu nous les enregistres et que tu nous fasses écouter. Si vous avez des voisins qui font du bruit ou qui disent des trucs bizarres pendant qu'ils sont en train de baiser et que vous les entendez, n'hésitez pas à nous en faire profiter, comme ça c'est mieux pour juger après. Genre tu vois, la première fois tu vois, je pensais que c'était un problème avec je sais pas, il avait un problème avec des meubles. C'est vrai qu'il était en train de démonter ses meubles. Non, il démontait sa meuf. Mais sans doute sur les meubles. Ah ouais, peut-être. Ouais, c'est possible, ouais, t'as raison. Peut-être sur les meubles. T'imagines le bordel. Et alors, Marty te pose une question. Est-ce qu'il a le zizi, zizi tout dur quand il entend ça, le petit vicieux? Non, mais... En parlant de toi, ah, bah, oui. Ah ouais, mais ils sont comment? Mais les voisins, tu les connais, ouais, tu as déjà vu leur gueule? Bah, en fait, j'ai déjà vu leur gueule plusieurs fois. Enfin, pourtant, c'est un peu sans doigt parce qu'elle est vachement dégueu, la meuf. Bref, oui, c'est un couple. Mais de l'entendre gémir, ça t'excite la bite, quoi. Non, ça me refroidit. Dit... Non, tu l'as dit, Soso. Avoue que tu t'es branlé au moins une fois en les écoutant. Non. Bon, oui, donc. Très bien. Non, franchement, non, c'est chaud. Alors, tiens, il y a Bruno qui nous envoie un message qui dit: j'ai voisins, ils sont gays, ils cassent les couilles tous les soirs, ils font la teuf, ils cassent les couilles. Ah, ça t'énerve, ça. Et donc, vous avez. C'est même pas le fait qu'ils soient gays, quoi. Ils font la teuf, quoi. C'est des teufeurs. Vous avez des voisins, vous aussi, qui vous posent des problèmes, eh bien, n'hésitez pas à nous laisser vos messages, allez-y. Ça m'est arrivé aussi quand je révisais pour ma première année de médecine. Je mettais des boules quies. Ah, pas con. Ayette, je mettais des boules quies pour solutionner le problème. Ouais, franchement, ça fait chier quand même, t'es chez toi. Des boules quies. Et donc, Romano, tu voulais nous parler absolument, parce que tu insistes depuis le début de l'émission, tu nous as dit ça. J'ai très bien compris ton petit manège, mais ça ne fonctionnera pas sur moi. Quel petit manège? On dirait Sarko quand tu parles. De foutre à bout de nerf. Pourquoi? Mais ça ne marchera pas. Parce que pour le moment, il n'y a pas de réel. Bon, il y a un peu. Bon, il y a un petit problème. Mais écoute, c'est quoi, le problème? Soso, le problème des voisins. En fait... écoute comment réagit Romano pour gérer l'histoire. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, au-dessus, la part du dessus, tu vois, il a été libre pendant un an et demi. Donc, déjà, on s'est habitué à ne jamais entendre le moindre bruit. Oui. Et là, en fait, depuis 2-3 jours, il y a des voisins qui sont arrivés. Donc, bon, il y a eu le premier jour, il faisait un peu de bruit parce qu'il mettait les meubles en place. Ouais, bon, j'ai logique. Quand même une tolérance, tu vois. Je suis quand même très tolérant. C'est vrai. Non, mais je suis pas l'animal, tu vois. Je vais pas le mec, je vais pas sauter à la gueule parce qu'il est en train d'installer ses meubles, le mec il aménage. Non mais bon. Tant qu'il fait passer à 8 du mat ou à minuit. Ouais, alors attends, c'est ça déjà, premier problème. Hier après-midi, on a fait une petite sieste. À un moment donné, moi je me réveille, j'entends taper, mais genre un clou, tu vois. Je me dis, il était genre hier soir 19h30, je me dis. Ouais. Ça va. Ah bah j'ai ça aussi chez moi. Non mais c'est interdit, je suis désolé. 19h30, je suis désolé de te faire respecter la loi, Cédric, mais c'est interdit. Non mais un mec tape un clou, hein. C'est quoi les horaires dimanche? Non mais le dimanche, il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire. Le dimanche, ça doit rester calme. Le dimanche, tu ne casses pas les couilles aux gens, quoi. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ah ouais, putain. Oui. Et donc, le mec plante un clou. Bon, je me dis, ouais, bon, vas-y, s'il en plante un. Non mais j'ai rien dit, tu vois. À un moment donné. J'entends un blatatam. Il a failli avoir but, mais bon. Et ce con a dû faire tomber le marteau, tu vois. Et vu que c'est du parquet, le sol, ça fait un bruit, mais laisse tomber. Je fais bon, si ça continue, je vais monter. J'étais en train de bouillir chez moi. Non, mais en plus, ça monte. Quand t'as du bruit comme ça, tu deviens dingue. Donc, le soir, bon, après, plus de bruit, tranquille, on va se coucher. Ce matin, Cariole, elle se réveille, je suis plus à 8h, tu vois. Moi, je me lève à 9, elle me fait, et là, elle était à bout de nerfs, elle me fait, il y a la connasse du dessus, elle a passé l'aspirateur à 8h du matin. Tu sais, moi, j'ai rien entendu. Et en fait, Cariole, elle m'a chauffé, tu vois. Elle me fait ouais, j'avais envie de monter. Je fais monte. Le mec il laisse sa meuf faire, ouais, on connaît bien ses classiques. Et en fait, elle a continué à me chauffer et je suis monté, tu vois. Et en fait, j'ai sonné, ils ont pas décroché. Non, ils ont pas ouvert. Ouais, non, ils ont pas ouvert, oui. Oui, c'était pas. Tu n'as pas sonné sur leur téléphone. Et du coup, je vois la gardienne en bas, je fais ouais, dites-leur bien, je fais que ça va me casser les couilles en deux s'il faut trop de bruit. Mais tu vois, jusqu'à maintenant, il y a rien de. Voilà, faut juste qu'ils me cassent pas les couilles trop longtemps, quoi. Ah non, mais j'appréhende juste parce que tu vois, moi comme j'expliquais une fois, l'embrouille est proche. Moi je vous le dis. Non, la première fois, je pense que demain on aura la suite de l'épisode Romano et ses nouveaux voisins. Ça va être marrant. Oui. Non mais votre feuilleton de l'été. C'est vrai pourquoi on n'a pas de feuilleton à la radio. Votre feuilleton de l'été sur Skyrock tous les soirs dans la radio libre, Romano et ses nouveaux voisins. Non mais pour un peu ça va très bien se passer. Bon déjà le contact est mauvais. La dernière fois le mec je lui dis bonjour il me répond pas. Déjà tu vois. Ah ça va. Non mais Romano là il t'a pas vu peut-être. Ouais. Il a peut-être entendu une voix. Ah oui, il a regardé petit. Non, mais tu sais, de toute façon, je suis comme ça. Déjà, je l'ai vu deux, trois fois, j'aime pas sa gueule. Oui, non, mais arrête avec ça. Non, mais je suis désolé. Le mec, il a une tête de trou de balle, il m'énerve, j'aime pas sa gueule. Bon. Et le mec, tu vois, la moindre des choses, c'est tu dis bonjour, tu réponds, tu sais, tu réponds bonjour, quoi. J'en ai un voisin aussi. Comme ouais, ben moi, c'est ça, tu sais, déjà rien que ça, ça m'énerve. Et non, mais la première fois, je vais y aller, tu vois, peut-être qu'ils sont pas habitués, ils savent pas que c'est, qu'il y a des trucs qui sont bruyants, et je vais leur dire. Après, j'apprends juste la réaction du mec. C'est-à-dire que si le mec, il est comme le fait qu'il m'ait pas dit bonjour, il me prend de haut. Je pense que ça va mal se passer. Bah, te prendre de haut, comment tu veux qu'il te prenne de bas, Romano aussi. Non, mais genre, tu vois, tu mesures 1m54. Non, mais si en gros, le gars, il me dit, ouais, je m'en bats les couilles, tu vois, je sais que ça va pas le faire. Alors, je vais te dire un truc. Moi, j'ai de nouveaux arrivants, genre, au quatrième, moi, je suis. Ah, bah, les pauvres. Eh ben, je les ai déjà fait chier. J'ai déjà fait 3 teufs depuis qu'ils sont là, ils sont arrivés il y a une semaine. Et ils m'ont déjà sauté. Non, mais ils ont acheté l'appart il y a 2 mois et demi. Ils nous ont mis un petit mot il y a 2 mois et demi en disant, désolé pour les bruits, pour les travaux, machin. Je me suis bon, ça va durer une semaine. Mm-hmm. Ça fait 2 mois et demi. Ils sont encore en train de casser des murs. C'est-à-dire que je suis Mais ça, à la limite, tu peux pas. Ouais, mais ça, tu peux pas l'interdire. Bah, s'ils le font dans les horaires normaux. Ah, bah, à 8h30 du matin, quoi. Je suis content. Bah, non, mais tu sais qu'ils ont le droit de commencer à 8h. Hein. Voilà, Marie. C'est pas du tout. Non. Je vais les appeler, les voisins de la Marie, je vais leur dire, on commence à 8h30, on commence à 8h. Non, mais je les insulte, mais je suis pas encore allé les voir. Mais bon. Ça ne serait tardé. J'espère pour toi que ça va pas durer 2 mois, ton truc. Ah non mais moi le problème c'est Marie, il faut pas de travaux, ils vivent là, donc s'ils me cassent les couilles à faire des teufs ou compagnie, de toute façon moi je vous dis la méthode, j'ai quelques relations dans la police de mon arrondissement. Ah bah, mais ça va être vite réglé hein, donc, si le mec il veut jouer au con. Tu veux la méthode de Romano, première étape, tu montes, il t'ouvre pas, tu attends un peu, deuxième étape, tu remontes, il te réouvre pas, là t'appelles les keufs. Non mais sinon il y a l'autre possibilité, c'est ce qu'on s'est dit avec Cariole, c'est s'ils nous font chier genre là. Bon là en ce moment le matin on se lève pas donc parce que le morning on se repose un peu. Oui, on peut l'écouter, c'est bien, c'est super d'écouter le morning. J'ai écouté des conseils pas chers ce matin Romano, c'était super. Bah du coup moi tu vendais des photos sur Google, enfin c'était un truc de une escroquerie une escroquerie de haut niveau high level. Oui, car vos conseils pas chers sont là tous les matins. Parce que le truc qu'il y a, c'est que le mec, s'il veut me faire chier, il va faire du bruit tous les matins. Oui. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que tu es en liaison avec la police. Non, c'est que moi, à la rentrée, je me lève à 5h30. Ah oui. Et je rentre chez moi à plus d'une heure du matin. Donc s'il veut me faire chier à faire du bruit, je pense que le plus emmerdé, ça sera lui et ça sera pas moi. Non, ou peut-être pas, parce qu'il peut porter plainte après. C'est bien pratique, ces horaires décalés. Ah, c'est bon sur le morning. Tu veux pas qu'on reprenne le morning, là? Non, mais tu veux. C'est un peu plus tôt, genre 4h du matin. Ouais. L'année prochaine, attention, des surprises, des nouveaux horaires dans le boarding. Ah bah tu sais, si le mec il me fait chier, je te jure, tous les matins à 5h30, j'irai sonner ou je ferai un bruit de dingue, tu vois. Mais non, tu laisses l'alarme plusieurs fois sonner, tu sais, ton alarme du réveil. Ouais, mais ce qui est le problème, c'est qu'il y a quand même d'autres voisins qui te font chier. Ouais, c'est juste ça. Tu vois, c'est juste ça qui m'emmerde, mais bon, voilà. Ah, mais il est juste au-dessus. Après, tu claques bien fort à la porte. Pam. Non mais ça ouais, non mais tu sais j'y ai déjà pensé. Et tu l'as bon, tu l'as en espérant que ça se passe bien, tu vois. La suite de votre feuilleton, les nouveaux voisins de Romano, demain dans la radio libre. Non parce qu'on en avait eu avant, tu sais, en fait ils se rendaient pas compte que l'immeuble. Non mais c'est. Tu vois Soso, ça te rassure, t'es pas tout seul. Hein. Les immeubles anciens, tu sais, c'est pas forcément super bien isolé. Et en fait ils se rendaient pas compte qu'ils faisaient du bruit. On a été leur dire une fois, tu vois, les gens ils ont dit ouais excusez-nous, machin, on fera attention. Et on n'a plus jamais eu de problème. Après peut-être que eux, ça sera pareil. Mais je sais pas, le mec je le sens pas avec sa gueule de trou de balle. Tu allais le voir. Ouais, il aime pas mais ça. Mais le mec, j'ai été sonné, ils ne sont pas déouverts. Je ne vais pas défoncer la porte au pied de biche. Et est-ce que t'es sûr qu'ils étaient là quand. Non, mais c'était eux. Non, mais ouais, tu sais, c'est aux gens. Cariole, c'est une cinglée des bruits, elle entend tous les bruits, elle sait exactement attends, à quel non, étage. Non, c'est pas une cinglée des bruits, c'est une cinglée tout. Non, mais ça, tu sais que c'est un truc de ouf. Hein. Elle sait qu'il, par exemple, si elle est vers la porte, elle sait qu'ils montent dans l'escalier ou pas. Et t'entends tout. Et est-ce qu'ils ont des enfants en bas d'âge? Non, ils n'ont pas de gosses. Parce que ça court. Et ce qui serait le plus cool, c'est qu'ils en fassent un. Alors là, je pense que. Non, mais ce qui s'était passé, c'est que ce mec-là, il y a un an et demi, tu vois, il était étudiant, et ses parents lui avaient filé l'appart. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il a fait une teuf, il s'est embrouillé avec un voisin, ils ont failli se foutre sur la gueule, il y a les flics qui sont venus. Moi, j'ai assisté à toute la scène, j'en regardais dans mon œil. Ah, mais l'autre, mais c'est une vraie mégère, quoi. Non, parce que les keufs sont venus, moi, je les ai vus monter, et le keuf, tu sais, il a dit direct, il a fait, ouais, il faut arrêter la musique tout de suite. Et il y en a dans l'appart qu'on rebellait, qu'on dit, fais ce qu'on veut, machin. Donc le mec, il avait recommandé. commencé à descendre l'escalier. Le mec, il est remonté en trombe. Il a dit, écoutez, moi, c'est simple. La prochaine fois que je reviens, j'embarque tout le monde. Et oh, du coup, putain, la teuf en garde à vue. Et les parents, ils ont eu tellement honte que l'appart, ils l'avaient repris. Et entre temps, il n'y avait eu personne, quoi. Alors, les messages que vous nous laissez, vos témoignages aussi. On va prendre Ayette qui est au téléphone avec nous, qui réagit pour toi, Soso. Sinon les messages que vous laissez, Thomas, tiens, il nous dit, écoute, comment t'as 13 ans dans le 5-7, qui nous fait tu organises une partouze, tu fais plus de bruit qu'eux, tu vas voir, ils vont déménager, très bien, faut organiser une partouze chez toi, Soso, je sais pas si t'avais, si c'était dans tes projets. Plus sympa. Ah bah oui, pourquoi pas. Alors, tu mets un film de cul à fond. Ah, pas mal. Ah, oui. Pas mal le film de cul à fond. Ah, mais là, ouais, tu passes les autres voisins aussi. Ah, mais ça se prend un coup pour ceux du dessous, quoi. Non, mais puis c'est là où, où c'est toi, où les autres voisins viennent te faire chier parce que t'écoutes des films de cul à l'ombre. Ouais, oui, et au final, les emmerdes, elles te retombent dessus. Ah, tu vois, c'est pour un gros ouais, dit, en ça, fait, c'est un peu ça le problème. C'est quand tu veux faire chier juste un voisin dans un immeuble, c'est difficile. Voilà. Parce que forcément, les bruits, chier. Ils vont partout. Ouais, t'en fais chier d'autres, ça. Tu veux pas mettre un mot, genre, dans l'ascenseur, si vous avez un ascenseur, en disant, oui, pour les voisins du, je sais pas, dans l'entrée, tu vois. Ou dans l'entrée, si vous pouviez, je sais pas, faire l'amour beaucoup moins fort, ou je sais pas quoi. Ariane qui vient nous dire ça tout à l'heure, de mettre un petit mot dans l'ascenseur ou dans donc le on est d'accord. Mais tu mets le truc comme ça, ils affichent un peu, tu vois, ils savent pas de qui ça vient, de quel voisin ça vient, et ils vont se calmer peut-être un petit peu. Sauf si c'est des, parce qu'après il y a des gens, c'est des sans-gêne, quoi. C'est-à-dire que t'auras beau leur expliquer 10 fois. Ça se tente. T'auras beau leur expliquer des fois, mon beau-père, le père de Cariole, parce que cette famille avait eu des embrouilles avec un voisin qui inondait son balcon. C'est pas mal, ça. Comment il faisait? Non, mais en fait, le mec avait des plantes. Ah ouais. Mais genre, mais ça faisait mais une cascade, tu vois, genre sur le balcon. Joli. Cascade, t'as une cascade sur dans ton immeuble. C'est super joli, tu t'en prends plein sur la gueule. Non, mais dans c'est la ça, rue, c'est ça non, mais puis ça dégueulasse les vies, tu vois, c'était insupportable. On est venu vous voir pour le morning, la vendredi matin, et carrément, on s'est pris de la flotte, là, des plantes d'une nana qui était en train d'arroser. Vachement sympa, quoi. Ouais, c'était un mec qui pissait. Non, elle a arrosé. C'était moi. C'est Cédric. Cédric chiait, mais il avait une diarrhée, donc tu as cru que c'était de l'eau, mais pas du tout. C'était de l'eau marron. C'était pas fou. Tiens, mais il a fallu qu'il appelle l'agence et tout ça, parce que le mec, tu sais, mon beau-père, le père de Carole, il a dû lui expliquer, vous mouillez, vous inondez mon balcon. Et le mec, non, mais il était là. Non, mais attendez, moi, j'arrose mes plantes, sinon elles meurent. Mais tu sais, un jour, il lui a dit, mais qu'elles crèvent, vos plantes. Le mec à bout, quoi. Tu sais, qu'elles crèvent. Bah ouais, c'est clair. Jour, ce qu'il a fait, c'est que le mec, il avait à peine arrosé, et le père de Carole a pris des baskets pourries qu'il a mouillé un peu sous un robinet. Il est monté chez le mec, il a fait regardez mes baskets. Regardez mes baskets, vous rendez compte comment ça se passe, comment vous me les remboursez. Donc le mec, là, il s'est excusé et depuis, il s'est calmé, tu vois. Mais ça a bien duré 2-3 mois où le mec ne comprenait pas que ça faisait chier les gens. Eh ben si. Alors, on a des réactions. Mais toi, Tiffy, t'as aussi des voisins, toi, avec des gosses au-dessus. Oui, j'ai des voisins qui ont des gosses au-dessus, oui. Mais tu vois, moi, ça, nerveusement, je supporte plus. Ah non, mais moi... Ils ont également un chien qui a les ongles longs. Ah non, mais ça, c'est mignon. Vous savez que quand les gosses jouent et qu'ils balancent leurs trucs, par exemple, leurs jouets, ça fait cling, cling, cling, ça m'énerve. Quand le chien, il marche avec ses pieds, ça m'énerve pas. Ouais, ça fait un tic, tic, tic. Ouais, et pourtant, ça fait du bruit aussi. Ouais, c'est vrai. Mais ils gueulent autour de toi, les voisins. Je suis allé chez Nifoul la samedi, putain, ça a gueulé. Mais c'était les enfants, hein, c'était pas ça, les ça parents. Ça criait fort. Ah ouais, ça criait fort, putain, je sais pas mais comment tu tiens. Mais t'as pas les nerfs. Ah ouais? Parce que moi, je suis déjà monté. Mais je sais pas cool. Comment tu tiens. Hein. Non, mais ah, ça va, Marie. Elle est venue 10 minutes chez moi, Marie. Bon, t'es arrivé au moment où, c'est vrai, ils étaient assez actifs, les gosses. Il y avait une crise. Non, mais tiens, moi, il y avait une crise chez les gosses. Non, mais moi, je suis de la vie de Marie, tu vois. Après, voilà, tu sais, t'as des cons, il y en a partout. Mais si, au moins, chez toi, tu peux être peinard. Non, mais s'il faut vraiment. Moi, je demande pas grand chose. Je demande juste qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille chez moi. Je fais chier personne, mais qu'on m'emmerde pas. Mais s'ils me font vraiment chier, j'irai. Mais bon, quand ça reste. Non, mais après, je te dis, tu peux dire. Le tout, c'est moi, c'est toujours ce que j'appréhende, c'est comment va réagir le mec en face. Parce que, tu vois, j'y vais, la première fois, j'y vais jamais en mode agresse, tu vois. Avec le sourire. Tu dis, ouais, je suis désolé. Ouais, salut les connards, bonjour. C'est ça, le sourire jaune. Ça va. Non, mais tu fais un peu le faux cul, mais tu leur dis, ouais, je suis désolé, vous le savez peut-être c'est pas, ce mais. C'est bruyant et on entend beaucoup de bruit, machin. Après, si le mec, il te dit, ouais, je m'en bats les couilles. Ouais, Soso. En fait, j'ai oublié de vous préciser, mais en fait, moi, mon appart, c'est une grande maison qui a été une maison de 3 étages qui a été rénovée voilà, en 3 parties. Ouais. Et du coup, bah, en fait, c'est comme le plafond. En fait, c'est comme si c'était le plafond d'une maison, quoi. Et ouais, c'est pas bien isolé, ouais. Ouais. Bah, attends, pour que tu les entendes baiser comme ça, ouais. Si vous êtes que 3, c'est vrai que la lettre dans la lettre anonyme. Ouais, parce que la lettre anonyme, c'est vrai, tu as dit Marie, mais il y en a qui proposaient la lettre anonyme. Hugo du 59, Clément, 18 ans du 59 aussi. Une lettre de menace. Une lettre de menace dans leur boîte aux lettres en anonyme. Fais-leur une lettre sans les prévenir aussi, on nous disait. C'était pour les afficher un peu, tu vois. Appelle appelle Cédric, vit avec Cédric pendant une semaine, ils vont se casser de peur, nous dit Ryan du Creusot qui représente ta ville, Romano, et on sent que le clash approche avec des messages comme ou ça. Alors, ah, salut le Creusot. Là, mais moi, je serais sans gêne, hein, moi, le mec, je dirais, je sais, putain, ta meuf, qu'est-ce qu'elle gueule? Ah, tu irais comme ça, toi? Ouais, je dirais. Mais... J'appuierais le mec devant sa meuf. Cédric, ici, étant donné que j'ai lancé la série de l'été, mes voisins. Les voisins, ouais. Nos chers voisins, c'est sur Skyrock. Est-ce que, éventuellement, tu voudras rentrer dans le scénario si je sens que ça part en couille? Ouais, vas-y, ouais. Ah, moi, je te fais gros, moi. Oui, il est content, hein. Non, mais je te fais. Il est bouillant, le bête. Ce con, tu sais qu'il est pote avec ma gardienne, ce con, là. Bah, c'est pas ma faute, il aime bien, gros. Non, mais ouais, tu viens, il lui fait la bise et tout. Normal, tranquille. Bon, on va faire un petit tour de table pour savoir ce qu'on fait. Petit tour de vos messages aussi, allez-y, envoyez tout ça. Ouais, Soso. Bah, en fait, ouais, bon, moi, je sais que le problème, ça va être tout à régler. Non, pas forcément. Enfin. Mais juste un truc pour les faire chier, quoi, pour les mettre attends, bien. Attends, bouge pas, quoi. J'ai Ayette là, Ayette de Marseille, ah ouais, avec nous avant qu'on fasse le tour de l'équipe, le tour de vos messages aussi. Ayette de Marseille, t'as 27 ans, bah écoute, sois la bienvenue, je te présente Soso de Brest, 18 ans. Salut à tous. Salut Ayette. Salut. Alors toi aussi, t'as plaisir de vous avoir. Mais c'est gentil comme tout, Ayette. Il a fait beau à Marseille aujourd'hui? Ah bah écoute, moi je suis en déplacement actuellement, je suis sur Buc, donc. Tu es sur Buc. Sur Buc, c'est sympa Buc. C'est vers Versailles, ça. C'est ça. Ouais, c'est lancé dessus, toi. Ah, bah, ils faisaient pas le même temps qu'à Marseille, alors. Ah, bah, non, on avait l'impression qu'on était le 1er novembre aujourd'hui. En fait, si vous, moi, j'ai traversé la France avec le TGV en montant, et plus je remontais dans le nord, plus c'était plus noir. Ça devenait gris et une broute était de plus en plus grosse. Ouais, t'es bronzé, d'ailleurs. Moi, je suis parti du soleil pour arriver au gris. Ah, bah, bienvenue. Bienvenue, alors. C'est ça. Et donc, toi, Yette, t'as eu des problèmes avec des voisins qui baisaient aussi ou pas? C'est ça, exactement. En fait, moi, c'était quoi, il y a à peu près 5-6 ans. Oui. Et en fait, moi, ma mère m'avait fait changer de chambre, comme ça, je suis au calme. J'étais au calme pour réviser tranquillement. Et en fait, j'avais le droit à mon rendez-vous hebdomadaire. Tous les samedis soirs, mes voisins du dessous baisaient. Ah, c'était la petite pétée du week-end. C'est ça, c'était la baisse du week-end, mais c'était franchement, ça lasse, parce que j'ai trouvé franchement limite, mais c'est là où je suis obligée de travailler avec des boules caisses, quoi. Mais c'était genre à partir de, on va ouais, dire, les boules caisses, on les a conseillées pas mal de fois. 11h, et des fois ça ouais, peut bon, durer jusqu'à 2-3 heures du matin. Attends, t'es chez quoi. Toi, t'as envie d'être... ouais, tu vois, Pénard, quoi. Bah, c'est surtout que je passais ma vie à réviser, quoi. T'sais, tu vas pas passer ta vie avec un casque de chantier, tu sais, ou alors avec les oreilles là qu'ils ont quand ils font le marteau-piqueur. Là, ça, c'est bien aussi, c'est très bonne idée, ça. Ouais, non, mais bon, c'est horrible de vivre comme ça, quoi. Puis pour dormir, c'est pratique. Et alors, t'as fait quoi? Bah, en fait, moi, j'étais à bout, quoi. J'avais commencé à en avoir marre. J'étais partie voir ma mère. J'ai dit, écoute, là, moi, je commence à saturer. Les bouquets, ça va 5 minutes, mais bon, je me vois pas faire ça tout le long de l'année, quoi. Et du coup, dans la journée, t'es descendue les voir, un petit peu régler les histoires. Mais moi, j'avais honte parce qu'il y avait aussi leurs enfants qui devaient les entendre, en fait, à un moment donné. Ah ouais, bah, ça, après, c'est leur problème. Oui, oui, non, mais après, ouais, t'es pas social non plus. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, non, c'est sûr, mais je me disais, putain, je me mets à la place de leur gosse, quoi. Déjà, c'est assez traumatisant. Super, c'était la guinguette, quoi. Toute la résidence, ils entendaient, quoi. Non, mais au moins, ils s'aiment. C'est ce qu'il faut se dire. Ah ouais, ouais. Ils s'aiment, mais ils t'emmerdent. Oui, ils s'aiment un peu trop, peut-être, en fait. Bah, c'est plus sympa qu'une bagarre au-dessus de chez toi, quoi. C'est vrai. Ouais, mais moi, c'était quand même franchement insupportable parce qu'elle était vraiment très, très expressive. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre encore, la dame? Vas-y. Bah, c'était oh là là, oui, ça me fait trop du bien, continue. Ah, moi j'étais là, je me souviens, j'étais en train de réviser ma biologie cellulaire, j'étais là, mais bon Dieu, j'avais mon futur. Ah, c'est vrai que c'est pas le même délire. Non, t'es pas dans le même délire. Enfin, biologie, bon. C'est ça. Ouais, voilà. Non, mélange non, de cellules, bon, il devait mélanger 2-3 trucs coup, aussi. Voilà, moi ma mère est allée les choper, elle aura dit ça continue, moi je fais un entre guillemets, je vais un peu vous afficher, quoi. Et donc après, ils se sont calmés. Ouais, ils se sont calmés, ça a repris un petit peu, mais après, vu qu'après moi je suis partie, après j'ai plutôt été exposée à ça. Bon, bah écoute, pourquoi pas, c'est une bonne méthode. Bon, alors, bah, exposée. Merci Ayette, on fait un petit tour de toute l'équipe et de tous les messages que vous nous laissez. Je voudrais faire un petit coucou à, il est où? Depuis Bamako au Mali, on nous écoute au Mali, ah, cool. C'est Baba Boudi qui nous laisse un salut message. Mali. Fidèle de hashtag Skyrock, hashtag Difool, depuis Bamako au Mali, bah, big up salut Bamako. Bamako. Et toute l'Afrique, d'ailleurs. Big up l'Afrique, big up le monde. Et à retour en Europe, les Anglais qui pour l'instant perdent 2-1 face à l'Islande. Il y a 70 minutes de jeu et 2-1. Les Islandais se sont pris un pénalty tout à l'heure. Au bout de 3 minutes. Au bout de 3 minutes, ils ne nous ont pas battus. Hein, c'était au bout de 2. Ouais. Et comme hier, les Islandais sont remontés derrière. Bon, nous on a mis un peu plus de temps pour remonter. Eux, ils mènent 2-1 depuis, depuis la première mi-temps. C'est ça, Rooney, il est bien remonté. Non, mais là, il a une sale gueule, Rooney, Marie. C'est pas qu'il fait de sale gueule, il fait rien. Non, mais ses cheveux, c'est pas mal. Ses cheveux, c'est pas mal. Ils ont repéré un peu.

This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Rihanna sur Skyrock, Rihanna avec Calvin Harris, c'est à gagner avant minuit. Les places pour les concerts de Rihanna, c'est que sur Sky. Come on! 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et ouais, c'est nous en direct jusqu'à minuit. Profitez de la soirée, hein, passez-nous un coup de fil 01 53 40 30 20 si vous voulez nous appeler. Qu'est-ce qu'on va écouter avant minuit? SCH, je la connais, on écoutera Nekfeu aussi. Peut-être un petit Justin Timberlake, si vous avez envie d'écouter un petit peu. Pourquoi pas? Oh ouais, Justin Timberlake. Ouais, Justin Timberlake. Je la connais, c'est SCH qu'on va écouter là tout à l'heure. Moins d'une demi-heure, tiens, avant 11h, juste après le clash, et peut-être juste après la fin du match de foot de encore ce 13 soir. Minutes. Eh oui, 13 minutes de souffrance pour les Anglais, de stress pour les Islandais. 2-1 pour l'Islande face à l'Angleterre, c'est quand même la surprise de la soirée. Et en plus, le seul but qui a été mis par les Anglais sur penalty tout à l'heure. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Mais bon, c'est pas fini, les gars. Bah non, il reste un quart d'heure. Il est pas con, Samy. Eh ouais, mais les Anglais, ils poussent énormément. Oh là, moi aussi je suis en train de pousser. Ça sent les prolongations. Ouais, bah arrête de pousser, Cédric. Ouais, pousse pas. T'es en train de manger donc. C'est le poussage d'avant clash. Ouais. Avant le clash de la drague. T'es prêt pour le clash? Ah, ouais, je me dis. Ah, moi je suis prêt, ouais. On va y aller. On doit juste faire un petit tour de table et de vos messages que vous nous avez laissés. Pour les messages que vous nous avez laissés aussi, on salue la voisine de Raph qui fait que aspirer. Elle démarre le dimanche à 7h30 pour nettoyer la baraque. Ah, c'est sympa. Et l'autre, elle passe le dimanche avec son aspirateur. C'est pas mal. Les vieux voisins cassent toujours les couilles, nous dit le cuisinier. C'est pour tes voisins, Soso. Tes voisins qui baisent. Ils ont quel âge tes voisins, toi? Tu nous as dit, non? Je pense qu'ils ont la vingtaine à tout péter. Ils ont la vingtaine à tout péter, ouais. Justement, donc la meuf n'arrête pas de se faire péter, n'arrête pas de baiser ensemble. Et ça fait du bruit, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver. Ouais. Les méthodes, tu chies devant leur porte s'ils continuent. Alors ça, c'est revenu à plusieurs reprises dans les messages que nous avez laissés. Message de Tropic sur le 41759. Il y a Ice aussi qui nous disait la même chose. Salut à toi, Ice. Moi, je suis un ancien flic, si vous voulez. Je vous explique la loi. Vas-y, explique-nous la loi. Ouais. Attends, mais je crois que Cédric l'a appelé. Salut, ami ancien flic. C'est ma voisine du dessous. Elle a un chien. Il pisse et chie sur le balcon tout le temps. Et l'odeur remonte et la pisse coule sur le balcon en bas. Ça, c'est pareil, c'est dégueulasse, quoi. Tiens, message de la gothique de Romano. C'est de la maltraitance. Il y en a 6 des gothiques de Romano. Au moins, j'en ai vu 6 différentes depuis le début de l'émission. Et moi, j'ai eu un couple qui baisait. Bah, c'est laquelle la vraie hein, ouais, bah, aucune. J'ai eu un couple qui baisait et qui faisait chier leur voisin, mais tu réponds pas, Lionel. Décroche. Ah, salut Lionel. Il est en train de pour un peu, lui. Ouais, non. Bah, je viens de l'avoir au téléphone et elle bouche pleine. Donc. Comme Ayette. Ah, il suce. Non, ah, bah, voilà. Non. Non, je pense qu'il mangeait. Comme Ayette, tout à l'heure, qui nous racontait ça il y a un instant. Donc, petit tour de table, on a eu ton histoire, Romano, qui deviendra le feuilleton de l'été. Les problèmes de Romano et de ses nouveaux voisins du dessus. Mm-hmm. Et donc, qui a déjà eu des problèmes avec des voisins? Marie, tu nous as raconté. Cédric. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Tu as la bouche pleine, Cédric. Ouais, je finis de manger. J'adore. Putain, t'en as plein la gueule. Ah ouais. Attends, j'adore. Bon appétit à toute l'équipe qui mange. D'ailleurs, bon f'tour. Bon appétit, merci. Saraf Turek. Saraf Turek. Très bien. Saraf Turek. Rouya. Merci, Harry. Non, mais en fait, moi, j'avais mes voisins du dessous, en fait, qui faisaient une teuf en plein milieu de la semaine, en plus. Donc, ils avaient mis un mot, ouais, désolé si on dérange et tout. Moi, j'étais parti la voir direct. Si on fait du bruit, je suis désolé. Je dis, ouais, jusqu'à une heure et demie, ça va, c'est l'heure à laquelle je rentrais, tu sais, l'émission. Je fais, par contre, après, ça va être gênant, tu vois. Elle me dit, non, t'inquiète, ça sera fini avant. J'arrive chez moi, 2h du matin, la meuf, elle continue à faire la fête. Ah ouais. Et en fait, elle habite au rez-de-chaussée, moi, au premier étage. Et je fais, ouais, je vais la voir. Je fais, t'as vu, moi, si tes potes, ils continuent, je vais commencer à acheter des sodos. Et elle me dit, ouais, ils sont bourrés, j'arrive pas à les contrôler. Bah, pas louper. Quoi? Un seau d'eau, deux seaux d'eau, boum, il n'y a plus personne qui faisait chier. Ah ben, tu m'étonnes. Ils sont tous calmés, ils sont tous barrés. La méthode du seau d'eau, bon, c'est con, toi, ils habitent au-dessus de chez toi, Romain. Pas de chance. Romain, Soso, pas de chance. Ah, toi, c'est plus compliqué pour le seau d'eau. Ouais, un petit peu, ouais. Non, moi, non mais alors, ça, c'est un double tranchant, parce qu'une fois, mon père l'a fait, il dormait chez moi à Paris, là, dans mon ancien appart, et en fait, en bas, il y avait des mecs qui squattaient, qui étaient complètement bourrés. Il a balancé un seau d'eau. Et mon père a balancé un seau d'eau, et le mec, en fait, était tellement bourré que, après, il s'est mis à gueuler, qui c'est qui m'a pissé dessus? Genre, le mec gueulait encore plus fort. Ah, mais ouais, non, mais c'était ça. Ah, non, moi, j'aurais niqué leur soirée, ils sont tous partis, ils étaient tous trempés, ils sont rentrés chez eux. Non, mais au moins, bien joué. Ah, bah ouais. Ouais, ouais, c'est bien. Ma voisine, elle m'avait dit, elle m'a dit, ouais, fais-le, hein, parce que moi, j'ai contrôlé plus, tu sais, contrôlé même plus. En plus, t'avais son accord, formidable. Ouais, c'est bon, je me suis fait plaisir, quoi. Et j'en ai pas mis de la chaude, hein. Vraiment un chien, ce Romano. Laisse un peu de liberté et de temps à tes voisins. Peace, nous dit Tom Angel. C'est bien vu. Ah, bah, je leur laisse du temps. Juste qu'ils fassent chier le monde, mais aux horaires autorisés. D'accord. Donc, s'ils nous écoutent, on leur passe le message et demain, la suite donc de ces histoires de voisins. Je voulais savoir, tu vis seul ou t'es avec tes parents? Seul. À qui tu poses la question? Seul. Avec Soso. Ah, à moi. Je sais que tu vis seul. Non. Ah, non, je crois que c'est à Soso. À Soso. Tu vis seul? Oui. Ah, merde. Attention, merci pour la question. Non, non, non, parce que moi, mon idée, c'était genre de monter voir les voisins en disant je préfère vous prévenir, mes parents sont à bout, il va y avoir un problème dans pas trop longtemps. Donc, Non, ça peut marcher, ça, c'est vrai. Ouais, tu vois, histoire de faire le truc sympa, quoi. Non, mais ou alors, tu peux la faire un peu focus et que tu vas les voir et tu leur dis excusez-moi de venir vous voir. Mais tu leur précises pas la nature des bruits que t'entends. Tu dis ouais, vous faites beaucoup de bruit. Ouais. Et sans leur préciser que ouais je vous entends baiser comme des chiens quoi. Ah, y en a qui leur diraient carrément. Hein. Y en a qui enregistreraient, qui mettraient. Non mais si t'oses pas leur dire, qui mettraient tout ça en ligne. J'en ai marre de vous entendre baiser comme des yinches. Ouais. Mais pourquoi quand tu les vois tu leur fais pas le même bruit? Tu sais, tu les imites. Tu fais ça. Tu les regardes dans les yeux comme ça. Imagine le mec normal. Et toi, t'as eu des problèmes avec tes voisins, Karim. Oh, mais moi, je leur dis l'autre jour, je ramène Karim chez lui. Il m'explique, avant de sortir de la voiture, d'un air très calme, demain, tu vois cette voiture, je lui pète les pneus. Je lui dis non, faut pas lui péter les pneus. Non, mais parce que alors, je t'explique. Karim, pas vénère. Non, parce pas vénère. Que, non, vers chez moi, c'est une galère pour trouver des places, pour se garer. Ah, non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des problèmes de places de parking. Ça existe entre voisins. Ouais, et il y a un mec, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a mis déjà une voiture, il s'en sert pas. Et il a mis derrière sa moto pour se garder la deuxième place pour sa deuxième voiture. Ouais. Ah, le bâtard. Donc, ce qui fait que quand à chaque fois, donc, il nique deux places au final pour rien. Et ça me met à bout et je vais. Mais si la voiture, elle bouge pas, t'appelles les keufs, gros. Si elle bouge pas pendant trois jours ou je sais pas combien, il peut. Je crois que c'est 7 jours. 7 jours. Ah, c'est même plus. Hein. C'est 2 semaines, il me semble. Je crois que c'est 2 semaines. 2 semaines, ah ouais. Il faut faire quoi? Il faut prendre une photo, Non, ils viennent constater, je crois, les flics. Non, ils viennent constater. Déjà, toi, ils verbalisent vers chez toi? Ouais, ils verbalisent, ouais. Bah, il faut dire au pervenche, la bagnole, elle est là non-stop. En fait, ils appellent ça les voitures tampons et ils la font enlever. Parce que si tu perds les roues de la voiture, c'est toi, ça va te retomber dessus. Ouais. Non, mais c'est surtout la bagnole, il pourra pas la déplacer non plus. Ah, et puis après, la bagnole, elle est là. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et voilà, réfléchis. Non, mais je te dis, tu croises les pervenches, tu leur dis, ouais, la bagnole est toujours là, je crois qu'elle. Tiens. Tu sais, tu dis même pas que c'est un voisin, tu dis, ouais, je crois qu'elle a abandonné. Non, mais. Ils appellent la fourrière. Plus de voiture. Ils viennent avec une bombe, ils font une petite. Non, mais vers chez moi, il y en avait une, tu sais, une bagnole, là, en l'occurrence, je sais pas, une bagnole, elle était comme ça. Je sais, au bout de moi, c'est pas moi, je sais pas, quelqu'un a dû le dire. Et la bagnole, au bout de 2 semaines, il y a la dépanneuse qui est venue, ils l'ont virée. Hein. Parce que les mecs, ils font, ils notent comme quoi elle était là. Ouais, tous les jours, ils constatent qu'elle est là. Ouais, et au bout d'un nombre de jours, parce que normalement, t'as pas le droit de même en payant, t'as pas le droit de squatter une place non-stop. D'un certain temps, ouais. Alors attendez, si tu veux, immédiatement porter plainte, Karim, j'ai la police en ligne avec nous. C'est Romain de Melun qui nous appelle. C'est lui, la police. Ouais, c'est ça. Salut, la police. Salut l'équipe. T'as 22 ans, ils t'ont déjà viré. Bah non, j'ai fait fin de contrat au bout de 3 ans. Je suis rentré à 18 ans. Ah, tu t'es barré direct, toi. Réformé P4. Ouais, c'est ça. Et pourquoi tu t'es barré de la police? Non, c'est eux qui ont pu voulu de moi. Ah, ils en voulaient plus de toi. Tu sais, tous les 3 ans, ils épurent en fait. Tous les 3 ans, ils épurent. L'air c'est d'abord. Et tu faisais partie de l'épuration, toi. C'est ça. Et tu faisais quoi? Heureusement que c'est pas l'épuration chez Cédric parce que je suis dans la merde. Oui, c'est vrai que pour épurer l'appartement de Cédric, c'est vrai que c'est pas facile. Mais oui. Mais ils épurent. D'ailleurs, dans un instant, juste après ton témoignage, on aura le témoignage d'une voisine de Romano qui nous appelle en direct. Et qui, une voisine de Cédric, pardon, qui nous appelle en direct un Romano. Ah ouais, j'ai eu peur. Oui, elle est en ligne. Elle tu croyais qu'on avait ta voisine? Ah si, Romano, excuse-moi, mais c'est vrai, on a une de tes voisines aussi qui est en ligne avec nous. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je crois qu'elle est en ligne, mais qu'elle ne nous entend pas. Un peu bricolage. Ah, excusez-moi, elle est en train de planter un clou. Non mais t'es mal à gueule qu'il a fait. Ah tu vois, écoute là, elle plante un coup. Non non, mais ils en sont pas là. C'est que la nuit, pour le moment, il faut pas chier le monde. Ouais, c'est juste le début. Après, petit à petit, ils vont prendre la confiance, ils vont commencer à foutre le bordel. Ah mais non, mais non, mais tu te rends pas compte. Dans mon immeuble, déjà, il y a ma gardienne, elle est au taquet. Elle est là, elle est direct des filles qui me dit ouais, elle a pas. Déjà ce matin, je la croise, donc je lui dis ouais, elles me font chier. Elle me fait ouais, elle me fait moi aussi, j'ai entendu, elle me fait ça va pas durer longtemps leur cirque. Voilà. Donc c'est bon. La suite des épisodes demain. Et donc toi, Romain, tu voulais donner 2-3 conseils à Soso? Ouais, pour Soso en fait, parce que moi du coup quand j'étais flic, j'ai déjà été appelé pour des tapages comme ça, tu vois, des gens qui baisaient en pleine journée, ça venait chier les voisins. Tapage nocturne. Diurne. Non, c'est, en fait, y a en journée, non diurne. C'est diurne. Des tapages toute la journée ou toute la nuit. Et en fait, bah, ça coûte 150 euros d'amende quand même. Donc 150 euros la baisse, ça commence à faire cher. Ah ouais, autant aller voir une pute dans ce cas-là. Hein. Bah ouais, c'est clair. À ce prix-là, ouais, 150 balles. Ah, Cédric, tout de suite. Oh ouais, dis fou. Ah, bah, bien sûr. À ce prix-là, bien sûr. Ah, mais tu m'as dit, voilà, je peux pas y aller en direct, là, pour faire une expérience. Oh, ouais, bah oui, tiens. Voilà. Tu payes alors. Il y a les travelots à côté, si tu veux, Cédric. Non, ça va aller. Ah ouais, pas vrai. Il y a des chimales. Ah, ouais. Je laisse ça pour Romano, il paraît qu'il aime ça, lui. Ah, ouais, femme habite, non, merci. Mais ouais. Chacun son délire. Chacun son truc. Ah bah ouais. Hein. Donc mais, en gros, il faut faire quoi donc, Romain? Bah il faut t'appeler. Bah t'appelles la police, tu dis que tes voisins, ils font le bordel à côté chez toi, ils vont venir, ils vont taper, ils vont mettre 150 euros d'amende. Ouais. Ce que tu parles souvent, la première fois quand même, c'est pas verbalisation directe, c'est avertissement. Ouais, avertissement. Bah ça dépend en fait, ça dépend. Ouais, après si tu tombes sur des gros cons qui disent je m'en branle, je baisse quand je veux, oui. Oh, espèce d'enculé. Ouais, voilà. Ouais, dans ce cas-là, c'est bien que tu n'hésites pas à la mettre direct. Ouais. Non, mais tu peux peut-être aller les voir, Soso, moi ce que je ferai à ta place. Ah, vas-y, calme. Oui, j'irai les voir, calme, j'en dirai, écoutez, bon, ça fait un peu de bruit la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Je me lève tôt le matin. Et puis tu leur expliques. Moi, c'est leur. Et c'est ce que j'avais fait, direct. Non, mais en général, si les gens ils sont civilisés, tu vois. Ils font gaffe. Ouais, ils font gaffe, ils font plus gaffe. Et après, si ça continue, alors là, tu passes aux choses sérieuses. Bah, les keufs. T'appelles les ex-collègues de Romain. Ah, bah ouais, normalement. En même temps, ils sont là pour ça. Hein. Mais ça dérange pas les autres voisins? Parce que à ce moment-là, vous. Il y a qu'un dans la maison. En fait je crois qu'il pense que c'est moi qui fais le bruit. Ah bah, comment je ferais bien les autres voix. Non, est-ce que tu peux peut-être faire aller voir les voisins du dessous et leur dire oui, vous entendez pas les bruits la nuit parce que moi j'en peux plus. Ouais, exact. Et puis peut-être vous liguer tous les deux pour y aller ensemble. Mais c'est mieux. C'est vrai que c'est dingue, j'ai des idées comme ça qui fusent dans mon dingue, esprit. C'est quand même un truc de fou, ça. Mais des fulgurances. Voilà, ça. Des fulgurances mentales. Je fulgure dans mon mental. C'est ça. Et sinon, tu peux leur passer un coup de fil. Chaque fois qu'ils font du bruit, tu leur passes un coup de fil, tu les appelles sur leur téléphone. Il y avait ça qui était. Il y avait plusieurs qui nous avaient dit ça, là, depuis tout à l'heure. Ouais, faut trouver leur numéro, déjà. On va proposer de les rejoindre. Pendant l'acte. Ça, j'ai eu beaucoup de messages aussi. T'as eu ta vie. Ah, mais bon, ils sont dégueulasses. Même pour les refroidir, en fait, monter à l'étage et puis leur dire. Tu vois, mais les flics, ils se déplacent pas à chaque fois, hein. Regarde, Lilliput. Bonjour, moi, j'ai appelé plusieurs fois les flics pour mes voisins. Ils se sont jamais déplacés. Non, mais ça dépend. C'est ça clair dépend que de ce si qu'il y a comme affaire sur non, le mais si sur le moment, il y a d'autres trucs plus urgents, ouais, c'est clair qu'ils vont pas venir dans les 5 minutes. Non, même des fois, même s'ils ont rien, les mecs qui disent, ils disent, on se déplace pas pour ça, hein. Et puis, salut à ceux qui ont des voisins, qui ont des chiens, qui hurlent à la mort, ou qui pissent et qui chient sur le. Dans les ascenseurs, dans les escaliers. Putain, ça c'est l'enfer. Salut à vos voisins. Non mais je sais pas. Non mais ça c'est pareil quoi. Moi c'est déjà arrivé, c'est qu'ils pissent dans le. Oui, oh bah non, c'était moi. Non, moi je ça l'ai vu faire. Ouais. Non mais c'est Cédric, lui il pisse dans son ascenseur à lui-même. Non mais plus maintenant. Non mais ouais. Tiens, moi il avait pissé dans le couloir. Ouais, mais de joie. Déjà direct, j'avais nettoyé et on avait prévenu la gardienne en lui disant ouais, il y a eu un problème. Tiens, mais je comprends pas. Même les. Tiens, les gens qui font chier leurs chiens genre dans un couloir, dans un ascenseur et qui nettoient pas, normal. Oh là, moi c'est moi qui chie et je nettoie pas. Ouais. Non, ça, je veux pas, non. Non, mais t'avais pissé dans toi. Non, mais j'étais. Non, mais déjà, pour pisser dans son ascenseur, son propre ascenseur, faut être pas loin de l'animal. Non, mais je pissais pas dedans, tu vois. Je pissais dans, tu sais, quand la porte là où elle se ferme, et tu sais, quand ça monte, je pissais, tu sais, dans le trou là. Ah, là. Dans la fente, là. Ouais, dans la fente. Comme ça, ça t'aille quand même. Ah, t'es un sale. Après, j'avoue, se couvrir la porte d'en dessous, il devait être bien dégoûté. Ah, ouais. Bon, et vos méthodes? Ah, ouais. C'est le mec qui vient faire, tu sais, le contrôle de l'ascenseur. Il est obligé d'aller en voir en bas, parce qu'il y a rien. Il rentre, ça pue la pisse. Et où? Et c'est moi. Non, mais pas que moi, gros. Et le témoignage d'une voisine de Cédric qui est en ligne avec nous. Voilà. Qui nous a appelé pour témoigner des problèmes de voisinage. Je salue d'ailleurs tous ceux qui. Je peux pas lire tous vos messages, mais merci beaucoup. Moi, je leur dirai moins de bruit quand tu baises ou alors je participe. Allô. Ça, c'était le message de Chris du 13. Oui, on vous entend. Oui, allô, bonsoir. Ah, ça marche bien. Voilà. Alors. Oui, allô. Ah, voilà. Ah, ça y est, je suis au téléphone. Bonsoir, madame. Bonsoir, c'est madame, oui. Bonsoir, madame. Je préfère garder l'animal plus complet. Bon, t'as une voix qui me dit quelque chose, mais enfin bon. Je suis une des voisines de Cédric. Oui. Oh, mais ça pue. Ah, c'est des problèmes d'odeur. Ah, c'est pas vrai. Ouais, j'en ai eu des problèmes d'odeur. Hein. Et j'entends ces bruits de paix la nuit. Ah, oui, mais ça, il peut pas contrôler son animal. Il en fait grincer son lit. Voilà. Il fait... Eh oui. Eh oui. Ça... Cédric, change tes ressorts de ton lit. Non, non, mais ils sont tout neufs. Attends, t'es sérieux, quoi. Ça pue le pet, c'est pas... Ah, bah, ça fait ça, ça fait. Ah, voilà, l'autre soir, je me suis réveillé en cours. J'ai l'enregistrement. Ou... Ah, attends, je me suis réveillé en sursaut. Appuyez sur play, monsieur Difool. Eh ben voilà. Ah oui, quand même. Non, mais la semaine dernière, je me suis réveillé en sursaut, j'ai fait un P. Tu t'es réveillé en sursaut. Tu te réveilles avec tes propres pets. Ah, non, non, tu sais, je me suis réveillé, j'avais mal au ventre. Non, mais t'es aussi con que les chiens qui, quand ils pètent, ils croient qu'il y a quelqu'un derrière eux. Tu sais, ça t'est jamais arrivé, tu sais, quand tu lâches une caisse, tu sens qu'il faut que tu serres les fesses, sinon ça va partir en mode. Non. Ah, moi, ça m'est déjà. Bah, en plein milieu de la nuit, non. À deux secondes après, à moins que j'ai une gastro. À moins que j'ai une gastro. Donc, dans ce cas-là, je ne pète pas. Ah, mais moi, la gastro, elle arrive. Non, mais il faut être taré. Non, mais il faut être suicidaire. Quand t'as une gastro et que tu as envie de péter, il faut surtout pas péter. Mais je savais pas que j'avais. Parce que là, c'est trace de pneu assuré. À ce moment-là que c'est tombé. J'ai serré les fesses. Oh là, c'est tombé dans mon ben. Donc, en fait, il s'est chié dessus. Il vient de le dire. Non, non. Oh là, c'est tombé dans mes fesses. Oh là, c'est tombé dans mon ben. Non, non, non, c'est pas tombé. Mais je peux te dire que j'ai bien fait d'aller aux chiottes à ce moment-là. Bon, on salue la fête. Là, tu dois avoir un trou du cul, mais. On se parle, toi, de trou du cul. Merci, pardon, Moshita. Merci, madame, plutôt d'avoir appelé. Oui, c'était pas Moshita. Oui, jour, hein. Ah bien, je déménage cet été. Ah, sinon la seule solution, c'est le masque. Quel bonheur de déménager. Non, moi, je m'entends bien avec mes voisins. Ah là, bah écoute. Écoutez, eux, ils t'entendent bien aussi. Hein. Ah ouais, c'est clair, on t'entend bien. Ah, ils t'entendent fort, voilà. Bon, allez, bon, allô, cas, je suis de la team Romano. Hein. Ah bon, on va faire le clash tout de suite, c'est parti, on y va. C'est bientôt fini pour le match de foot. Allez. Dans 1 minute 30, l'Angleterre se fait sortir par l'Islande. Eh ouais. T'imagines ? On va suivre les dernières secondes en direct pour le match de foot. On remercie Romain de la police qu'on a perdu, mais on te remercie. Ah bah, il est revenu. Romain de la police, attention, allô la police, enfin ex-police. Bah, merci du témoignage, Romain. Sympa d'avoir merci appelé. Romain. On va t'envoyer le t-shirt Skyrock, t'as les remerciements de Soso. T-shirt Skyrock aussi Soso. Essaye de les enregistrer si on peut les diffuser à l'antenne, ça pourrait être marrant. Et sinon, n'hésite pas à nous donner la suite de l'histoire. Tu sais qu'on a le feuilleton des voisins de Romano, les nouveaux voisins de Romano, à écouter tout l'été. Non, mais la suite des aventures demain. Ouais, et donc on peut avoir aussi ton feuilleton avec tes voisins qui baisent, ça marche. Hein. Ah ouais. Je peux faire une petite dédicace. Oui, petite dédicace, et vous avez des problèmes de voisins, on peut en reparler avant minuit, on est là encore pendant 1h10, donc profitez. Hein. Et petite dédicace avant le clash, là, c'est parti. Ah, déjà, petite dédicace à tous les Brestois. Salut la Bretagne. Ouais. Salut Brestois en force. et aussi mon cousin qui est un groupe de rap, là, la Katsukik sur Brest. La Katsukik. La Katsukik. Ouais. La Katsukik sur Brest. Franchement, ouais, ça pète, les gars, si vous pouvez écouter un de ces quatre. Allez voir la Katsukik. Amélie qui nous dit moi, le lit tape non-stop dans le mur quand ils ont des rapports. Mes voisins, on les entend gémir. Ils font ça partout, même dans le jardin. C'est sympa. Au moins, t'entends pas le lit dans le jardin. Ah, mais c'est peut-être ils sont revivres. Bisous, Amélie. Exibes, hein. Ouais, peut-être qu'ils sont exibles. Ouais, bon, il a failli y avoir une égalisation de l'Angleterre à 7 secondes de la fin du match. Ah là là, 2 centimètres du poteau. On se branche sur Bean. Là, on revoit le centre de Sturridge. Dernière seconde du match et après le grand match, le clash de la drague, Cédric et Romano vont tout donner. Et je pense que là, c'est la dernière action. Hein. Ouais, dernière action pour les Anglais. Ah oui, mais il siffle quand le ballon sort de la surface. Il va dernière chance pour égaliser. Il loupe sa tête. C'est fini. L'Islande se qualifie. Eh bah, dites donc. Ah là, ça va faire parler. Quels Anglais. Mes amis, mais quel euro. Ah, je prends une bière pour eux, tiens. Et les Anglais. Quel euro. Marie, les Anglais auraient gagné, elle aurait pris une bière aussi. Oui, aussi. Elle aurait pris une bière pour les Islandais. Allez, à la victoire, à la victoire. Et là, j'ai envie de dire, les Anglais exit. Voilà. Sorti. Non, c'est Brexit. Ouais, c'est non, mais oui, mais Marie, là, c'est pas pareil. Là. Les deux, ils comprennent. Il a foiré son slogan, Cédric. Ouais, c'est ça. Non, il fallait dire Brexit. Non, mais justement, je devais pas dire ça. Ouais, d'accord. On y arrive. Bon. Ah, y'a pas de blague, alors. Ah, t'es super, la blague. Karim, tu le prends pour ton Karim Comedy Club. Ah, bah, ils sont allongés sur le terrain, là. Les Anglais sont abattus. Et dans la presse en Angleterre, comment ils vont se faire défoncer, les joueurs. Ah, bah, grave. Putain, là, c'est. Quelle belle période pour l'Angleterre, hein. Depuis vendredi dernier, c'est super. La totale, le doublé, là. Ah, ils ont le doublé, là. Y'a plus d'Anglais à l'Euro, c'est l'Islande. Qui continue. Et en plus, Qui sera contre nous. Et qui va jouer contre la France dimanche prochain, après-midi. On verra pas Wayne Rooney. Attention, l'Islande. Attention. On verra pas Wayne Rooney. Attends, sorti l'Angleterre quand même. Mais les gars, ça fait 2 ans qu'ils préparent ces 7 euros. Les mecs, ils sont. Bah, tu nous l'avais dit, ouais. Oui, c'est vrai qu'en Islande, t'as pas non plus. Ah, bah ouais, depuis 2 ans, les mecs sont réguliers. Tu peux aller voir des volcans aussi. Ouais, c'est pas mal, des geysers aussi. Ouais, des geysers. Mais c'est beau là-bas. Oui, c'est joli. Mais quand tu habites depuis tout le temps, peut-être au bout d'un moment, t'as Bon, il y en a quelques-uns qui jouent quand même dans d'autres pays d'Europe. Ils habitent pas tous en Islande. Puis ils voient pas trop le soleil. En tout cas, bravo les Islandais. On fait donc un beau 2-1 pour les Islandais, comme bravo, nous hier. Bravo l'Islande. Bien joué. But de Son et de Son. C'est ça. Bravo les deux Son et but de Rooney sur pénalty. C'est pas le pareil. Ouais, la troisième, quatrième minute, il met ça. Troisième minute, ouais. Donc on va dire la quatrième minute. Moi, je l'avais vu à la troisième, mais enfin bon. Troisième, la faute. Quatrième, il a marqué le pénalty. C'est ça, voilà, c'est bien ça. Et l'Angleterre éliminée, bah, c'est la première fois qu'un pays quitte l'euro en deux fois en une semaine. Ah bah, il voulait quitter l'Europe. Et ben, il quitte l'euro. C'est le moment des calembours. Il va en avoir. Le Karim Comedy Club, si t'en as d'autres, n'hésite pas. Hein. T'inquiète. À n'importe quel moment, tu peux intervenir. Bon, bravo les Islandais. Désolé pour nos amis anglais. Et donc la France contre l'Islande. Bah, ça devrait passer. On a de la chance. Hein. C'est clair que là on est cocu nous. Ouais. Putain, ouais, on a une chance. Ouais, c'est clair, ouais. C'est ouf quoi. Bon, on va pas se plaindre. Attends. Non, bah, moi j'aime bien avoir de la chance. C'est le jeu. En demi, tu frappes l'Allemagne ou l'Italie, t'auras un peu moins de chance. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, parce qu'il faut faire des expressions à la con. Ouais, j'adore. Le jeu, ma pauvre Minette. Non, Lucette. Ah, voilà, Minette. Minette. Bon, dans un instant, on va voyager avec Tristan qui nous appelle. D'ailleurs, si vous voulez nous appeler, passer en direct dans l'émission, on est en direct, hein, je le dis. 22h50. Trois quasiment. Oui, c'est vrai. Ça veut dire vous le savez aussi parce qu'on commente le match. Donc vous voulez vous dire oui, c'est du direct quand même. Il est en famille à la campagne avec le cousin et tout ça. Il a été envoyé en vacances. Ça y est, Tristan est envoyé en vacances. Bon, on va retrouver Tristan en famille à la campagne dans un instant. Med. Bonjour à Emeric, il y a un con qui faisait du piano tous les dimanches vers chez lui, il n'en pouvait plus. Putain, moi j'ai eu la même chose, là par contre on était allé voir avec les autres voisins, on leur avait dit ça c'est pas possible. Ah non mais moi c'est ça, moi j'ai ça, tu sais ça joue mais... Ça joue mal, fou, oui, mais mal. Très mal, tu sais les trucs... Bon, on fera le journal des Bleus, de l'Euro, de la Radio Libre, de Skyrock avant minuit et... Il y a beaucoup de choses à dire. J'espère. Et tout de suite, c'est parti, voici le clash de la drague de ce lundi. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Bon, avant de clasher les familles, quelles sont vos méthodes à tous les deux? Les deux meilleurs séducteurs du monde sont évidemment Cédric et Romano. Je les présente pour les nouveaux qui nous rejoignent tous les soirs. Bonsoir mes amours, il faut voter Romano ici. Ouais, bien sûr, c'est ça, allez voter Cédric tout à l'heure. L'amour. Moi ce soir, j'ai une méthode totalement inédite, une méthode marseillaise. Oh là. Eh ouais. Marseillaise. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors ce soir, je vais faire la méthode de la bouillave baise. Je suis marseillais. La bouillave baise, mais je décidément, c'est la folie de l'humour. Ça me met mal à l'aise. Pourquoi t'es mal à l'aise, Romano? Dans ma bouillave baise, il manque un ingrédient, c'est la chatte de la femme. La bouillave baise. Pour la bouillabaisse, hein, j'explique pour ceux qui n'ont pas compris la blague très drôle de Cédric. Ça, ça m'édite. Le plat marseillais, moi aussi. Bouillave baise. Ça reste pour en dehors de ça. Tu vas parler avec l'accent marseillais, c'est vrai? Non. Si, il faut. Non, mais fais la bonjour. Je m'appelle Cédric Kang. Ah non, mais là, c'est plus les poils que je vais avoir dressés, c'est la peau qui va. Alors, la méthode de la bouillave baise pour. Bah, tiens, moi, j'ai fait un truc et au moins, classique. Non, mais au moins, c'est original, ça. Ah, bah oui. Il y a de l'originalité, Romano, quand même, dis-le. Non, mais c'est à chier. C'est original. C'est... Non, mais même toi, tu penses que c'est à chier. Pas du tout, je suis l'arbitre, j'ai rien le droit de dire. Ça se voit, ta gueule. Mais et on me voit pas la radio, donc je peux faire la gueule que je veux, Romano. Donc, non, mais qui aime bien? Super. Bon, ouais, je trouve ça. Si, elle est Darka, gros. Ah, Darka. Non, mais pas dans son truc, dans ton truc. Non, mais celle-là, attends. Sinon, moi, sinon, je quitte mon carré VIP. Moi, j'ai pas compris la méthode de la soupe de poisson, là. C'est quoi cette méthode exactement? C'est le recette de cuisine, t'inquiète. Très bien. Bon, moi, c'est plus simple. C'est nouveau dans l'émission pour l'été? Non, pas du tout. Bon. Je suis descendu dans le sud ce week-end à me faire bronzer dans un camp naturiste au Cap d'Agde. Et j'ai chopé Tu as chopé quoi? Un coup de soleil sur la bite. Et il faudrait me la sucer pour me soulager un peu la douleur. Ouais, pas mal. Et oui, la bite. Et me la ou la fourrer dans un cul ou une chatte. Hein. Très bien. Eh bien, c'est parti pour le clash. Dans un instant, juste après le son de SCH, on les lance dans l'arène. Ah, j'adore ça, moi. On rencontre avec les familles. T'adores SCH, moi aussi. C'est pour ça qu'on le met, d'ailleurs. On se fait plaisir aussi. SCH, je la connais sur Sky. Toute cette semaine, on redécouvre le meilleur du escroc. Et jamais de la vie. De SCH. Sur Skyrock, ça fait. De Jules. Jules sur Skyrock. Et de MHD dans Planète Rap. Une semaine pour revivre les meilleurs moments avec les têtes d'affiche du rap français. Tous les soirs dans Planète Rap, 20h-21h avec Fred sur Skyrock. Ça s'écoute et ça se regarde. Planète Rap avec Fred Philichouké. Planète Rap, l'émission rap numéro 1 en France. Planète Rap. Profitez-en. Cette semaine, les haricots coûtent à 2,10€ le kilo seulement. Et pour 1 kilo acheté, le deuxième. Taisez-vous. Vous êtes sur ma fréquence. Conjuring 2, le Kainfield, le retour du film d'horreur le plus marquant de la décennie. La voix sur cet enregistrement est celle d'une petite fille de 11 ans. Les Warren sont de retour et devront affronter le cas le plus traumatisant de leur carrière. Conjuring 2, le Kainfield, le 29 juin au cinéma.

tu fais me faire cramer. Et Karim. T'inquiète pas, man, tu vas te poêler. Difool Radio Libre tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Ah oui, on est là pour ça aussi tous les soirs. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil, à débarquer ici. Ouais, en direct ouais. Sur Skyrock. Toute l'équipe est là, toute l'équipe vous attend. Et tiens, encore des messages pour les voisins. C'est dingue le problème qu'on peut avoir avec des voisins. Je voulais faire une grosse bise à C.S.E. qui nous a laissé un message et qui nous dit que elle, c'est elle qui faisait trop de bruit quand elle faisait l'amour avec avec son mec et qui a eu des problèmes avec les voisins. Ils sont venus nous voir. Après, on faisait attention. Non, mais c'est vrai que des fois, tu te rends pas compte. Hein. Il me mettait la tête sous l'oreiller. Lol. Ah oui, bah, il n'y a pas le choix. Faut t'étouffer. Faut t'étouffer, ouais. Il y a Jessica qui nous dit, mets-leur un mot dans la boîte aux lettres. C'est ce qui revient le plus souvent, la boîte aux lettres, hein. Ou alors d'aller les voir directement ou d'appeler les keufs. C'est les trois solutions que vous avez trouvées. Mes voisins bruyants qui j'ai fait pour ça pour mes voisins bruyants qui gueulaient salope avant de jouir. Salope! Salope! Ouais, salope. Oh, le truc sympa. À la limite, c'est ce que tu attendais, le fait qu'ils disent salope, comme ça tu savais que ça allait se finir. Ah bah là, t'as des voisins comme ça, tu souhaites que le mec soit précoce, hein. Salope! Là, c'était bientôt, tu peux dormir. Et il y a Jordan Peps qui nous dit, tu tapes au plafond avec ton balai, ils vont arrêter, ça va casser la... Ouais, ça mais ça nique ton plafond, ça. Ah oui, c'est vrai que t'as un toc des plafonds, maintenant, en plus des murs. Ah ouais. C'est bah vrai, non, mais ça laisse des traces. Eh si. Un connard du dessus faisait une teuf toute la nuit jusqu'à 5h du matin, je suis allé les voir. Le lendemain, j'ai mis la colonne de basse à fond le matin pour les réveiller. Je peux te dire que chez moi, ça aurait pas duré jusqu'à 5 heures. Du matin, non. On m'appelle le casseur d'ambiance dans mon immeuble. Qu'il est con. Quand l'ambiance est à son maximum, et bam. Il arrive, bam. J'arrête tout. Il arrive où il amène les cœurs. Je recouvre la chic. Ah non, mais moi, non, mais quelque part, ça me fait rire. Parce que si le mec, je te dis, il veut jouer, il joue pas longtemps. Vivement demain la suite des problèmes de voisinage. Ah non, mais pour un peu le ça va très bien se passer. Le feuilleton de l'été a démarré ce soir, j'étais même pas au courant. Non, mais ça va peut-être très bien se passer. Enregistre-les. Non, mais c'est ce que je souhaite, moi, que ça se casse pas. Et sinon, si tu veux le faire sympa, tu fais comme Clément, là, qui nous dit tu lui donnes un rouleau de scotch et tu lui dis de le mettre sur la bouche pour qu'elle arrête de crier comme une truie la nuit. Quand ils font l'amour. Et il y a aussi Ellie, tu mets un torchon au bout du balai, ça n'est pas strass et ça résonne bien. Bonne combine, je vais essayer ce soir. C'est bien, il y a des spécialistes. Ouais. L'autre, en pleine nuit, c'est moi qui vais les faire chier. Je vais arriver, je vais donner des coups le de balai. Ouais, c'est bien de finir l'émission tard. Hein ouais, non, mais c'est bien. Et... Bon, alors, on n'est pas en vacances encore, là. Il y a Flynn qui nous laisse. Ah bah non, il est 23h04, il est là. Big up là. Flynn. Donc, la victoire de l'Islande, enfin, c'est vrai, même moi, j'y crois pas. La victoire de l'Islande face à l'Angleterre, c'est l'Islande qu'on rencontrera en quart de finale. Dimanche 21h au Stade de France. C'est 21h? Ouais. Je crois que c'est 14h. Non, dimanche 21h au Stade de France. D'accord. Donc, dimanche prochain, on suivra le match. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Yes. D'ici là, dit la fin. Mais il n'y a pas une autre fois où on joue à 15h parce que justement, j'ai vu dans Téléfoot dimanche. Non, fini, c'est tout le temps 21h jusqu'à la finale, si tu vas en finale, là, je crois. Ah ouais? Dire ça, je vais vérifier tout de suite. Non, c'est ça, ouais. 21h à chaque fois. Ah ouais. Et Stade de France jusqu'à la fin. Ah, j'ai mal compris. Parce que la demi potentielle serait au Stade de France pour la France aussi. La demi. Ah non, non, non, non, les demi, Marseille, c'est Lyon Marseille. Et Marseille. Marseille, ouais, ouais. Samy, tu as pris la succession de Momo avec brio, je trouve. Ça va, les gars. Il y a régulièrement plein d'infos fausses. Je me suis corrigé tout de suite. Non, qu'est-ce que plein d'infos fausses? Tout à l'heure sur l'Angleterre. Oui, c'est vrai. C'est qu'ils sont fait éliminer. Et tu bats même Momo, t'as déjà dit. Deux infos fausses dans la soirée. J'ai dit l'Islande, ils ont fait les premiers de leur groupe. Comme l'Angleterre. Là où. Là où Samy, tu es très fort, c'est au niveau des pronostics. En général, ils sont tous forts. Ah ouais. Non, il faudrait calculer. Oh, ce week-end, j'ai eu 3 scores exacts, les gars. J'avais trouvé le 1 partout. C'est dingue, on n'a pas d'émission le week-end. C'est peut-être pour ouais, ça. Ouais, mais en bon, fait, moi, j'ai joué. Tu m'étonnes qu'aujourd'hui, fasse un temps de merde chez nous. Là, j'ai trouvé 3 bons scores. Bon, ce soir, je m'étais planté, j'avais dit 1 partout et victoire des Anglais au péno. Bon, bah, ils ont perdu. Dommage. Bon, on fait le clash et juste après, on trouve Tristan en direct. Et puis vous tous, jusqu'à minuit, hein, vous nous appelez. Cédric. Pour réagir à tout ce qui se passe dans l'émission, etc. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce message sur un jour? Sopra toujours. Romano Cédric a tweeté la machine en marche. Aïe! Allez! N'importe quoi, c'est parti. J'ai mis se préparer les votes ce soir pour la team. La machine active, en marche, oui. Non, on active la machine, c'est tout. La machine, c'est la team Le Belge, quoi. Non, mais l'arbitre. Ouais. Arrête d'être parano, quoi. Non, mais c'est grave. L'arbitre surveille, t'inquiète. Ah bah c'est là où je suis plus inquiet. Tu dis ça, monsieur l'arbitre, mais. Mais ne sois pas parano, gros. Allez, c'est parti. Historique. Non mais je vais te baiser moi, mais ça va être à la loyale. Parce que ce soir la team Romano le ken comme il faut, quoi. Vous allez nous faire un clash historique, on va voir tout de suite. Ah ouais. C'est parti. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Ouais. Et Cédric, la blague que tu voulais faire, elle nous a été envoyée au moins, je sais pas, 50 fois depuis tout à l'heure. Elle traîne sur Twitter actuellement. Laquelle? C'est Brexit pour les Anglais, c'est ça que tu voulais ouais, dire? Ouais, oui, mais oui, non, mais justement, je vais changer le mot parce que Brexit, c'est classique, tu vois, c'était créé. Ah, t'as voulu faire une nouvelle blague. T'aurais dû faire dans le classique, tu vois. Ouais, parce qu'elle était claquée. J'ai devancé tout le monde. Oui, plutôt que claquer, fais classique la prochaine fois. C'est mieux. Alors Romano, ta méthode, je la rappelle, c'est la méthode du coup de soleil sur le sexe parce que tu es devenu naturiste cet été. Bah là, j'ai fait un peu de naturisme ce week-end au Cap d'Agde. Oui, parce qu'au bord de la Seine, c'était pas ça. Non, et puis j'ai pas envie de me faire arrêter non plus. Non plus. Et Cédric, toi, tu as inventé. Alors attention, je te laisse l'annoncer parce que je ne comprends pas. Parce que Difool n'assume plus. Ta gueule, Marie. Non, mais moi, je fais une soirée à thème, une soirée marseillaise, la soirée bouillave-baise. Alors Marie me propose, on peut pas échanger les méthodes. Elle me montre un papier. Daisy échange les méthodes. La méthode bouillave baise. Mais je pense que tu peux être bon même avec la méthode de Cédric. Merci Marie. Arrive la suceuse. C'est ça. Elle me suce. C'était avant de me faire insulter en fait. Elle me suce la bite les comme jamais. C'est un truc de ouf. Ah ouais bah que sucer comme jamais. Que dalle, que dalle. C'est abusé. On y va. Allez vas-y utilise. Allez vas-y. Claquer. C'est parti. Écoutez bien. Clash en nocturne, puisqu'il est quand même 23h07. Allez, on y va, chez Brian. Tout à l'heure, on a fait un beau double appel, c'est sympa. Allô. Si vous êtes bon pour le clash. Allô. Ouais, Brian. Ouais. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Brian, are you in the kitchen? C'est qui? C'est un ami à moi, c'est un anglais là, il est en mode défaite là par rapport au match. Je t'appelais, je suis un de tes voisins là, j'organise une soirée à thème dans la semaine là, j'ai un pote à moi à Marseille qui vient chez moi. À thème Benarfa ? Non, à thème tout court. Pour le foot. J'ai un pote à moi à Marseille qui vient à la maison et on voulait organiser une soirée bouillave baise. Ouais. Mais il manque un ingrédient, il manque une chatte, donc je pensais à la chatte de ta femme. Oh, elle est dispo pour demain soir ou pour ce soir ? Ouais. C'est qui ? Je t'ai dit, c'est un de tes voisins, c'est Michel. Oui. Bon, je peux venir à la maison histoire de voir ta femme. C'est quoi cette connerie là? Non, c'est pas une connerie, je te jure. On organise une soirée, bouillave baise, et puis on voulait s'occuper un petit peu de ta femme, tu vois. Ah, mais... Oh, c'est la radio. Non, c'est pas la radio, attends. Eh ben, je crois que c'est la radio. Allô? Je vais arrêter avec les bruitages, toi. Bonjour! Qu'est-ce que tu me balances des bruitages de n'importe où, toi? Bonjour, t'as metté au bidigu. Ouais, c'est ça, bidigu. De fait gong. Raccroche, je porte une réclamation. Ça y est. Il y a réclamation là. Pourquoi je raccroche? Ah, raccroche, allez, vas-y. Comment il s'appelle? Il s'appelait Brian. Brian. In the kitchen, allez, vas-y. Brian, raccroche. Bon, on te remercie, Brian, c'était Skyrock. C'est Brian de Nice. Non, ouais, c'est ça. Ça ouais. C'est un truc comme ça, ouais. Excuse-nous, Brian est con, oui, je sais, oui. Ah, c'est Brian de Nice. Non, mais c'est Cédric. Il est trop drôle. Il essayait de te draguer ce soir. Ça a bien marché. Et a priori, ça n'a pas marché. Non, mais l'autre, tu décroches, tu fais une blague, l'autre, Brian, de la kitchen. Ah, non, l'autre, tu balances des bruitages. Les gars, je t'écoute tous les matins, donc c'est normal. Ah, voilà, c'est bien. Eh oui, mais le matin, tu n'as pas le clash de la drague. T'as le réveil de star, t'as les conseils pas chers, mais tu n'as pas le clash. Eh ben écoute, tu y as participé ce soir. Bah vote Romano pour la peine. On voulait t'avoir le soir aussi, de t'avoir que le matin, c'était pas assez. Tu nous manquais déjà. Bon, on va t'envoyer un t-shirt Skyrock, raccroche pas Brian. Ouais, ça marche. Quelques leur prend Brian. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Bon, réclamation là sur mon appel. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, l'autre il décroche, tu parles en anglais. Mais je parlerai en anglais pour Romano, t'inquiète. L'autre il balance des bruitages n'importe je quoi. Je mettrai des bruitages pour Romano. Non, mais vas-y. Je mettrai le petit bruitage que tu as eu à nombreuses reprises là. Pour toutes les blagues. Non, c'est moi qui vais le mettre. Attends, je vais mettre. Non, mais tu ne mets rien à côté de moi, tu sens mauvais. Non, mais tu sens la like. Non, mais sors-toi. Non, mais je veux le mettre. Non, merci, Cédric. Mais si, je veux le mettre. Tu sens mauvais. Mais laisse-moi le mettre. La tête que fait Difool. Bon, et en plus, je me suis démonté l'épaule. Ouais, en plus. C'est pas de ma faute, gros. Ouais, c'est pas de ta faute. Pour la tantinite de Difool, on votre Romano. Merci. La faute qui chante. La tantinite. Ouais, c'est ça. Bon, alors, on sonne chez. Chez Daniel. Daniel. C'est parti chez Daniel. Alors, je vais faire Hello, you are Daniel, et puis on sera tranquille. Voilà, Daniel in the kitchen. Voilà, sinon l'autre, il va faire une crise de merde. Hello, Daniel, is in the kitchen. Allô, Daniel. Oui. Oui, bonsoir. Ah, ça, c'est la femme à Daniel. Oui. Eh, il est là, le Danny. Oui, mais qui c'est qui est là, pareil? Eh, ben, c'est Johnny. Ah oui, c'est un connard. Ah oui, c'est comment? Lui. Oui, c'est moi, le connard, ouais. Un sacré connard, tiens, mets le bouton. Allô? C'est parti. T'as accroché à la gueule. Ah, bah, j'ai le connard. Vas-y, bah, je prends un rappel. C'est pas ta belle-mère qu'on a appelé. Mais Cédric. Non, peut-être. C'est ta belle-mère. La belle-mère gothique. Attends, je sais pas si je rappelle, en fait. Tu faisais connard. Ah, t'as voulu un rappel. Ouais, vas-y, je le prends. Rappel, il prend le rappel. Et les bruitages, du fou. Il est courageux, je prends le rappel parce que j'en ai dans le ben. Ouais. Ça rime pas, ben à elle. Mais t'es pété, toi, la soirée. Alors, et tu trouves qu'on m'a pété? Ah bah ouais. Mais autant ah, que t'as fait quoi? Autant que la méthode de ah la bouillie. Vous avez parlé sur mon appel, balancer des bruitages. Ah, vas-y, c'est bon. Bah là, tu sais, je veux bien balancer. Je veux pas attendre de parler, moi. Moi, je. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Là, je mets des bruitages. Ah non, mais attends. Pas ça, tu j'ai niqué un rappel. T'as niqué un rappel. Désolé. Hop là, on passe au deuxième tour. C'est parti. Allez, on va chez qui? Bon, allez, vas-y, on se tait parce que sinon on il va chez Didier. Après. Didier. Allez, c'est parti. Chez Didier. Hop là. Allez, le Belge. Il y a Mathieu du 51 qui te soutient, Cédric. Donne Marie a changé de camp, là. Merci, mon pote. Ah non, mais il n'y a pas de camp, hein. Il n'y a pas de camp, je suis bourré. Ah non, mais il n'y a pas de camp, c'est Romano, celui qui fait le mieux. Hein. Allez, l'Islande. Eh, allô, Didier. Ouais, Didier, comment ça va? Allô? Ça oui. Ouais, tu dormais? Ouais. Ah, je suis désolé de te réveiller, mon pote. Je t'appelais, j'ai besoin de ta femme, elle est à la maison, soir ou pas? Allô? Attends, c'est qui? C'est Michel, un voisin, là. J'organise une soirée à thème, là, dans la semaine. On va faire une soirée spéciale marseillaise, on va faire une soirée bouillave-baise. Et du coup, je voulais savoir si ta femme a été dispo. C'est quoi cette connerie? Bah, une bonne bouillave, une bonne baise, quoi. On va s'occuper de ta femme. J'ai un pote à moi à Marseille qui monte à la maison, là. Ouais, c'est cool, c'est super sympa, ça c'est sympa. Ah ouais? Bah, du coup, je voulais venir à la maison histoire de voir si elle était chaude. Ouais, c'est sympa, ça. Ça peut être cool. Je peux venir dans 5 minutes si tu veux. Dans 5 minutes, même 10 minutes si tu veux, même. Bah, le temps que je me prépare, ouais, 5-10 minutes, j'arrive à la maison. Et puis, bah, je chauffe un petit peu ta femme et je vois si je peux la bouillaver, la baiser en même temps, quoi. Mm-hmm. Je m'occupe d'elle bien comme il faut, quoi. Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Bah, on m'avait dit que t'étais un mec cool, toi. Eh bien, écoute, nickel, j'arrive, je vais niquer ta femme et puis bah, après, elle sera prête pour la soirée, quoi. Ouais, super, ouais. Tu voudras participer? Je sais pas, je vais voir, je réfléchis. Bon, bah, prépare tes petites fesses au cas où et puis, bah, dans le cas où si t'es chaud, bah, je te ferai l'amour à toi aussi, je te prendrai à quatre pattes. Ok, nickel. À tout de suite, mon amour. Ouais. Bisous, à tout de suite. C'est vu, on n'a rien dit, hein. Et voilà. Hein, on n'a rien dit. Et hein. Voilà, mon pote. C'est un peu chiant, mais on a rien dit. T'as vu, regarde, moi je vais baiser Didier, tranquille. C'est bon, tu peux raccrocher. Et il est toujours là. Hein. Ah bah c'est bon, tu peux raccrocher. Ah bah pour moi je raccroche pas, par contre tu vas me reprocher d'avoir raccroché. Tu raccroches. Non mais c'est vrai, moi je ne raccroche pas parce que tu vas me reprocher d'avoir raccroché. Voilà. Tu vois, bizarrement, tu parles pas sur mon appel ou tu balances pas de bruitage. Eh ben regarde, Didier, je vais niquer sa femme. Et tu crois pas qu'il t'a pris pour un con, nous demande Hakim sur SMS. Ah mais si, moi je te confirme que si. Ça c'est le petit message. Et Cédric, tu crois pas qu'il t'a pris pour un con? Non, du tout, du tout. Bon. Très bien. Et là, tu dis pas par exemple le message de QV. Je ne dis plus rien maintenant. Je laisse QV DVC qui dit bravo Cédric. QV DVC nous écoute. Et voilà. Eh ben, il est pas rancunier. Merci. Romano, à toi. Merci Victorien aussi. Merci les autres. Voilà. C'est Gilles. Préparez les votes. C'est Gilou. Gilou, et donc tu as toujours ton coup de soleil au zizi. Ouais, ouais. Il faudra pas beaucoup de biafine pour ton zizi. Il y a quelqu'un qui a fait cette petite blague tout à l'heure qui m'a fait beaucoup rire. Je sais plus qui l'a envoyé, mais elle était sympa. C'est Gilles. Oui, allô? Oui, Gilles, tu vas bien? Je sais pas, j'arrive pas à reconnaître la voix. Ah, bah, c'est Jean-Louis, là, à l'appareil, un copain de ta femme. Jean-Louis. Ouais. Dis voir, j'ai un petit souci, là, ce week-end, là, j'ai été faire un petit week-end au Cap d'Agde, sur la baie des Cochons. Et j'ai pris un coup de soleil sur le sexe. Éventuellement, est-ce que ta femme pourrait me le sucer, ou peut-être passer un peu de crème dessus? Allô? Le sexe. Sur la bite. Gilles. Le zizi. Gilou. Le zizi, il est tout grillé. Gilou, il est tout grillé comme une merguez. On dirait une merguez qui est restée trop longtemps au barbecue. Gilou, parle. Moi, j'arrive dans 5 minutes, Gilles. J'en ai marre, Gilles. Je suis pas sûr que t'ailles chez lui, là. Voilà, je reste à la porte, là, si j'y vais surtout. Gilles. Putain, ça m'énerve. C'était Gilles. Ça. Toi, j'ai mis un bruitage, t'as entendu? Putain, le bruitage. Et là, Gilles. Tu dis pas, c'était chiant. Non, mais je dis ça pour Cédric. Gilles. Gilou. Bah, tu dis, mais le bruitage quand il parle pas. Le ouais, mec, voilà. Toi, tu parles, il se barre, toi. Voilà, bah, là, il est parti. T'as bien fait de parler, Cédric. Si tu fous, il met les bruitages. Ça a raccourci un petit peu l'appel. Putain, mais et là, tu dis pas, c'était chiant. Le sélectionneur de l'Angleterre a démissionné. Roy Hodgson. Ah, bah voilà, ça a été direct. Il s'est fait virer, toi. C'est fini. Il est parti avant de se faire virer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tu dis pas, c'était chiant, c'était mou, machin. Putain, moi j'en ai plein. Oh, non, c'était court, moi. Bon, allez, vas-y, moi je vais prendre un troisième tour, du coup. Est-ce qu'on les appelle pour un troisième tour, mais rapide, ouais, ouais. Alors. C'est lui qui décide maintenant. Attends, t'en veux un ou pas, toi? Moi je te dis, j'en veux un. Moi je suis bien comme ça. Ça sonne. Bah, prends-le pas, je le prends pas. Ah non, je le prends. Attends. Bah, il faudrait savoir. Je vais te laisser un tour de plus, mais t'es malade. Bah, pourquoi t'es en panique? Bah, s'il y a trois tours, c'est chacun prend un appel. T'es en panique, c'est quoi un troisième tour? Il est en panique, je suis ça va, moi j'ai. Ah là là. Allô. Pourquoi ça fait ça? Il y a un truc chez nous là. Allô Georges. Non mais il y a un truc chez nous là. Ah bah ouais, bah alors moi je demande qu'on fasse le clash depuis le début. Non. Allô. Alors Cédric Orfait. Je crois qu'il est en panique le mec. Alain. Oui, allô. Allô Alain, bonsoir, comment ça va? Oui, allô. Ça va, oui. Ah bah nickel, ça va. Dis-moi, je t'appelle là parce que j'organise une soirée là demain soir. Oui. J'ai un pote à moi là qui vient de Marseille, on voulait faire une petite soirée à thème. Oui. On va faire une soirée bouillave baise. histoire de, tu sais, faire bouillabaisse, bouillabaisse, tout ça. Et en fait, il nous manque un petit ingrédient, il nous manque une chatte. Je voulais savoir si t'avais pas une chatte à la maison disponible. Ah non, non. T'as pas une femme? Hein? Ou sinon, on va prendre ton anus, hein. T'es délicat un peu dans tes propos. Ah, t'as remarqué. Oh, écoute, moi, je suis plutôt franco comme mec, tu vois. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir à la maison. C'est un peu Hitler aussi. Non, du tout, non, ça c'est pour toi, Difool, je te laisserai. Allô? Allô? Oui, oui. Voilà, excuse-moi, c'est un ami à moi qui fait des blagues un peu pétées. Oui. Je voulais passer à la maison ce soir. Je peux passer? Bah, je sais pas, là. Tu sais pas quoi? Tu sais pas quoi? Bah, je sais pas, est-ce que tu ne te serais pas trompé de numéro? Ah non, non, non, non, moi je voulais aller chez Alain. Mais lequel? Ah ben c'est toi, je vais venir à la maison puis je vais m'occuper de tes fesses. Comme ça au moins, c'est, comme ça ton anus il sera prêt pour la soirée de demain soir. Hein. C'est long. Hein. Parce que je peux te dire que ça va y aller mon pote. C'est ta long. Gueule, toi. Chut, allô? Ouais. Ouais, ma bite elle est longue mon pote, il est en train de me dire. Ouais. Ah ben écoute, j'arrive à la maison puis on va parler en face à face. Elle est sale. Ok mon chéri. Mais à qui? Moi c'est Michel, j'arrive. Ouais, tu sais quoi, j'arrive, on va faire l'amour. Il a le sexe sale. Ouais, tu vois, non, mon pote, je mets dans le cul, elle est sale. Apparemment, maintenant. Je connais pas beaucoup. Bon, tu vas apprendre à me connaître, bon, mon allez, pote. C'est mort. C'est incroyable, ça. Silence incroyable, Romano, je sens mon allô c'est incroyable. Alain, excuse-moi, j'ai un pote. Ouais, sur la vie de ma mère, gros, je vais te mettre un truc à la gueule, toi. Ouais, t'as pas le droit. Allô? Si, si, j'ai tous les droits. T'as pas le droit. Bon, écoute, Alain, je suis avec un pote, là, je m'en débarrasse, je le fous à la porte et après, je viens de baiser, d'accord? Ouais, ok, ouais. Allez. C'est bon? Ok, génial. Eh, hey, tu vois, sur la vie de ma mère, tu vas fermer ta gueule. Putain, c'est incroyable, ça. Non, mais tiens, hey, tu sais quoi? Ah, il est vénère. Le mec, c'est un animal, quoi. Juste ton appel, tu vas voir. Ah, Cédric passe de l'autre côté, va te voir. On passe au dernier coup de fil de Romano. Ça va être compliqué. Alors. Jean-Pierre. Tu passes? C'est bon, t'es passé. Parce qu'on a un petit couloir derrière, enfin une espèce de petit couloir derrière, non, derrière Karim. Il est à l'écran déjà. Ruti. Alors. Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre, JP. Eh, hey, venez, ça peut parler à Jean-Pierre. Non, bah, je suis comme toi. Non, mais si tu vois que j'y galère. Ah, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre. Il nous a fait le célèbre je décroche, je raccroche de Jean-Pierre. On passe donc à qui? À Didier. À Didier. Romano, c'est Didier. T'en as eu un hein, Didier déjà tout à l'heure? Non, c'est Cédric. Qu'est-ce que tu fais, Cédric? Tu joues avec des boutons. Bah, c'est long, donc je mets des bruits. Bah écoute, t'as qu'à sélectionner des meilleurs numéros. Ouais, puis sélectionne. Voilà, ça c'est pas trop. Non, c'est ton cul, Cédric. Voilà. Appuie sur off, tiens, Romano. Hop, off. Ta gueule, toi, t'es fou. Bah si, attends. Ah bah attends, c'est moi le réalisateur. Ouais, c'est Romano et chef réalisateur de l'émission. Les bras de Romano. Eh, tu mets un doigt dans le cul, ça. Tiens, je suis bien courageux. Allez. Ah ouais, t'es dégueulasse. Allô? Guillaume. Oui. Ouais, Guillaume, comment tu vas? Ça va et toi? Et ta femme? Impec. Bon, on dit voir, j'ai un petit problème là ce soir. En fait, j'ai été dans un coin naturiste ce week-end là. Allô? Mais putain. Attends, Cédric. Mais il m'emmerde, putain. Je fais comme toi tout à l'heure. Mais non, mais moi, tu me touches physiquement et ça me dégoûte. Mon scooter qui t'est, sans déconner. Oui, alors, Guillaume. Qui? Allez, vas-y, raconte. Bon, bah, j'arrive dans 5 minutes là. J'arrive dans 5 minutes pour faire l'amour. Non mais n'importe quoi. Ah bah c'est sérieux parce qu'en fait j'ai fait du camp naturiste. Ah t'es lourd putain mais. Ah, il est lourd et c'est pas sa faute ça. Hein. Non mais cache-toi putain mais il me fait chier ce gros là. Parle pas comme ça Guillaume. Ah, non mais attends Guillaume excuse-moi j'ai un débile à côté. Parle bien toi il est fou lui. Alors... Ah putain mais t'es du lourd. Ouais t'es lourd. Ah bah tu fais toujours le même bruit Cédric c'est monotone. Bon Guillaume. Eh ben voilà. Eh ben voilà, je m'en fous, je demande un autre tour. Non. Alors, non, ce qu'on peut faire, par contre, tu peux utiliser le fait d'avoir été disturbé, parce que toi, t'étais pas venu l'emmerder chez lui. Ouais, non, mais là, laisse tomber, il me collait avec son corps gras, là. Ah, toi aussi. Je parle en anglais. Alors, je vais lancer le top vote. Pour un anglais, disturbé. Ensuite, je lance le top, je sais pas comment on dit en français. Perturbé. Ouais, si tu veux. Dérangé aussi, comme ton cerveau. Ouais, c'est ça, ouais. Donc lui, il balance des bruitages, c'est normal, et moi, j'ai pas hâte de balancer de bruitages. Non, mais là, il y en a eu 15 bruitages. Bah alors, moi, il y en avait plus de 15 dans c'était mon un appel. Peu lourd, quoi. Allez, oui, non, mais pas du tout. Ah, pas du tout, non. Ah, bon, c'est Romano, c'est pas lourd. Top vote pour. Ah, il est encore là, Guillaume. Guillaume. Ah, tu vois, il est encore là. Guillaume. Il est galère à raconter. Allez, bah écoute, on va te laisser en antenne, comme ça, tu écouteras l'émission jusqu'au bout. Écoute, alors, voici. Bah, il en profite, hein, c'est gratuit. Tu m'as pas volé un truc, enculé. Voici tout de suite, qu'est-ce qui t'a volé encore? Cigarette. Cédric, t'as volé. Mais il fume pas. N'importe quoi, mais il dit n'importe quoi. Elle est par terre, Romano. Non, c'est mon. Mais là, il l'a posé sur la console. Alors, je lance. Oui, il est là. Voilà. Je lance le top vote. C'est bon, je peux lancer le top vote. C'est parti, 41-759. Ou sur l'appli Skyrock. Cédric, quelle est ta déclaration speed, s'il te plaît? Alors moi, ce soir, j'essaierai Didier tranquille et sa femme. Je vais faire l'amour à sa femme après à Didier. Pour ça, voter Cédric, c'est EDRUC. Comme mon adversaire, il a mis des bruitages sur mon appel. Merci, j'ai fait pareil. Cédric, pour ta déclaration. Ouais, pep, monsieur. On a dit faire court. J'ai dit rapide. Ouais, c'est ça. Attends, il y a Tristan qui nous attend. Ouais, c'est ça, ouais, Tristan qui nous attend. Ben, il va attendre deux secondes et puis il va voter Cédric, Tristan. Allez, votez Cédric, je vous aime très très fort. Moi, j'ai fait un serrage. Tu votes pour qui, Tristan? Ah, il vient de t'as me dire. T'as pas un serrage d'où, toi? Bah, Alain, Didier. T'as vu, je vais savoir. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez dans vos déclarations. Tu dis trois prénoms. Tristan, tu votes pour qui dans le clash, Tristan? Ouais, moi je vote Cédric. Ah, merci ma gueule. Là, le vote est enregistré pour Cédric. Déclaration de Romano. Bon, ce soir, mes amours, vous avez entendu Cédric, il est venu me casser les couilles de mon côté. Bah, ça s'appelle de la triche, tout simplement. Eh bien, c'est pareil, gros. D'ailleurs, n'oubliez pas, Cédric également balance la fin des séries sur son Snapchat. Ouais, ça y est, c'est. Non. Par exemple. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bah, prouve-le. Bah, il y a eu des preuves, on a eu plein d'auditeurs. Eh bien, ce soir, mes amours, pinons-le tous ensemble. Et votez Cédric. Merci pour la France, pour le monde. Votez Romano et Romano. Merci. Et justement, dans un instant, on va voyager dans le monde. Alors vous votez, on vous laisse 5 minutes là, c'est parti, hein. Le top vote, votez il est parti Romano. Depuis une minute. Votez Romano. Depuis une minute, il est quoi, 22h22, autrement dit, il reste 4 minutes. Jusqu'à 22h26, vous votez vite. Allons, on vote Cédric, la famille. On vote Romano. Vincent Tello, vote pour Cédric. PSG Man du 10, 15 ans, vote pour Romano. Morgane, la machine 25 est en surcharge, c'est quoi ces messages là? Marie la chienne, c'est Marie la chienne qui nous envoie le message. Tout le monde peut prendre le pseudo qu'on veut. Et en plus, il y a plein de Marie. Bon allez les votes, faites péter l'affaire et puis on vous tient au courant dans un instant. Donc Tristan il va nous amener, il va nous faire voyager ce soir. Enfin, il va voyager lui-même. Oui, mais on va voyager dans la tête. On va voyager nous aussi un peu. Alors, Tristan, t'es à Chartres, t'as 16 ans et là t'es en vacances chez les grands-parents, c'est ça? C'est les grands-parents. Ouais, les cousins plutôt. Les cousins. Ah, les cousins. C'est les mieux. À la campagne. C'est mieux. Ouais, à la campagne. Enfin, c'est mieux chez les cousins que chez les grands-parents, c'est sympa aussi. Non, mais c'est à la campagne, c'est où? C'est dans le trou du cul du monde ou... Est-ce que tu es dans le trou du cul du monde? Non, c'est à côté de Mantes-la-Jolie. Ah, bah ça va. Ça va, t'as la ville qui est pas loin alors. Ah oui. Et oui, parce qu'il y a Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est ça. Bon, alors, Tristan. Pourquoi tu nous appelles? Alors, c'est pour demander un conseil un peu à tout le monde. Pour ceux qui avaient déjà voyagé pendant une longue durée, parce que je pars là le 18 août, un an en Chine. Un an en Chine? Ah, c'est ouais, cool. Un an en Chine. Ça va être chelou, parce que, ouais, mais ça va être chelou d'arriver en Chine parce qu'ils écrivent pas pareil. Non, mais c'est très spécial. Et ils savent pas, pas parler anglais. Ah, ils parlent pas anglais? Non. Tu viens de dire nous non plus en France. Moi, j'ai des amis qui sont partis vivre là-bas. C'est que quand ils parlent anglais. Ouais, quand ils vont dans des taxis, etc., ils prennent, en fait, tu sais, l'adresse écrit en chinois pour montrer au mec parce que le mec parle pas anglais. Ouais, donc, c'est ça. C'est une galère. Eh ben, écoute. Au moins, tu vas te dépayser pendant un an. C'est sympa de voyager, tu sais. Allô? En Chine, Marie. Ouais, mais où en Chine? Ah, où en Chine? Dans la ville de Canton, au sud. Ah, je connais personne. Ah non, moi, je connais Compton. Compton, ouais, c'est à Los Angeles. Voilà, ouais, mais c'est Canton, c'est mythique. Oui, ne te trompe pas d'ailleurs, parce qu'autrement, t'es loin. Hein. Mais tu vas foutre quoi? Bah, laisse-le aller en Chine, Marie. Mais t'es vraiment un connard! C'est bien, en plus, à 16 ans. D'aller en Chine! Non, mais laisse-le aller en Chine. Mais laisse-le aller en Chine, Marie. Ah, non, mais il va chez les Chinois. Mais oui, ils sont sympas, les Chinois. Non, mais au contraire. Donc, oui. Non, mais c'est bien, ça va être le dépaysement total au moins. Ah, au moins, ouais. Tu pars tout seul. Tu vas découvrir des trucs que peu de gens découvrent en France. Hein, du coup, je pars tout seul en fait dans une famille d'accueil là-bas. Oh, d'accord. Ah, ouais, donc c'est un truc avec l'école que tu fais. Tu vas me dire où est ta saison. Ouais, c'est comme un échange scolaire un peu d'un an en fait. Mm-hmm. Ah, ça c'est cool, hein. Je serais content de partir. Moi, c'est loin quand même. J'aurais aimé le faire, moi. Tu vois plus tes potes pendant un an, tu vas pas voir tes parents. Justement, j'appelais pour savoir comment ça se passait pour des gens qui l'avaient déjà fait. Genre. Et tu pars tout seul ou il y a d'autres gars? Tout seul. Éloigné et tout. Il n'y a pas d'autres gars de l'école qui partent dans d'autres familles, non? Non, pas du tout. Non, c'est. Ah ouais, donc tu te retrouves dans la ville, mais même dans la ville, il n'y a personne qui va faire la même chose que toi, en fait. Ouais, non, c'est ça. Eh bien, adieu, Tristan. Et tu parles pas du tout chinois? Bah si, tous les jours, maintenant. Si, un peu depuis septembre, parce que j'apprends au lycée, tu vois. Ah, t'as des bases, Nem. Moi, je sais dire Nem en chinois. Eric Antonet. Oui, ça se dit pas comme ça. Ah, tu sais qu'il y a Nem non plus, ça se dit pas comme ça. Ah si, Nem, tu vois. Ah, trouvez-moi des numéros de restaurants chinois, on va appeler dans un instant. Pour t'introduire un petit peu dans l'ambiance des restaurants chinois. Fin des votes pour le clash, il est 23h26, fini. Terminé, merci pour tous les votes que vous avez laissés. Le dernier vote était, il y en avait deux, les deux derniers. La fumée du narguilé qui nous écoute ce soir. Salut la fumée du narguilé, 21 ans. La team Romano. On t'encule le Belge. Merci. Je vote Romano. Et juste en dessous, France, 24 ans. Ah oui, France 24, comme la chaîne de télé. Ouais, ouais. Ouais. France 24 ans, qui vote pour Cédric. Ah, merci. Ouais. T'as putain bonne chance si t'as une copine, Nouni Mini Grady. T'as une copine, Tristan? Ouais, carrément, justement. Ah ouais, t'as une meuf en plus. Oh putain, ouais, c'est la totale. Elle va être contente quand tu vas lui dire. Les potes, la copine. Et alors, elle a pleuré? Ah oui, carrément. Et toi, tu rigoles, t'entends? Elle pleurait. Bon, reste avec nous. Donc, dites-nous pour vos témoignages. C'est sur le 41-759, sur l'appli Skyrock. Vous nous envoyez tout ça. Et puis, on te retrouve, Tristan. Donc, il a quel âge? Il a 16 ans. On nous demandait, là. Voilà, si vous n'avez pas tout compris, ben, vous pouvez nous demander. On explique tout. Hein. Et puis, donc, vos messages. Vous avez déjà voyagé longtemps et vous aviez été loin de votre famille, de vos amis, enfin, de l'endroit où vous étiez habitué de vivre. Faites-nous signe. Samy va nous faire « Oh là, je suis 5 jours par semaine à Paris. » Ouais, ben là, c'est déjà beaucoup trop loin. Beaucoup trop dépaysant, tu vois. Ouais, là, c'est quoi? C'est un an, hein, c'est... Non. Ouais, un an, c'est ça. Attends, pour le coup, ça va l'être. Dis-moi. À partir du 18 août, ouais, tu te fais l'année scolaire là-bas, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vas aller dans une école. En Chine. Tu vas y aller pour... Et si vous êtes en Chine, appelez-nous, mais bien sûr. Bien sûr. Et si vous avez... Ouais, donc toi, tu vas te retrouver dans une école chinoise, mais ils parlent français, anglais ou juste chinois? Non, probablement pas, non, ce sera un lycée chinois du coup. Là, tu vas rien comprendre. Ah ouais? Putain, les premiers jours, tu vas galérer. Tu vas arriver, tu vas rien comprendre. Mais c'est en Chine ou au Japon où les mecs ils travaillent à l'école genre 15 heures? C'est au Japon, en Chine aussi? En Chine, putain, mais si tu vas pour un échange scolaire et qu'ils te font ça, gros. Ah, tu vas bosser comme un pendant 15 heures, tu vas être quand? Et tu sais que, en plus, les Chinois te fouettent tout nu au milieu de la cour si tu as des mauvaises notes. C'est vrai? Ouais, ils t'attachent au milieu de la cour et ils fouettent les élèves comme ça. Et Marie... Non mais t'as pas vu là, il y a eu un reportage. Et après il leur faut des coups de Rangers aussi. Et des non. Si, et des doigts dans le cul, Marie. et si t'as vraiment une très mauvaise note, alors là tu te prends un god énorme dans le cul. Ah ouais. Non mais c'est hyper carré. Mais Tristan, l'autre fois t'as pas vu, il y a un reportage justement qui est passé là sur des enfants chinois là dont les parents les poussaient à réussir leurs études, mais la vie de merde qu'ils ont, genre ils finissent sur TF1 pour moi. Ouais, c'est ça, exactement. Les gens ils finissent la journée elle finit à 22, ils finissent les cours je sais plus vers 17h, ils enchaînent sur des devoirs. Et après ils vont dans des écoles privées. Genre jusqu'à 22 ou 23 heures, genre ils se retapent 3 heures de maths le soir. Et quand ils dorment, on leur met un casque avec les cours dans le casque. À 12, 13 ans, hein. Ah oui, la vie de merde. Putain, j'aimerais pas être lycée en Chine. C'est une galère. Oui, là-bas, c'est pas VDM, c'est VDM. Ah, VDM. Tiens, et petite statistique de Vincenzo qui nous dit qu'au Japon, il y a le plus haut taux de suicide des étudiants au monde. Merci pour la petite stat. Ah, bah, c'est sympa. Appelez des restaurants chinois et demandez-leur s'ils ont des Nemo chiens. Ah, message de Vive du 35, 16 ans dans, en Bretagne. Salut, Vive. 19 mois au Congo pour me punir, mais c'était trop bien. Trop le bonheur, rien que du bonheur pour Rastapaï. Il y a Arthur, lui, il va à Pékin le 23 août pour 10 mois aussi. Ah, cool. Ah ouais. Si vous pouvez nous mettre en contact, il faudrait que tu laisses. Ah non, mais c'est bon, tu l'as laissé, Arthur, on va essayer de t'appeler. Ouais. Mais alors, Pékin et Canton, c'est pas là. C'est loin. Hein, non, c'est pas à côté, ouais. De toute façon, c'est tellement grand la Chine que le moindre déplacement sera l'avion, mon pote. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. À Hong Kong, ils parlent bien anglais, c'est vrai, Hong Kong est une colonie anglaise. Bah, ils parlent quasiment anglais. Hong Kong, c'est Hong Kong. T'es quoi? Dans la ville où je suis à une demi-heure, une heure de Hong Kong. Donc c'est cool, peut-être qu'il parle bien anglais dans ta ville alors. Parce qu'Hong Kong, c'était vraiment à côté. Ah, bah, je peux te mettre en contact avec des amis à Hong Kong. Oh là, putain, je te conseille. Des alcooliques. Je te conseille pas les amis de la Marie. Mais enfin, tu fais ce que tu veux, Tristan. Des restos français. J'ai un copain dealer et une copine qui se prostitue. Ouais, c'est ça. Bien, parfait, Marie. Il va s'éclater là-bas. Non, moi. C'est mon ami d'enfance. Bon. Il a un resto là-bas. Mon dealer d'enfance. N'importe quoi. Ah, il avait déjà des cachets tout roses quand j'avais 8 ans. Vous êtes con. Il fait des Nemo shit. Bon, on file dans des restos chinois dans un. Allez. Le temps d'écouter Justin Timberlake sur Skyrock. Et vous réagissez aussi pour Tristan, allez-y. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Trois semaines avant le raz-de-marée Rihanna, Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les quatre stades de Rihanna. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet, Grand Stade de Lyon le 19, Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23, Stade de France à Paris le 30 juillet. So you guys ready? Rihanna, l'anti-world tour, avec Big Sean en première partie, c'est 400 places. Rihanna, 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Exclusive. Et Rihanna, c'est parti, merci. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télon, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Concert. Skyrock.

seulement sur Skyrock. Et on voyage, et c'est gratuit, payé par Skyrock ce soir. Profitez avant minuit, on va filer en Chine pour Tristan d'ailleurs. Il y a plein d'Arthur qui déménagent. On a eu Arthur qui est allé à Pékin, on est en train de l'appeler pour savoir un petit peu comment ça se passe. Samy en ligne avec, ouais. Et Romano, tu t'es trompé, c'est pas en Chine, c'est en Corée du Nord ton histoire. Tu sais, l'histoire des. Corée du Sud. Corée du Sud, ouais. Corée du Nord, tu peux difficilement y aller. Message de ML Guillaume. Oui, alors tu ne reviens pas. Ou alors, oui, c'est ça, t'y vas, mais c'est un voyage calé. Compliqué, là-bas. Ouais. Donc, ML Guillaume qui nous a dit ça. Ah non, mais la voix, également, qui disait la même chose. Merci pour vos messages. Non, mais putain, non, mais je t'assure, la vie de merde, mais. TDM. Ah ouais, mais les cours, mais ils ont des cours, mais à longueur de journée, quoi. Ah, ils ont des cours longs, alors. Ah ouais, c'est ça, des cours longs, ouais. Mais qui t'es con, c'est ça. Des cours longs. Mais que t'es con. Non mais ouais, on a vu beaucoup de reportages de mecs avant les cours, par exemple, qui faisaient, tu sais, les mêmes trucs là, genre la gym et ça, tout en ça. Corée du Nord aussi, hein. Pas qu'en Corée du Sud d'ailleurs, je pense. Oui. C'est l'éducation militaire, ou je sais pas comment ils appellent ça là. Ouais, c'est ça. Il faut des espèces d'exercices sportifs avant de démarrer la journée. Ouais. Mais en Corée du Nord, c'est encore plus échauffe. Ah bah ouais. Bah de toute façon là-bas, tu prends une balle. Ah ouais. Ou alors ils te cassent les jambes avant de te mettre une balle. Tiens, j'ai vécu 3 ans au Maroc. Tiens, racontez-nous si vous avez vécu loin pendant longtemps. Sympa. Merci à Mazirox. C'est génial, ouais, c'est le Maroc. Ouais, moi j'adore le Maroc, tu vois, mais je pourrais pas y vivre. Mais tu connais rien, Marie. Bah, je connais rien, ça là-bas, c'est la vivance. Toute petite, la vivance. Rastapaï, 19 mois au Congo pour me punir, mais c'était trop. Ah, mais je voulais lire ce que tu as lu tout à l'heure. Ah, mais d'accord. Tu l'as lu, ouais. Alors, attendez, j'en étais où? Ah, c'était l'autre Arthur que je voulais lire. C'est pour ça que je disais, il y avait plein d'Arthur qui nous avaient laissé des messages. Arthur, 15 ans, qui dit, moi je pars 10 mois au Portugal, mais heureusement, il y a l'application Skyrock. Ah, vive en Portugal. Vive en Portugal. Il y a 20 ans. Après, tout dépend où tu vas dans le pays. Si tu vas au Portugal dans une ville, ouais, c'était en pleine campagne. C'est pareil, si tu vas en France, oui. Oui, c'est ça, ouais. Tu te retrouves, je ne sais pas, tu habites juste en dessous d'un certain membre de l'équipe. Bah, tu passes un sale séjour. T'aurais habité l'immeuble à côté, t'aurais été heureux. Ah ben voilà. Comme quoi, l'endroit où on va, c'est quand même vachement. Il suffit d'un rien pour te bousiller la vie. Eh oui. Oui. Il y a un message de Vavan, je vous conseille de tout laisser tomber, les amis, la famille, sa meuf, il n'y a rien de mieux que la Chine, c'est plein de pollution. Très bien. Ah bah tu vois, Tristan, un petit message motivant. Tu sais que ça bouge vachement en Chine. Moi j'ai beaucoup d'amis DJ qui partent là-bas. Tes amis DJ, mais tu nous avais pas dit, Marie, tu avais des amis DJ. Mais vous le savez très bien que j'ai des amis DJ. Des amis DJ. Est-ce que c'est celui qui allait mixer en Serbie ou au Kosovo, même les deux, je crois. Il a fait les deux. Dans un bar où tu pouvais rentrer à 10 personnes. En sous-sol. Bah peut-être, oui. C'est lui. Est-ce que c'est DJ à chapeau? Bah, entre autres. Mais pas que. Mais je connais également David Guetta. Ouais, j'adore. Mais c'est pas Guetta. C'est Guetta. Ah, Guetta. C'est le fou, il a pas la licence. Il vient du ghetto. David Guetta. Non, mais ils vont plus à Shanghai ou Hong Kong, par exemple. Moi, Hong Kong, c'est pas très loin de Canton. Ouais, ouais, non, mais oui, c'est ça. En fait, le pote de la Marie, là. Tu connais Martin Garret, tu connais pas Martin Garret. Et toi, tu te fous de ma gueule, mais tu les connais principalement. Hein. Je les avais déjà présentés à Romano. Non, moi. Je parlais à Romano. Ouais, mais moi, je l'ai vu mixer dans un pauvre bar à Paris, quoi. Donc, tu parles d'un. Ah ouais, mais non. Ouais, moi aussi, tu un peu. Tu parles pas que de lui. Il a mixé au Délices de Shanghai. Ouais, c'est ça. Très beau restaurant à Paris. Oui. Il a mixé à NEM30 également. Il te livre des NEM en 30 minutes. Autrement, il te les rembourse. Il a beaucoup mixé en Chine. Oui. Ah ouais. Non mais ils aiment bien les Français. Oui, il était au ping-pong club. Ouais. Ah ouais. C'est génial, c'est super. T'as raison. J'ai fait un an en Australie, 2 ans et demi en Irlande, et là je suis au Canada. C'est Boui qui voyage. Il y a notre pote de Chicago aussi qui nous a laissé un message et qui nous disait que lui, il était parti pour un an. En fait, il va y rester à vie là-bas. Tiens, il y a Valentin du 75. Moi, je vis à Marrakech depuis 2010 et je m'éclate. Je suis au lycée français. Ouais, il y a Maïna qui a 25 ans et qui dit, moi, je pars tous les ans au Maroc. Je rêve d'y aller y vivre. Moi, je vis depuis 3 ans sur Tunis, message de JJ. Le Maroc, c'est chaud. Tu peux pas faire 100 mètres sans te faire taxer des dinars, nous dit 555. Non, déjà, c'est des dirhams, donc tu t'es trompé, gros. Déjà, ouais. Et bam, donc arrête de mentir. On est d'accord, merci. Est-ce que c'est le même DJ qui allait mixer en Afghanistan le 31, nous demande Kalagan, qui se souvient d'une petite anecdote de l'émission que j'avais moi-même oubliée, tu vois? Ouais, ça fait partie de tous les DJ que t'as. Évidemment, là. DJ. Et Razia. Pas en Afghanistan. Il est pas parti en Syrie, non? Non, il est actuellement. Razia du 93. C'est de la bombe, mon pote DJ. Razia du 93. Et on pense très fort à tous les Syriens qui galèrent et tout, parce que vous voyez, les réfugiés syriens, tout le monde en parle comme si c'était. Ça peut nous arriver un jour. Ouais, on les salue, ouais. Faut faire attention. On les salue, les. Parce qu'on envoie, j'en vois plein à Paris qui font le. La manche, ouais. Ouais, qui font la manche. L'autre jour, on se baladait, on envoyait plein. Ouais. Alors, tous les ans. C'était l'Ukraine à Bruxelles. Ah, tous les ans, je pars 2 mois. Mais c'est pas assez long pour le témoignage. Ah bah non, Tristan, toi, tu pars 10 mois. Mais c'est gentil quand même d'avoir laissé un message. Manon qui nous a laissé ça. Et Razia de 93 qui part au Liban. Et qui dit lui aussi, heureusement que j'ai l'appli. Mais le Liban, se parle un peu français au Liban. Ouais, il y a de la meuf au Liban. Ouais, ouais, ce qui est pour toi, Tristan, est un peu bizarre, c'est que tu vas te retrouver avec des lettres qui sont pas comme les nôtres. Toi, tu pars en Italie, tu sais pas parler italien. Bon, ça se ressemble avec le français. Tu pars en Allemagne, au bout d'un moment, je pense que tu sais parler allemand. Ouais, parler chinois, ça doit être compliqué, non? Ah ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah bah, c'est pas du tout le même alphabet. Mais déjà, là-bas, un mot, ça veut dire plein de trucs. Ça, non, il a un idiome. Ouais. Bah, déjà, c'est un dessin. Je crois que c'est un idiogramme. Ouais, c'est ça, si tu fais hi, idiot comme Cédric. Oui. Ça s'appelle comment? C'est ça, idiogramme, non? Idéogramme. Mais je crois que c'est pas Lavezzi, l'ancien joueur du PSG, qui joue là-bas. Ouais, il est parti à Shanghai chez moi. C'est à Shanghai ou c'est à Shanghai? Shanghai, je crois. Ah, ok. Hey, comment ça kiffe le foot en Chine? Ouais, ils ont de l'oseille grave. Ouais. Parce qu'en fait. T'as peut-être voir des beaux matchs de foot, Tristan. Non, je crois que c'est Guangzhou qui est. Ouais, peut-être. Ouais. Avec plein d'anciens joueurs du championnat de France. Mais Guangzhou, c'est Canton. Parce qu'en fait, en France, on dit Canton, mais dans tous les autres pays du monde, tu dis Guangzhou. Guangzhou. C'est Guangzhou. Avec les Français qui disent Canton, je sais pas. Bah, tu vois, j'aurais appris un truc. Guangzhou, c'est Canton. Ouais. Eh ben, je note. C'est la même ville. Canton. Le riz cantonais. Ah, bah oui. Cédric, le riz Guangzhou. Le riz Guangzhou. Bonjour, je voudrais du riz Guangzhou. On va appeler dans des restaurants chinois. Vous avez les restos chinois là? Ouais, vas-y. Allez, vas-y. Quand on les appelle, on va leur demander s'ils ont du riz Guangzhou donc ce soir. Dis-moi, en Norvège, retour en France pour l'Albanais. T'as voyagé toi, l'Albanais? J'habite à Londres. Le changement, c'est bon. Bah, profites-en parce que bientôt, ils vont te foutre dehors. Noleta, 24 ans, qui nous laisse le message. La vie en Arménie pendant 2 ans pour Romano du 13-005. Le Maroc, c'est bien, mais l'été uniquement, j'y étais. Ok, bah elle était. Oui, c'est vrai que le Maroc, c'est bien l'été fait. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, comment allez-vous? Allô, c'est allô? Bah, c'est bon, sympathique comme tout, dis donc. Non, mais je vais vous passer un ami, j'ai un ami chinois qui est avec moi, je peux vous le passer? Bonjour! A de fait un bruit gong. Ah ouais, t'es sympa elle. Pourtant en général ils sont gentils dans les trucs chinois. Non mais eux ils s'en foutent, c'est ce qu'ils veulent, c'est tu passes ta commande. Bah oui, mais elle t'es même pas là pour raconter sa vie la meuf. Bah, je vais... Bon, on va refaire une autre. La muraille. Très bien. La muraille de Fine. De Fine. Bonjour. Comment s'appelle le restaurant? La muraille. La muraille. Ah, la muraille, c'est le nom du resto. La muraille. Ouais, la muraille. On file à la muraille. Ah, Titi. A priori, la muraille est fermée. Ah, Titi, on a mis la clé sous la porte. Ah, bah oui. T'as une porte de la muraille. Oui, Titi. On a creusé. Une porte. J'appelle le China pour l'instant. Alors, la muraille. Bonjour, le restaurant La Muraille de Jade est ouvert 7 jours sur 7. De midi à 15h, de 19h à 23h30. Pas de chance, va arriver avant 13h. À 13 minutes. Oui, allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ça va. Je voudrais du riz Guangzhou, s'il vous plaît. Du riz Guangzhou? Non, du riz Guangzhou. Guangzhou? Oui, du riz Guangzhou, madame, s'il vous plaît. Ah, non. Mais c'est pas chez nous, c'est chez le voisin, ça. Ah, non, on m'a dit que dans les bons, tout bons restaurants chinois qui se respectent, a du riz Guangzhou. Ah, désolé, ça veut dire qu'on ne sommes pas un très bon restaurant. Alors, je vais vous passer immédiatement quelqu'un qui vient de Chine et qui va pouvoir vous confirmer immédiatement. Très monsieur bien. Chang. Bonjour, monsieur Chang. C'est bon, vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous allez bien? Comment vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Ah, Titi, je voudrais du riz Guangzhou. Je n'ai pas de riz Guangzhou. Oh, c'est bien dommage. Oui, désolé, Nadré. Tu fais mal l'accent. Ah, tu avais bien l'accent, toi. Mais toi, t'es pas chinoise pour un sou. Ah, mais moi, très chinoise. Ah, bah bien sûr. Titi, très chinoise. Mais toi, pas connaître la ville de Guangzhou? Bon, non, je ne connais pas Guangzhou. Ah non, nous, c'était Guangzhou. Que ça a foutre aujourd'hui. Ah, Titi, que t'as à foutre du riz Guangzhou. Oh là là là là. Oh là là là. Des yakitori au vieux. Non, yakitori, c'est japonais. C'est japonais, ça. Ah, japonais. Eh oui, j'ai un ami marseillais qui a essayé de vous piéger. Et une bouillabaisse, vous faites la bouillabaisse. Ah non, moi je connais pas bouillabaisse. Ah, moi, pas bouillabaisse. Aimer le poisson. Ah, le poisson. Ah, Titi, poisson. Très bien, bon ben. On demanderait bien de l'arrêt. Vous fermez à quelle heure? Préparez-moi un nem de poisson rouge. Un nem de poisson rouge? Oui, parce que il adore les poissons rouges et puis il a tout, il a un petit appétit. C'est pour ça vous mangez ça très très bête, hein? Oui, très très bête, mais très très bon. Idiot, très bête. Idiot, très bête, c'est ça. Oh là là, en plus une bande de très très bêtes. Ah bon, de plusieurs en plus. Ah, brossette de tête très bête. Brossette de très très bête. C'est marrant. Bon ben merci les délices de Jade. De rien. À bientôt. Merci le China, pardon, je vous vois. De rien. À bientôt. Au revoir. Salut. Bonne soirée. Et bonne soirée. Alors attends, Romano, tout chinois qui se respecte ne prononce pas les R. Parce que la semaine dernière, j'étais avec une amie chinoise et on essayait de lui faire dire R. Eh bien, impossible à dire R. Ouais. Je lui ai montré ma bouche, je lui ai dit, regarde, tu mets la langue comme ça, et tu fais R. Comment elle dit Romano? Et après, avec le fond de la gorge, tu fais R. Romano, elle dit Lola, Lomano. Lomano. Lomano. T'es Lomano. Il y en a qui arrivent très bien à dire des R. Non, mais c'est vrai, je crois, j'ai déjà entendu. Mais si, mais non, mais même. Je crois au Japon aussi. Attends, si, Yaki. Dites-nous, si vous êtes d'origine chinoise, on vous attend en direct. Si quelqu'un a l'accent dans votre famille, si vous avez vous-même l'accent chinois, c'est mignon tout plein. Passez-nous un petit coup de fil. Et même les F, je crois, galère. Ah ça je sais pas, moi j'ai juste essayé les R, on a galéré pendant une demi-heure. Ouais, que ça à foutre hein, quand même ce soir-là. Mais pendant une demi-heure avec ton ami chinois, on était là. Vas-y, dis R. C'était l'attraction de la soirée. Bon, alors, les messages que vous nous laissez. Il y a pas mal qui nous écoutent en direct de Londres. Hein. Ça veut dire, il y a plein de Français. Profitez-en les gars, bientôt. Fit tout le monde dehors. Retour à la maison. Hein. Et voilà, clando. Vous serez des clandos à Londres bientôt. Sans alors, qu'est-ce que vous nous dites pour les voyages? Bah tiens, on a Arthur au téléphone avec nous qui va aller en Chine. Tristan, écoute bien Arthur. Ouais, ça marche. Allô. Alors, avant qu'il parte le 18 août, ouais Arthur, salut. Allô Arthur. Allô, salut. Donc, ça va, les gars? Oui, on a eu plein de Arthur qui nous ont laissé des messages sur tu es le Arthur de 19 ans du 63 qui va partir un an à Pékin. Bah ouais, j'ai allumé la radio, j'ai entendu ça, donc moi aussi je pars, du coup j'envoie un message. C'est très bien. Normal. Bon bah écoute, en plus tu pars le 18 août toi Tristan et Arthur tu pars une semaine après, même pas. Moi en fait j'ai pris mon billet pour le 23, hein, donc je pars à peu près au même moment. Bah ouais, c'est marrant. Bah vous amenez la piste Skyrock pour pas nous laisser tomber. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Bah ça va être chaud un peu, je sais pas, j'ai pas entendu, moi je suis arrivé au milieu de l'histoire, est-ce qu'il est déjà parti en Chine? Jamais. Non, jamais, jamais. C'est quoi le plus long voyage que t'as fait Tristan toi? Comment? Le plus long voyage que t'as fait? J'ai de la famille en Australie, du coup je suis allé pas mal de fois. Ah ouais, quand même, toi t'es un grand voyageur toi. Et je dirais la Nouvelle-Calédonie, ouais, je pense. Ah, ouais, putain. Oh là, j'adore les cannellonis. C'est trop bon, mais j'aime bien les lasagnes aussi. Ça, c'est mon rêve. Ah ouais, je comprends, Marie. Ah ouais, les cannellonis. Les cannellonis. Ça, c'est en Italie. C'est délicieux. Ah non, mais moi, c'est mon rêve, les îles Loyauté. T'es allé aux îles Loyauté après? Non, j'ai fait que l'île. Tu n'es pas allé sur l'île de la Croix de Fer, une petite île qui se trouve dans la Manche. C'est magnifique. Non, mais on connaît pas Marie. Non, mais tu sais c'est pas magnifique, toi. C'est génial. C'est trop beau, l'île de la Croix de Fer. Tu connais pas, toi, les îles des Noyautés, là. Les Noyautés. Putain, non, mais ma mère y est allée. Non, mais c'est absolument magnifique. Avec mon copain magnifique. DJ. Je pense que c'est le paradis sur Terre, là-bas. Il a mixé sur un cocotier, il était tout seul, ce con. Non. Il y avait des singes aussi. Ça abrutit. Ah putain. Alors Arthur, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu vas faire en Chine. Toi t'as 19 ans, c'est marrant, on partait tôt. Hein. Ouais, j'ai 19 ans. Bah en gros moi en fait je fais un bachelor là, je suis en école de commerce et tu du coup la un troisième année on peut pas. Ouais, c'est une mission c'est un truc de NT1, ça haute de W9. Ah non, non, c'est pas ça, non, non. Tu vas passer à la télé pas... Non, non, c'est pas ça, c'est pas le beau avec de NT1. Avec les godiches et leur rose, là. Ouais, les godiches qui attendent leur rose. Et qui pleurent quand ils leur donnent pas la rose. Non, mais cette année, il a bien assuré, parce qu'a priori, il les a quasiment toutes niquées. Ah, c'est bien. C'était dégueulasse, hein. C'est bien. Il les a toutes niquées et elles chialaient les unes après les autres. Ouais, c'est dégueulasse. Qui était dégueulasse? Bah, le bachelor, là. Comment il s'appelait? Giuseppe, c'était un italien. Ah non, il était ignoble. Bah, si, c'était un italien, Marie. Giuseppe comme Giuseppe ouais je crois ouais c'est... mais c'était pas le même hein. Ah non c'est pas possible. Bah si Marie c'est possible, il était bien italien. Ça peut être très mal regardé, mais Marie a fait un blocage là. Ouais, j'ai fait un blocage dessus, je me suis dit qu'il mais... soit italien. Si Marie, je te jure. Il est pas des îles des Noyautés. Non, il a croix de rouge non plus donc. Les îles Loyautés, pas des Oyautés. Alors, et donc toi Arthur, ou des Noyautés. Tu vas faire un bachelor en Chine. Ouais, enfin j'ai déjà commencé, si tu veux, en France. En fait, je vais faire ma troisième année en Chine, parce qu'on peut aller à l'étranger, et moi j'ai choisi la Chine, donc je suis tout seul cette année. Business. Eh ben ouais, c'est ça. Business. Exact. Et quelle ville? Non, mais c'est vrai, la Chine, c'est business, ils sont très forts. Business. Bah ouais, c'est pour ça que je voulais aller là-bas, mais je suis tout seul cette année, c'est ce que je dis, il y a personne d'autre qui part en Chine, du coup je suis tout seul, et c'est un peu chaud, quoi. Mais ça t'angoisse un peu comme Tristan? Oh bah ça m'angoisse pas, mais bon j'ai hâte d'y être. Moi là tout de suite je suis en stage, j'ai plutôt hâte d'être en Chine là-bas pour étudier. Mais en même temps. Non mais toi ce qui est bien c'est que tu vas être dans une société. Ouais, je vais être dans une école. Ouais, donc j'imagine qu'il y a des mecs qui vont voir. Tu parles bien anglais toi? Ouais, je parle assez bien anglais et puis mes cours sont en anglais moi. Ah ouais, donc voilà. Ça va aller, ouais. Parce que toi Tristan c'est vraiment. Ouais, t'arrives dans une école de chinois, ouais. Ouais, tu vas arriver dans une famille qui ne parle pas un mot d'anglais. Au bahut, ils ne parlent pas anglais non plus. Ouais, là, c'est chaud. Je pense que tu vas galérer quand même les premiers jours. Mais vous avez pas regardé sur le net un petit peu, tu sais, tous les Français qui partent, parce qu'il y a quand même pas mal de Français en Chine, non? Il y a forcément une communauté française. Ouais, ah bah ouais, je te dis, moi mon pote qui a monté un resto français, il y a. Après, moi j'aime bien quand tu te retrouves loin d'être entre. Enfin, tu vois, de voir les gens des autres pays, c'est quand même pas. pas mal de ce. Ouais, mais oui, si t'es en galère, c'est bien d'avoir un petit truc pour. Tu vois, oui, puis un an, ça peut être long. Mais t'as des communautés comme en Australie, comme dans plein de pays d'ailleurs, qui se montent. Ouais. Entre Français. Ils ont même des sites internet seul. Et tout. Ouais, exactement. Moi, chaque fois que je vais à l'étranger, ma grosse peur, c'est de tomber sur des Français. Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais ça, c'est l'enfer. En vacances, ah, des Français. En vacances, quand t'es à table et tu te dis, je suis tout seul et tu chies sur les gens qui sont ou alors des Russes bourrés. Ça aussi, la grosse peur, c'est de tomber sur des Russes bourrés aussi. Ouais. Ah, mais tu sais que moi, l'année dernière, ça m'est arrivé. En fait, tomber sur des Français ou des bus bourrés? Non, des Russes les bourrés. Les deux. Ah, t'as eu les deux, toi aussi. Ah, mais non, mais hallucinant. Alors, déjà, la meuf, en fait, alors, c'était une famille de Russes, une grande table, c'était une vingtaine. Vodka pour tout le monde, les enfants dans votre corps. Mais déjà, sans déconner, la table, elle était. Tiens, nous, on est arrivés, ils étaient au milieu de repas, mais la table, elle était dégueulasse. Ah oh, non. Mais tu sais, il y avait partout des serviettes qui traînaient. Voilà, vomi vodka. Et à un moment donné, la mère de famille, il y avait deux gosses, elle a eu une. Tu sais, elle a eu un truc dans la tête, c'est qu'elle voulait absolument que les gosses chantent dans le resto, tu vois. Voilà, pour faire chier tout le resto qui est en train de bouffer tranquille. Et mon pote qui a le resto, tu sais, il venait me voir, il me fait là, me fait chier cette pute. Bon, parce qu'il parle assez, comme ça. Non, mais tu sais que les Français, et elle me fait chier cette pote. Tu sais, elle me dit, ouais, elle me fait chier, elle me fait avec ces gosses là, ils veulent chanter, en plus ils vont mal chanter. Je fais, ah bah oui, c'est sûr. Mais tu sais que les Français à l'étranger, moi souvent ils m'ont foutu la honte, tu sais pas toi, non, c'est. Non, mais là je parlais des Russes, Marie. Enfin, mais ouais. Non, mais les Russes. Et donc finalement, elle a fait chanter, tu sais, il a accepté, bon, vu que c'était une bonne table, il l'a fait chanter. Elle tape de 10, effectivement, elle a mal chanté. Et la meuf, en fait, à un moment donné, lui, il veut aller en cuisine chercher un truc, et genre la mère, elle lui fait, mais comme ça devant les gens, genre gros, avec les mains, casse-toi, mes filles, elles sont en train de chanter. Il a failli s'embrouiller. Espèce de connard. Elle est en russe, qui se traduit par vlut que beau. Et pour l'histoire des Français, pareil dans le resto de mon pote, on s'assoit. Le même resto. On voit que c'est des Français à côté. Moi, je lui ai demandé, j'étais le voir, je fais, ouais, tu peux nous mettre ailleurs. Ouais, parce que. La honte. Non, mais c'est surtout que, tu sais, quand t'es à l'étranger, je sais si t'as remarqué, mais quand, admettons, tu tombes à côté, une table de Français à côté de toi. Ils veulent parler avec toi, obligé. Ouais, déjà, ils veulent parler avec toi, ou alors, tu sais, forcément, ils écoutent ce que t'es en train de dire. Juste, il y a des bonnes meufs. Ouais, mais bon. Ils ont des têtes sympas. Ouais, mais en l'occurrence, moi j'étais avec Cariole, donc. C'est pas possible, d'accord. J'avais dit, elle est super la meuf, je pense qu'on aurait bougé quand même. Surtout toi d'ailleurs, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Bon, tiens, moi j'irais bien vivre au Japon, on nous dit là. Il y a pas mal de voyages que vous aimeriez bien faire. Qu'est-ce que. Alors, donc, Mika qui Arthur. Dit, ouais, j'ai raison, les îles OET, c'est le paradis. On est d'accord. Allez-y, les îles. On est d'accord. On est d'accord, mon cher Hector. Bon. Non, c'est Mick. Et Arthur, donc toi, tu t'appréhendes pas trop ce truc. T'as une copine. Tu vas laisser qui, toi, en France? T'as pas de copine? Bah non, j'ai pas de copine. Je vais la chercher en Chine, de toute manière. Ah bah voilà, très bien. Un peu de tourisme sexuel pour Arthur. Mais non. On va essayer d'en trouver plusieurs, quoi. Mais voilà, vas-y, je peux pas venir avec toi. Tiens, Alex, en plus elles sont toutes petites les chinoises. Ah ouais. Justement. Alex qui nous fait, j'ai habité 6 mois en Thaïlande, à Bangkok, c'était les meilleurs 6 mois de ma vie, c'était ouf. Ah Bangkok, ouf. Génial. Là je pars étudier un an en Colombie. Ah bah toi tu voyages aussi là. Mais tu vois à Bangkok, c'est ce que je disais, en fait les Français, mais ils m'ont foutu la honte parce qu'en fait t'as le métro, en fait c'est super bien foutu. Non mais attends, t'es gentil Marie, là-bas t'as croisé un pote à moi, donc j'espère que c'est pas lui. Ah lui. Non, c'est pas lui, mais il est à moitié thaïlandais en plus, notre pote. Non mais genre tu vois dans le métro c'est hallucinant, moi le premier truc que j'ai vu qui m'a fait halluciner c'est qu'en fait ils sont super respectueux des autres, ouais, c'est à dire qu'ils se mettent sur les côtés des portes, ils laissent tout le monde sortir et ensuite ils rentrent. Bah même ici Marie, tu sais j'ai pris le métro tout à l'heure, les gens ils se mettent sur les côtés. Non, pas trop en France, je t'assure. Ça va. Et là on voit. Non mais là-bas c'est vachement discipliné, c'est à dire qu'il y a, tu sais, ils sont tous bien alignés. Mais c'est le respect des autres. Pour moi, c'est ça. Hein, non, mais c'est un peu le respect. Non, mais là, Marie, tu vas loin. Métro, on est d'accord. On est d'accord. Donnez de ouf. Non, mais c'est un peu. Ouais, mais je trouve que c'est un peu militaire quand même. Non, c'est pas militaire. Pas ça va, en fait, rues, ça va plus vite. Bordel. Mais par contre, ce que Marie avait dire, c'est marrant quand t'as les touristes français qui arrivent des familles. Et ils viennent au milieu. Avec leurs valises, ils y rentrent. Moi, j'adore les pays où les gens ils traversent quand ils traversent n'importe quand. Ah non, mais tu peux traverser n'importe quand là-bas. J'avais honte. Mais c'est vrai que dans le métro, ça va plus vite le fait d'avoir des fils, tu vois, d'avoir des sens. Ouais, puis tu respectes les gens qui sortent. Non, Marie, elle a honte là, à ce moment-là. Mais par contre, quand elle nous présente sa copine tête de gorée. Non, là j'ai pas honte. Ah, t'aurais dû. Bon. Et Tristan, t'avais des conseils à donner à Arthur pour son voyage? Ah, c'est plus Arthur. Pour Tristan. C'est plus Arthur. Oui, non, mais si j'ai envie que Tristan donne des conseils pour son voyage, c'est mon droit. Oui, alors puisque Romano insiste et qu'après il va être chiant, donc est-ce que Arthur, tu as des conseils à donner à Tristan pour son voyage? Ah ben après moi, sachant que j'ai jamais vraiment voyagé à l'étranger et tout, j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais après faut pas s'inquiéter quoi. Non mais on va vous mettre en contact, on sait jamais si vous pouvez vous bah croiser. Ouais, ça serait cool. Au moins vous... on tiendra au courant quand on sera là-bas ou même avant, tu vois. Oui, c'est ça, s'il y en a des deux qui craquent, bon. Ouais, voilà. Non, mais non, faut pas craquer. Non, mais ça peut toujours servir d'avoir quelqu'un sur place, tu vois, sur qui tu peux à peu près compter. Si t'as une arrière. Ouais, mais regarde sur le net. Sur place, je sais pas. Sur place, je sais pas, parce qu'il est vers, il est pas loin de Hong Kong, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Pékin, c'est quand même bien au nord, quoi. Tu vas y aller à Hong Kong, tu vas voyager un peu là-bas, toi, Arthur? Ouais, ouais, moi je vais essayer de voyager, bien sûr. Ben justement, restez en contact, c'est bien ça. Et puis il y a Alex, qui a voyagé plein de fois, avec lequel on vous mettra en contact aussi, qui doit être en ligne, je sais pas s'il est là. Allô Alex. Coucou Alex. Ouais. Eh ben oui, t'es là. Donc salut. C'est toi qui as voyagé en Thaïlande et tu vas aller en Colombie. La semaine prochaine, il part un an en Colombie. Eh ben dis donc. Ouais, c'est ça en fait. Tu vas bosser? Je vais en Thaïlande là. Ouais. Ouais, je vais bosser, ouais, je vais étudier. Ah bah c'est cool. Tu bosses pour les études, toi? Ah ouais, ça arrive. Bah, ouais. Du foot, ça. Ouais, c'est cool, enfin, surtout pour voyager et tout, mais si j'ai l'occasion, c'est parfait. Tu vas bosser pour le cartel de Medellin, tout ouais, ça. Ouais, tranquille, dans la drogue. Ouais, j'aimerais bien. Voilà, il va revenir avec des sacs de farine. C'est pas, mais tu vas bosser dans une farinerie. Surveille tes valises. Non, mais déjà que mes parents, on appelle personne ne me laissait partir, donc. Un moulin. Un moulin, ça. Tu vas bosser dans un moulin. Dans un moulin à Schnouf. Voilà. C'est particulier, genre. Et toi, d'être loin de la France, tout ça, ça te manquait pas? Bah en fait au départ c'est un peu compliqué, mais en fait dès que t'es sur place tu penses même plus à la France, tu penses juste à kiffer, etc. Quoi. Non, le plus difficile pour toi ça va être de laisser tomber ta copine, toi, je pense, Tristan. Ah bah ouais, c'est surtout bien. Pour elle que ça va faire tout drôle aussi. Ah pour toi aussi. Bah ouais. Ce serait oui, mais bon, toi tu vas être dans ton délire, tu vas être là-bas, tu vas moins te faire chier que elle si elle t'attend. Skype. Et j'ai le résultat du clash à vous donner, oui, il y en a plein qui réclament, ça arrive. Si j'ai perdu, on peut attendre. Ça arrive. Il y a le journal des Bleus aussi qu'on va faire. Ouais. Bon, alors ce qu'on fait, on met Tristan en contact avec Arthur. Ouais. OK Arthur. Ouais. Ça marche, pour les messages. Merci. Ouais, merci pour tous les messages que vous avez envoyés, vous qui avez voyagé. J'ai des messages du Sénégal. J'ai passé un an au Sénégal. Content de revenir en France. Même si c'était super et que les gens sont super sympas là-bas. C'était le message de XXmen. Bonjour XXmen. Bon, tous les messages de tous les pays du monde. Ouais. Le Maroc, la Tunisie. Le Québec. Messages. Tiens, je vais en Allemagne l'année prochaine. Oh, ça va encore. C'est un peu plus près. C'est pas très loin. Ouais. T'as envie de revenir? Tu peux revenir. Ouais. Le killer, il part 3 ans au Québec. Il paraît que c'est vachement sympa le Québec. C'est bien bon. 3 ans, ouais. Hey, tabernac. Bah oui, c'est bien bon le Québec. Hey, c'est bien bon, ouais. Hey. Et puis, Alex, tiens-nous au courant de nos nouvelles de Colombie. Ouais, pas de souci. Et ce que je dirais. Va nous appeler. Oui, alors c'est Alex, je suis en pleine forme. Ouais, super la Colombie. Vraiment, j'ai de pêche depuis que je suis là-bas. J'ai mangé de la salade. Ah, c'est un truc de dingue. J'ai mangé de la salade. Oui, c'est une blague de Marie, laisse-la faire des blagues comme elle veut, Romano. On ne l'enlève pas surtout. Bah oui, ne me l'enlève pas. Blague normale. La coca sans salade, tu sais. Voilà. Alors. Oh, bah, voilà. Ça me fait rire, je suis quoi. Ah, Karim vient d'annuler son Karim Comedy Club à cause de toi, Marie. Le truc est fermé, ouais. Voilà, il l'a fermé. Ah ouais, ça a fermé plus tôt que prévu. Et donc on prend des nouvelles, Alex. Ça marche, pas de soucis. Et ce que je dirais juste là à Tristan qui part, c'est de pas se traiter et de se faire une liste des trucs qu'il aimerait voir. Mmh. Histoire d'être sûr de bien tout faire et de bien kiffer. Ouais, et s'il a peur quand il partira, ouais. De se retrouver tout seul, il y a forcément des groupes, les Français en Chine, etc. Et ouais, on est partout dans le monde entier. On va faire chier tout le monde. Ouais, vive nous. Bon, bah sympa en tout cas. Merci tous les trois, les voyageurs là. Arthur, ouais, Alex, ouais. Tristan, vous embrasse. Je peux passer un petit message du full? Vas-y, Arthur. Ouais, alors déjà, moi, je voulais passer quelques petites dédicaces. Alors, il y a Gaëtan qui dit bonjour à la Marie. Bisous, ensuite, Gaëtan. Ouais. Ensuite, petite dédicace à Alison. Une dernière à Joanne qui a eu son BTS. Donc, on sait pas trop comment il l'a eu, mais il l'a eu. Et après, un petit message. Est-ce que c'est possible que je fasse une petite pub pour l'entreprise où je taffe? Vas-y. Romano, ouais, tu vas passer à la caisse juste après. C'est l'entreprise de quoi? Super bien. Alors, c'est une entreprise, en fait, on est intermédiaire en particulier au niveau de l'automobile. Et c'est tout nouveau, on propose des trucs super sympas, c'est Kyump, en fait, ça s'appelle, c'est K-Y-U-M-P, donc tous ceux qui vendent une voiture ou quoi, qui veulent vendre leur voiture, ils peuvent aller voir sur le site internet, et ils peuvent rentrer en contact en appelant le numéro, simplement, et puis après, je m'occupe. Voiture volée garantie, hein. Pas de problème, très voilà, intéressant. On prend aussi, ouais. Et parfait, écoute, allez, c'est bien, merci Arthur, et bon voyage. Ça va durer longtemps, la boîte. Et on prendra des nouvelles de toi quand tu seras là-bas en Chine, et puis aussi de toi, Tristan, hein. Ouais, ça marche. T'as Skyrock avec toi, ça te fera un petit peu de France qui viendra t'accompagner tous les soirs. Sinon, t'as Skype hein, pour ta copine, on le disait beaucoup depuis tout à l'heure. Merci. Ouais, et puis t'as l'appli. Donc et tout va bien. Ça marche. Skype, je disais Marie aussi. Skype. Sky pour communiquer. Skyrock et Skype. Voilà. Yes.

Bah ouais, tant qu'à faire. C'est bien, ça. C'est bien en famille, c'est bien. C'est mignon. On va faire tourner la roulette là dans un instant. C'est vous, qui, je le dis pour tous ceux qui sont inscrits, qui voulaient faire tourner, c'est vous qui avez été tiré au sort. Bah tant mieux pour toi. Oui. Je pense que les autres ne disent pas la même chose. Bon, ça, en tout cas, merci pour les messages que vous avez envoyés. Les résultats du clash, est-ce que ça a voté dans la famille à Valence là, Louis? Bien sûr que oui, ça a voté. Alors ça a voté pour qui toi? Bah pour rien. Pour rien, tu n'as pour rien, d'accord. Tu n'as pas voté ni pour Romano ni pour Cédric. Ah non, rien. Je viens de me connecter, j'arrive à la maison. Ah, t'as pas entendu le clash ce soir? Ah, et Margot, pareil aussi. Ah même bah chose. J'ai déglingué. Non, bah attends, il n'y a pas les résultats. Sinon j'aurais voté Cédric. Ah merci ma gueule. Alors, je regarde les résultats du clash pour vous dire. Ça fait plaisir. Je les découvre avec vous. Oh là. Alors, appelez-moi Romain, comptable des, il est là derrière, du clash de la drague. Faut que je vous annonce quelque chose d'assez exceptionnel ce soir. Ah bon? Ah. Ouais, j'ai gagné. Non, mais attends, il y a exceptionnel. Il se passe toujours les trucs à la con. Hein. Cédric, 98%. Arrête. Romano, ouais, 2%. Oui, ça, c'était la blague du Comedy Club. Non, c'est pour remplacer le Karim Comedy Club ce soir. Ah, non mais c'est quoi le problème qu'il y a encore? Il y a un problème, c'est que c'est 50-50, il me donne une feuille. 50-50. C'est jamais arrivé. Hein. 50-50. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais alors attends. Est-ce que tu es vraiment. Est-ce que tu as compté vraiment toutes les voix? Ou est-ce que tu nous prends pour des cons comme Momo le faisait? Non mais c'est ce qu'on fait, hein, on rajoute la voix là. La voix qui... Bah oui. Bah il vient de voter pour non, moi. Non mais il a pas écouté, je vais pas le faire voter quelqu'un qui a pas écouté. Voilà. Bah il a pas écouté. Et ceux qui votent pour Romano avant que le clash ait lieu. Non mais on les prend pas, Cédric, je prends les votes dès que je dis quelqu'un. Toi Romain des réseaux sociaux. Pourquoi tu dis ça qui se fout de la gueule du monde? T'aurais aimé qu'il y ait 50,001 pour toi. Non mais il y a forcément, il y a pas exactement le même nombre de votes. Bah si, c'est possible Romano. Bah pourquoi pas. On vote prêt. Ou alors mais c'est pas comme si ça arrivait tous les jours Romain. Ah ouais, il m'amène les statistiques. Ah ouais, t'as les trucs, t'as les putain, messages. Le mec, là. T'as fait un tabou. Mais déjà, dit fou, il comprend rien aux statistiques. Rien, ouais, c'est voir, c'est parle, exprime-toi. 1400. D'accord, et sur cette feuille, donc il y en a 1450 pour Romano, il y en a 1450 pour Cédric sur cette feuille-là. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs feuilles en plus. Bah voilà. Vas-y, fais après, voir. Il faudra, après, il faut rajouter les réseaux sociaux. Ah ouais. Ah bah oui. Ah bah alors essayez de séduire. Selon les calculs de Romain. Scientifique, hein. Statisticien. Statisticien. Tu confirmes? Je confirme. Bah statisticien. T'as allé à l'école, toi? Confirme. T'es allé à l'école? Mais tu sais compter? Tu sais, on t'a appris à compter ou pas? Non, il a fini. Il s'est compté jusqu'à 1400 et quelques déjà pour plus 1400 et quelques, c'est déjà pas mal. Non mais attends, il est au collège encore. Donc, je donne donc une égalité. Oh là là. Ah non. Alors la coupe elle est pour qui alors? Allez, on va vas-y, moi je la prends. Hein. Non mais non, c'est bien non, vous allez vivre ensemble jusqu'à voilà. Mercredi et vous aurez la coupe chacun dans votre et vous vivrez dans le même lit. On la mettra au-dessus de votre lit. Laisse tomber. Oh non, vas-y. Cédric, tu vis seul? Ouais. Bon, Romano ce soir appelle Cariole, tu lui dis que tu vas pas dormir à la maison. Je découche mon amour. Tu découches dormir avec tu vas dormir avec Cédric, il a qu'un lit donc tu dormiras dans son lit. La chance. T'as qu'un lit chez toi? Bah oui. Et t'es quoi, t'as des potes qui viennent dormir, comment tu fais? Moi bon, je les encule. Ils dorment pas chez moi, t'es fou toi quoi? Ah t'as pas de potes qui dorment chez toi? Ah non? Jamais. Ah non? Personne. Ah bah non, personne. Ça, c'est normal. Attendez, personne veut. Si j'ai un pote à main, soit t'es foncé, vous avez un amuseux, elle a dormi dans le canapé. Ah. Il était dégoûté parce que j'étais exprès d'acheter un canapé, tu sais, deux places. Voilà, pour le faire chier. Bah non, bah comme ça le mec il peut pas. Il te connaît. C'est vraiment une grosse merde. T'as vu ça? T'es vraiment qu'une grosse putain. Ta gueule toi. Bah si, j'avais envie de te le dire et ça vient du fond de mon cœur. Ça fait beaucoup rire d'ailleurs, Louis qui te soutient pourtant. Non mais c'est incroyable, tu me putes à ce point. Même moi qui suis radin, j'ai un canapé lit, tu vois. Ah bah attends. Ouais, mais t'as pas voulu qu'il dorme dedans. Toi, t'as un gros chien la fois que j'étais venu chez toi et que je voulais dormir, tu m'as pas laissé dormir alors que je m'en vais. Non, mais j'allais pas déplier mon canapé lit pour. Tu es gentil. Hein. Tu me brises les lattes. Ah, mais même pas. Je voulais m'allonger sur le canapé, c'est normal. Le mec, non, il a pas voulu. Non, parce que toi, tu restes des heures, toi. Bah oui, quand tu dors, oui, tu restes des heures en général. Oui. Ouais, mais en pleine journée, non. Vous devez faire un autre clash de la drague. Oui, mais à minuit 8, ça va être compliqué. Parce qu'à minuit 8, oui, c'est les gens qui dorment. Tu peux pas faire de clash maintenant? Bah, on le met en suspens. Non, on ne peut pas. On peut pas, monsieur. Donc, putain, ça me dégoûte de se partager la coupe, quoi. Ouais, pour l'instant, on l'a partagé jusqu'à mercredi. Ça fait donc une victoire. Enfin, un match nul, qu'est-ce que je te dis? Un match nul. On n'a pas encore inventé les tirs au but pour. On n'a pas les pénaux. Non, on n'a pas les. Non. Tu veux qu'il t'emmène, Marie? Il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, tiens, c'est une bonne idée, ça. Bon, allez, on fait le journal des Bleus, justement, en parlant de pénaux. Là, c'est parti. Journal des Bleus de l'Euro, de Skyrock, de la radio. 2016. Journal des Bleus. Ouais. Samy Skyrock. Tu attends. Alors, attention, le journal des Bleus. Et attendez, musique, oui, parce que Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Alors, journal des Bleus, tiens, juste rapidement, avant de commencer, ça concerne deux joueurs qui font l'Euro en ce moment, mais qui appartiennent à l'OM. qui devraient tous les deux se barrer dans le club anglais de Crystal Palace, c'est Mandanda et Batshuayi. Voilà. Donc fini, le meilleur joueur de l'OM se barre. Ouais, deux des meilleurs joueurs de l'OM, des seuls bons joueurs qu'on avait en fait. Non, mais les deux meilleurs, même, les deux iraient à Crystal Palace. Ils signeraient leur contrat. On va rigoler l'année prochaine. Putain, et Marie, la réflexion de Beau. J'ai pas entendu. Non, mais l'OM sans Mandanda. Ah, bah, je suis désolé. Alors, ça, vraiment, l'OM sans Bernard Tapie. C'était mieux avant. Ouais, mais bon, tu sais, Marie, ça existait avant qu'ils viennent. Hein. LOM sans exactement, Platini, moi je vous dis, c'est fini. Ça m'a eu couille, Platini. En plus, c'était sûr que Mandanda allait partir. Tu vois. Oui, ouais, on savait plus. Ouais. Voilà. Mais même pas celui, le mec, ouais, quand même, a tenu ouais longtemps à Marseille. 7 ans, gros. Non, mais il est bien. Non, mais psychologiquement, il est rude. Hein. Ouais, ouais, il est fort. Il a bien fait de le prendre, Didier Deschamps, au cas où. Eh bien, justement, on va en parler, le petit point sur les Bleus. Donc, on va revenir sur ce qui s'est passé à la mi-temps hier pendant le match contre l'Irlande. Oui, parce qu'on a fait une. Pour résumer, ceux qui n'auraient pas vu le match, on a fait une première mi-temps de merde. Quand même. Ah bah complètement. Contre, vraiment, on s'est fait chier. Hein. Ah, mais catastrophique. Et en plus, moi, je disais, à la fin de la mi-temps, je me dis, putain, il faut changer quelque chose, vraiment, c'est la catastrophe. Ouais, bah, et bah, moi, je me suis endormi. C'est bien, Marie. Ah, ouais, c'est possible. Et bah, figure-toi. Ivre morte. J'étais rebou. En fait, à la mi-temps du match, Didier Deschamps a laissé les joueurs face à leurs responsabilités, tu vois. Et en fait, ils ont tous pris la parole un à un, donc même les remplaçants. Et c'est Mandanda, justement, qui a fait le speech à la mi-temps, tu vois. Donc avec Loris, avec plein d'autres cadres. Alors qu'il est remplaçant, Mandanda, vu qu'il a pas mal d'expérience, il a parlé pour. Vous avez joué comme des merdes. Non, c'était pas le but, mais genre pour mettre tout le monde face à ses responsabilités et rebooster un peu tout le monde, tu vois. Et bonsoir. Et ça a marché parce que deuxième mi-temps c'était plutôt pas mal. Mais je crois que c'est Griezmann qui disait, ou Payet peut-être. Non, c'est Griezmann qui disait qu'à la mi-temps il s'était dit. Ouais, mais en fait, il y a un truc qui est sorti. Hein, c'est même lui qui l'a dit dans une émission. En fait, il a dit, à la mi-temps, il a dit, ouais, il faut se bouger le cul, sinon on va passer pour des cons. C'est ça. Alors, en fait, ils voulaient pas se faire éliminer comme ça devant leur public, machin. Ils avaient la honte. Ils avaient raison, puis ça aurait fait chier le monde. Enfin, nous, ça nous aurait fait chier. Donc ils sont bougés, c'est pas mal. Ils se faisaient un peu insulter. Tu sais, par les supporters, je pensais, ouais. Non, ils les soutenaient, les supporters. Non, pas trop. Dans le stade, c'est pas d'ambiance, ouais. Marie. Non, mais dans les vestiaires, en fait, pour les booster, quoi. Non, en fait, des fois, Deschamps, il gueule, mais là, ce coup-ci, il a pas gueulé. Il n'avait pas envie de gueuler. J'ai pas gueulé. C'était lui, quand même, qui a fait une compo de merde aussi. Non, pas la compo, mais en fait. Je t'emmerde, Tifoul. Oui. Et je souris sans mélange. En fait, Deschamps, la première mi-temps qu'il a mis hier, le 4-3-3, lui, il joue tout le temps comme ça, tu vois. Donc, les Bleus ont l'habitude de jouer comme ça. Il y a un bon équilibre défensif. Deschamps, joue plutôt la défense. Enfin, Matuidi à droite, ça lui va pas. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que t'as Pogba et Matuidi, les deux jouent à gauche. Alors qu'en deuxième mi-temps, t'avais combien de bien joué, Matuidi? Parce qu'il a sorti Kanté, ouais. En fait, il a enlevé un milieu de terrain pour mettre un joueur offensif de plus, quoi. Bon, parlons de nos amis islandais qu'on va rencontrer dimanche prochain. C'est les Islandais qui seront donc en quart de finale face à nous. Les Sun, exactement. Ils s'appellent tous Sun. Et oui. Il y a un qui s'appelle Sen. Alors, les Islandais. Moi, j'ai peur. Islande dimanche, ils vont nous rentrer dedans, nous dit Mathieu du 59, là. Mais non. Pensez que l'Islande peut nous. Ils sont motivés, hein. Bah, en tout cas, ils ont sorti les Anglais aujourd'hui. Alors, ouais. Les Islandais. Une belle performance. Bah, écoute, l'Islande, on verra. Moi, je trouve que c'est la petite de l'Euro. Donc, mais... il faut quand même vous annoncer que l'entraîneur est dentiste. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, ben, les Islandais. C'est quand même assez. Il y a la moitié, en fait, la moitié des 23 Islandais qui, à la base, ont une autre formation que footballeurs, qui sont, si tu veux, en quelque sorte, footballeurs à mi-temps. Footballeurs dentistes. Ils sont professionnels, mais ils sont à mi-temps. Et l'entraîneur était notamment dentiste avant de faire l'Euro, tu vois. Ah, c'est le. Oh putain. Donc le mec, maintenant, il a éliminé l'Angleterre. C'est un peu les petits poussets de l'Euro. Il y a deux ans, il soignait les dents, quoi. Si ouais, c'est ça. Qui se fait casser la bouche, c'est pratique. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est Didier Deschamps. Oui, Didier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez vous mettre en contact avec l'entraîneur qui est dentiste? C'est pas con, tu vas le rencontrer dimanche prochain. Ah, c'est bien, bah, pendant le match, il me refera les chiffres. Il va te refaire. Hein, il t'agrandira les dents de devant un peu. Oui, je suis un petit peu court. T'as que des gencives, le mec. Eh bah, ben, tu vois, tu parles de ça hier, j'ai bien regardé et j'ai vu les dents de Didier Deschamps d'en haut. Non, mais ouais, mais elles sont minuscules. Il a pas de lèvres non plus. Elles sont tout petites. Ta gueule, pour fiasse. Bien dit, Didier, laisse-moi pas faire, ça suffit maintenant. Il s'était fait beau gosse, Deschamps, la chemise et tout, il avait. Oui, beau gosse. Tenue de garde. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, en tout cas, ça faisait plaisir de voir. Par contre, hier, l'entraîneur là, de l'équipe. Irlandaise. Ouais. Putain, il avait une tête de sadique, j'ai trouvé. T'as pas fait gaffe avec son polo et ses lunettes là. Ah oui, un peu. Tête d'Irlandais, quoi. Oui, ouais, je suis irlandais. Cliché, ouais. Bonjour. Bonjour, monsieur. Au revoir. Et en tout cas, on peut dire bravo aux supporters irlandais qui ont été super juste. Non, franchement, ils ont assuré. Ouais, bravo. Ça, ils sont vraiment sympas. C'est bien de voir tous ces Européens. Vous avez vu au début du match, c'était bon délire parce qu'il y a, en fait, ils étaient séparés en deux, les supporters irlandais. Oui. Et donc, en fait, il y a un côté, ils avaient tous les drapeaux et l'autre côté, ils n'avaient pas de drapeau. Et pour se faire passer les drapeaux, les mecs ne peuvent pas traverser la pelouse. Donc, en fait, ils ont passé tous les drapeaux de main en main. Les drapeaux ont fait le tour du stade pour aller jusqu'au virage en face. En passant par les Français. Ouais, bah ouais, tout le monde les a fait passer pour que les mecs en face, ils puissent récupérer quelques drapeaux, tu vois. C'est bonne ambiance. Ouais, c'était bon délire. Tu vois les drapeaux qui passaient comme ça de main en main. Non, mais c'est bien. Ça fait plaisir, cet euro. Vive l'Europe, vive les Européens. Bah, quand même. Vive l'euro. Bon, rapidement. Vive 2016. Sur les vive Skyrock. Vive la Coupe du Monde. Et au revoir les Anglais. Au revoir les Anglais. Et bye bye, England. Bye bye. Les Espagnols. C'est vrai qu'ils sont. Et au revoir les Espagnols. Ah, salut ça. Baby. Ouais, donc les Français sont entraînés aujourd'hui. Coman qui s'est blessé hier, je sais pas si vous avez vu, il est sorti à la fin du match, il s'était pris un pet sur la cheville droite. Ouais. Donc le staff. Moi j'en fume un, mais bon, chacun son truc. Hein, le staff médical a dit c'est 48 heures de repos minimum. Donc là, pendant 48 heures, il va pas s'entraîner. Mmh. Et ils feront un point à partir de mercredi. Normalement, mercredi, il devrait prendre l'entraînement collectif et il y aurait pas de problème pour la suite de l'Euro. Et il y a un joueur islandais. Ouais, c'est Akiko qui dit ça. Ouais, qui nous dit qu'il y a un joueur islandais, il a fait l'Eurovision en 2012. Ah ouais, j'avais vu ça. Ouais. C'est comme si Kenji Girac, par exemple, était dans l'équipe de France. Faudrait qu'on trouve son son. C'est un peu ça, ouais. C'est ça, ouais. Et c'est bien, c'est fou le parcours de l'Islande. Il va falloir que l'équipe de France les prenne au sérieux. C'est ce que dit Ben. Ah ouais, puis tiens, ils ont. Vous avez pas entendu la nouvelle chanson des Irlandais, là? Vous l'avez pas vu sur les réseaux sociaux? Ah non. Attendez, je sais pas si je l'ai sur ce. Laquelle? Bah, j'ai pas entendu. Ils en passent, mais à bloc dans toutes les émissions, ils arrêtent pas, quoi. Non, mais il y a une nouvelle, là. C'est celle qui. Elle a été faite hier, en plus. Ah. Hier, juste avant le match, c'est la police française qui danse avec les tifosi irlandais. Ah, c'est bon. Ah, c'est leur tube habituel. Ouais, c'est leur tube. Alors, non, attendez, il y a une variante là, c'est For the French Police. Stand up et après For the French Police sit down. C'est en fait, ils ont réussi à créer une danse. Ah oui, debout. Police stand up for the French Police. Bah, en fait, tu sit down for the French Police. Donc tu t'es debout quand tu dis stand up et tu te mets assis quand tu dis sit down for accroupi quoi. Non, tu t'assois. Genre tu chies. Mais Marie, elle te pose des questions. Ah ouais, Difool, t'es bien gentil de lui répondre. Ouais, parce que je ne vois pas. Non mais d'accord, mais debout et assis, tu sais, t'es pas débile, tu sais ce que ça veut dire. Non mais j'ai compris, Cédric me l'a dit. Attends, on va faire un peu. Cédric, arrête d'être con. Debout. Bah ouais, je suis debout. Bah stand-up. Non, là, t'es assis. Non, il est assis. Je sais pas faire. J'ai pris un mauvais exemple. Je sais pas où je me suis embarqué avec ce truc de stand-up for the French Police. Ah merde. Cédric, debout. Debout. Oui, tiens, à plat. Assis. Merci. Et sur la vidéo, tu veux la mettre la vidéo? Et sur la vidéo, elle est là, tiens. Il y a la police qui, au bout d'un moment, bon, se met à se lever, se baisser. Enfin bon, les... Ouais, ça dure 10 minutes. Hein. Ça ne s'arrête jamais. Ah. Voilà, c'est bien. Bon, stand up for the French Police. À bientôt, les Islandais. Demain, on suit quoi dans l'émission le soir? Terminé, pas de match. Le prochain match, c'est jeudi. Pas de match demain? Non, les quarts de finale, ça commence jeudi. Pologne-Portugal, ça sera à Marseille. Et non, je vendredi. Vendredi, c'est Pays de Galles, Belgique. Nous, on a de la chance, on a beaucoup de repos à chaque fois. Ouais, grave. Mais parce qu'en fait, la France sont plus ou moins favorisés, tu vois. Parce qu'ils ont plus de jours de repos que les autres leur tableau, et ça les arrange. Et on repart après pas, comme on dit, mais si on se qualifie pour les demi, on les jouera quand? Jeudi, vendredi? Les demi, ça sera le jeudi 7 juillet à 21h à Marseille. Les deux. Et l'autre, ça sera le mercredi 7 à 21h. Donc d'accord. La France aura encore un jour de repos de plus. C'est bien. C'est bah écoutez, on a de la chance au final dans cette histoire. C'est vrai qu'on est châteux là, on se prend des semaines entières de repos quoi. Non mais vois aussi les adversaires que t'as pour l'instant quoi. Enfin Suisse, Roumanie, Albanie, Irlande, c'est clair qu'on a du bol. Islande. Mais ça fait partie du jeu, c'est la compétition. Ça c'est bien dit. Et la chance, elle se provoque. Enfin l'Italie se frappe des adversaires autres quand même. Bon, et les 0h17, on nous dit oui, on va y aller. Hein, bougez pas, on va faire tourner la roulette, vous retrouvez Prisca juste après la roulette qui tourne. C'est parti pour Louis et Margot. 400 places de concert Rihanna a gagné sur Skyrock. Ah merde, j'ai raccroché. Ah merde. Ah, ouais. Louis et Margot, excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre avec les mains pourries. Avec ma main. Non, mais c'est célèbre mains pourries. Non, Manon, ma tendinite s'est réveillée ce week-end. Ouais, c'est vrai. Et ouais, donc forcément. En même temps, tu l'as jamais fait soigner, donc. Bien sûr que si, j'ai pris des cachets. Et j'ai eu un truc au bras aussi. Donc je l'ai soigné, évidemment que je l'ai soigné. Mais pour qui me prend-il? Ah, moi je vais rigoler. Eh, cet été, par contre, m'appelle pas, c'était une galère. Merci. Allô, on peut compter sur ses amis. C'est bien, c'est bien. Parce que tu te fais pas soigner, ça va revenir un jour ou l'autre. Oui, laisse-le parler, Louis. Laisse Romano est dans son. Non, mais c'est Difool, il nous fait chier. Romano est dans son jacuzzi. Il est dans sa paranoïa. Alors, Louis, allez, on fait vite tourner la roulette parce que c'est vrai qu'on n'est pas en avance. La roulette qui va tourner. Pour toi, Louis et Margot, puisque vous jouez en famille, faites un stop à deux. Ok. Autrement, j'offre qu'une place. Ok. Stop. Allez, Margot. Margot, attention, t'auras pas ta place. Hein. Ah. Ouais, c'est un peu tard, Margot, là. Bon, c'est deux places pour Rihanna, pour vous, Margot Louis. Merci beaucoup. Vous allez aller la voir en concert. Eh ben ouais, elle est en concert. À Lyon, tu veux y aller? À Lyon. C'est parti, deux places pour le concert de Rihanna à Lyon, c'est pour toi. Il y a encore des places tout au long de la semaine, comme vous kiffez, on vous en offre plein. Je peux passer une dédicace? Vas-y, Louis.

panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Penda, le son des designers à l'instant sur Skyrock pour attaquer l'émission. Priska, es-tu là? Ah non, je crois que Priska a un problème de micro. Alors attention. Ah. Alors Priska, c'est quoi le prochain son? Ah bah oui, mais elle ne l'entend pas. Forcément. Ah bah ouais, c'est un peu elle doit parler dans le vent, tu vois. Elle est en train de parler, la pauvre. Là, sinon, je suis un peu comme la connard. Bonjour, 20, minuit 24, c'est parti pour la radio libre. La radio libre démarre maintenant, en direct sur Skyrock. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ouais. Il est minuit 25 et c'est la petite surprise. Vous êtes sur Skyrock, il faut toujours rester branché sur Skyrock. Il peut se passer tout à n'importe quel moment. Il y a des surprises comme ça. Ici, c'est en live, c'est du direct. C'est du direct et il y a Priska qui est en panique. Ah, on t'entend loin. Je sais pas si vous l'entendez. Elle court. Fais ton footing. C'est un chalot, chalot maman, le disque. Alors, okay. C'est Radio Libre avec plein de musique dedans. Alors. Elle est là. Tiens. Comment vous expliquer? Excusez-moi, bonsoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'ai dit bonjour. Et ouais, on a entendu, ouais. On a entendu aussi. On t'écoutait Priska, nous. Hein. Enfin, on a rien entendu, justement. Il y a eu un grésillement. Il y a eu. On a entendu. Panda. Et après, plus rien. Voilà. On va écouter. Oui, il y a vraiment un bug, on fait pas exprès. Hein, mais... Non, mais c'est bon. Pas grave. Tu prends feu. Alors, Marie, tu es en train de brûler. Tu es en train de brûler. Excuse-moi. C'est pour fêter ça. Je l'ai brûlé. Excuse-moi, je lui ai écrasé ma cigarette sur les seins. J'adore. C'est la soirée des catastrophes. Vous savez que c'est très excitant de se faire écraser une cigarette sur les seins. Ah ouais. C'est trop bon. Très bien, très désolé, bien. Ma belle. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Romano, tu vas mettre le disque. Bah, il n'y a pas le choix, étonné que tu n'arrives pas à effectuer ton travail. Je suis obligé de reprendre les commandes. Par contre, on prend ta paye, presque. Mais écoutez, non. On va finir millionnaire dans cette émission. C'est un truc de fou. Non, non, mais comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, oui. Je vais aller réparer. Ou alors, au pire du pire, je vais changer de studio. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce qu'à Skyrock, on n'a pas un studio. Non, on n'a pas deux studios. Maintenant, on en a trois. Et voilà. Ouais. Bon, déjà, sur les trois, il y en a un qui ne marche pas. Oui. Il n'y en a plus que deux. Oui. Attention, deuxième essai. Donc, alors, peut-être dans un instant, Priska, retourne dans le studio qui ne marche pas. Ça fonctionne alors. Voilà. Vous êtes prêts? Allez, on est prêts. Allez, à dans 3 minutes. À dans 3 minutes, Priska. Tu nous dis sinon, on bouge la doigt. On n'a pas le morning demain, donc tranquille. N'oubliez pas le replay du morning. Demain matin, le morning best. Priska retourne dans un instant, pas de chance. Je crois trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, je serai partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non, j'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô, maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô, maman. Bobo. Bobo, ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort. J'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. T'as besoin. Allons-nous-en. J'serai ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, j'reçois que des éloges, mais j'dois t'affranchir. J'parle à la faucheuse, la nuit, j'me réveille en nage. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords. Ou l'argent que j'ai à blanchir. Là j'suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les têtes de France me disent que j'suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que j'te retienne, fallait que j'te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. Pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo,

Taking a hold on me.